Ici Maxime Tremblay de L'Épée Légendaire. Vous écoutez C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux, Annick Bélanger, Simon Lefebvre et Éric Chamberlain. Ajustez vos écouteurs et montez le volume, ça commence maintenant. Tout le monde, bienvenue au 10e épisode de C'est juste un autre podcast. Au micro, moi-même, Luc Desormeaux. Avec moi ce soir en direct, on a Simon Lefebvre. Hello! Et Annick Bélanger. Salut! Éric n'est pas en direct avec nous ce soir, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir sa petite section quand même. On va faire ça en différé. Ouh! Et fait qu'on va commencer tout de go. Avec la première chronique de Simon. Merci Luc. Allô tout le monde, ou bien dans le spa tout le monde, hein, parce que selon vos préférences, il fait un temps splendide, profitez-en. Oui, ben, pas ce soir quand on enregistre, là, parce que c'est très orageux. On est content d'être à l'intérieur. Je vais débuter ma petite partie avec un animé de cette saison qui, selon moi, vaut la peine vraiment d'être vu et écouté. Tasugare Otome X Amnesia. Bon, je peux comprendre que ça semble être assez compliqué, mais en français, ça pourrait se traduire comme Demoiselle du crépuscule amnésiaque. Amnésique. Ouais. Ouais, on pourrait dire ça. Vive Google Translate. Hein? Ouais, quelque chose de même. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ça serait plus amnésique. Il y a 12 épisodes en tout. C'est un animé de mystère, horreur, romance. Et oui, beau mélange. Mm-hmm. Donc, je crois que tu as réussi à leur faire écouter un petit extrait. Oui. Fantastique. Alors, partout dans le monde, il y a des histoires à dormir debout avec un lot de malédictions et autres. Eh bien, le Japon ne semble pas faire exception. Si je commence un petit peu avec l'histoire de cet animé-là. Il y a environ 60 ans, une jeune fille a été laissée pour morte dans un édifice abandonné sur le campus d'une école. Mm-hmm. Ooh. Ooh. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais à partir de ce jour-là, des histoires horrifiantes et des légendes s'en suivirent. Sans surprendre quiconque, il y a forcément une personne intriguée par ces forces du paranormal. Bien sûr. Ce qui peut faire, par contre, dresser les cheveux sur la tête, c'est que le fondateur du club paranormal est le fantôme elle-même. Ok. Ok. Incapable de se souvenir comment elle a mouru, et engagée dans le monde grisâtre de la vie et de la mort, elle se prénomme Yuko. Elle jette son dévolu sur Teichi Niya. On pourrait dire, comme en France, un bleu. Dans le fond, il débute l'école, cette école-là. Donc, c'est sa première année. Hein. OK. Un petit nouveau. Un petit nouveau qui, bon, on ne sait pas pourquoi, mais il est capable de la voir. OK. OK, donc de voir les fantômes, mais il la voit elle particulièrement. Et ensemble avec les autres membres du club paranormal, ils tentent d'élucider les mystères nébuleux qui entourent cette école. Est-ce que le fait de découvrir le secret de la mort de Yuko va la libérer en fait de ses chaînes, ou bien est-ce que l'association soudaine et très intime avec un mortel va avoir des répercussions pour les deux. Oui, en effet, c'est ça. Il y a des petites connotations un peu ou pas subtiles, pas trop indécent. Mais juste correct. Ouais, c'est ça, juste correct. Je vous laisse en juger, là. Alors, c'est à peu près ça pour l'histoire, de, sur quoi ça se déroule. Ma cote, je dirais peut-être un petit 7 sur 10, c'est bon. OK. Mais je suis pas amateur de fantômes. Moi, je suis plus vampire et combat, mais le paranormal est quand même un sujet que j'aime bien dans les animés. Puis peut-être même à l'extérieur, à part peut-être Chantal Lacroix avec ses tables qui... OK, OK. Mais c'est ça. L'auteur là, semble vouloir représenter un personnage principal comme ce que je pourrais voir, que selon les animés que j'ai vus, là, vraiment, il y a beaucoup d'auteurs qui ont une idéalisation de la japonaise parfaite ou de la personne parfaite. Donc, belle, cheveux longs, raide, noire. Morte. Elle est aussi... Ouais! Je m'en allais dire intelligente, mais t'as coupé ça juste au bon moment. C'est comme... Bref, en tout cas, c'est la première de classe, comme dans certains films aussi, même. On pourrait faire ça, tu sais. L'anime et le manga sont jugés R17 et plus. Okay. Pour la violence et la profanité. Alors, sur ce, ben, c'est ce qui clôt cet animé-là. Je vous souhaite un bon petit divertissement. On parle de 12 épisodes, c'est terminé après 12? En général, oui. OK. Et c'est vraiment, c'est un animé qui, on peut dire, qui poigne. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a vraiment de l'engouement pour ça, là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont peut-être faire une saison 2. OK. Mais en général, c'est rare qu'ils vont faire une extension. Donc, tu sais déjà d'avance si ça va être 12, 13, peut-être qu'il va y avoir une, peut-être aussi un épisode bonus des fois qu'ils font. OK, OK. Mais en général, c'est soit, comme je te disais, soit 12, 26, tu le sais d'avance. C'est prévu d'avance. Ou comme on pourrait dire Naruto ou Bleach, c'est vraiment, ça part. Puis c'est ils ont, pas, ouais, ben c'est pas l'infini, là, ils décident d'arrêter peut-être, je sais pas. Lorsqu'on t'a amené de faire de l'argent, ou... Ben, on se tanne-tu de faire de l'argent? J'aimerais ça me tanner de faire de l'argent. Écoute. Fait que c'est à peu près ça. Donc oui, 12 épisodes de prévu jusqu'à maintenant. OK. La partie animée étant terminée, ben, c'est maintenant le débat des futurs crânes rasés pour Diablo 3. Apprendre que Diablo 3 a été vendu à plus de 6,3 millions d'exemplaires en une semaine. Mm-hmm. Mm-hmm. Et bizarre, ça s'en est aperçu parce qu'ils ont eu des problèmes de serveur. Dont 3,5 millions durant le premier 24 heures. Mm-hmm. Okay, cela n'inclut même pas les 1,2 millions d'abonnés à WoW qui ont reçu des 3 en cadeau. Avec un abonnement d'un an, je pense. Exact. Oui, oui. Chapeau Blizzard. On va quand même leur donner. C'est quand même une bonne idée. C'est quand même une bonne idée. Je prendrais bien une bonne retraite après une aussi bonne journée de vente. Ouais, parlant d'être tanné de faire de l'argent. Mais bon, on ne se cachera pas que l'économie de nos jours, je devrais travailler une journée de plus juste pour les imprévus. Oui, juste au cas où. OK, blague à part, on attendait vraiment Diablo 3 et on l'a. Maintenant, on fait quoi? Bah, on essaie de jouer un peu tranquillement, histoire de faire durer le plaisir. Je veux dire, on a attendu des années et j'ai pas l'intention de battre le record de 43 heures pour avoir été le premier à se rendre au niveau 60. Ça a pris 43 heures? Ça a pris 43 heures, ouais. Ce qui a été dit. J'ai pas pu vérifier parce que j'étais pas là. Mais j'imagine que c'est pas 43 heures à faire le donjon au complet, puis fouiller, puis j'ai pas fait les quêtes principales, mais puis tu cours selon moi, c'est ça, c'est vrai. C'est la totalité se rend là, il voulait être le premier. Est-ce qu'il paraît qu'il utilisait des principes comme ce que je pense que c'est Leonardo da Vinci. À toutes les 4 heures, il se donnait une pause sommeil de 15 minutes. Prendre le temps aussi des fois de manger, donc mm-hmm. le sommeil, il faisait un circuit comme ça. Mais c'était vraiment donc non-stop à part des petites pauses comme ça. Donc en tout 43 heures pour ce niveau 60. Mais bon, chapeau à lui, mais... Loser! Mais écoute, c'est que les développeurs... Faut pas que t'aies grand-chose d'autre à faire. Ouais, faut que t'aies pas grand-chose d'autre à faire dans la vie pour que te taper ça. Mais c'était de... Les gens, des fois, cherchent à être renommés, hein, famous. Ouais, c'est sûr que son nom va être... dans les annales l'inscrit de Diablo. Hein, ouais, oui, c'est très, très dans l'enfer. Hein. Oui. OK. Les développeurs avaient vraiment prévu 2 mois de jeu avant de se rendre là. Donc, j'imagine qu'ils doivent être en recherche d'emploi. Une autre mauvaise blague, mais bon, celle-ci est peut-être plus près de la vérité qu'on pourrait le croire. Hein? De toute façon, on est ici pour en parler. Et j'inclus aussi mon cher ami Luc, qui a eu le temps d'essayer l'édition Starter, donc l'édition de base, par le fait même qu'avec mon achat, j'obtenais 2 passes pour permettre à des incultes ou des non-croyants de connaître la folie Diablo 3. Exactement. Pour gratis. Alors, c'est à peu près cela. Bon, ben, avant de commencer, je crois que je vais devoir séparer les gens en 2, voire peut-être même 3. À ma façon, bien sûr. T'es violent, séparer le monde en 2. Écoute, slash. Ben justement, slash. Si on aime le hack and slash, OK, bon, le premier type de gens, ben, si on a aimé vraiment Diablo 1 et 2, ben, on sera pas vraiment trop dépaysé. Okay? Mm-hmm. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Donc, ça, c'est la première catégorie. 2, si on n'aime pas les jeux où l'on dessine des méchantes bébites et des zombies la plupart du temps dans un environnement sombre à souhait, d'obtenir de l'or à faire rougir Crésus de jalousie, aussi Diablo 3 pour vous et la nouvelle tablette concurrente du iPad 3, ben je crois que vous faites bien de nous écouter parce qu'il bon, y a pas d'âge pour apprendre. Hein? C'est ça. Imaginez, ça fait plus de 4 ans que mon père me harcelait d'avoir une date de sortie pour Diablo 3. Ma joie, quand que je lui ai acheté, je suis enfin libéré. De cette question. Ah, il demande pile 4, lui. Écoute, ah, non, non, il prend le temps de savourer lui aussi. Et la troisième et dernière catégorie se situerait, bon, évidemment, entre un je ne sais pas si j'aime ou pas, mais je joue à tous les soirs quand même, négligeant ma femme et mes enfants, ou bien mes animations japonaises. Arr, sacrilège! Donc, c'est à peu près ça, mes petites catégories là, que je voulais mettre en place. Là. Donc, c'est là que ça nous permet de voir où est-ce qu'on se situe, si on aime ou on n'aime pas, tu sais, dans le fond, qui qu'on est là, versus Diablo 3. Là. Côté graphique? C'est correct sans plus, je dirais. Moi aussi, rien à dire. C'est pas laid, mais c'est pas comme extrêmement joli. Là. C'est pas quelque chose que tu dis « wow ». C'est ça, « wow » dans le sens « wow ». Mais non, c'est pas vraiment visuellement, c'est pas plus beau que n'importe quoi d'autre. Là. Ma façon à moi là, que je pourrais dire, c'est qu'il faut penser que Blizzard, là, il devait garder la même façon de jouer qu'il y a une dizaine d'années-lumière. Donc, ne vous attendez pas à du 3D comme Terra ou Secret World là, qui s'en vient. Le moteur de jeu nous montre sa force avec les innovations, le physique qu'Avox sait si bien le faire. Et les développeurs en ont profité malgré que le jeu en isométrie là, au 2.5D. Donc, c'est là que tu disais, regarde, c'est pas révolutionnaire, c'est pas top. Là. C'est correct, mais ils ont voulu donc garder Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, la même chose. Fait que, oui, c'est plus à jour, mais un PC, dans le fond, peut jouer, même si c'est pas un PC top avec une carte top. Là, c'est ça. On va être capable de faire... C'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu garder, donner la possibilité à le plus de gens possible de le jouer. Exact. Mais ce que j'ai bien aimé, justement, en parlant du moteur physique, la possibilité de détruire presque tout sur notre passage, hein, une vraie trombe, une chance que les fondations des donjons sont solides. Jusqu'à maintenant, j'ai été surpris plusieurs fois dans le bon sens du terme. J'ai adoré lorsque j'ai aperçu des hommes panthères de l'autre côté d'un ravin, avec un pont brisé entre les deux. Je me suis dit, comme à l'ancienne, c'est trop facile, tu t'approches dans le fond sur le pont, Et moi, tu sais, je joue les magiciens. Je les tire à distance, puis je me dis, tiens, ça va être des poids faciles, ça va me tomber peut-être soit des objets ou de l'or, puis fini, parce que moi, je joue à deux personnes, donc les monstres sont un peu plus forts, mais tu les tues, pas de problème. Ben non, stupéfaction, écoute, et on dirait qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont essayé de m'attaquer, ils ont vu, oups, il y a un ravin entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent une petite pause et paf, ils se jettent par-delà le ravin pour venir me prendre un morceau de peau. Écoute, vraiment, là, ça m'a impressionné. Là. Ok, wow! Ça, c'est quelque chose que toi, t'as pas vu parce que t'étais limité un petit peu. Là, ouais, c'est ça, je me suis pas rendu jusqu'à ce point-là. Là. Exact. Même les décors ambiants, je sais pas si t'as eu la chance d'en écraser plusieurs, mais c'est ça. Écoute, on voit des fois des serpents dans l'acte 2, des scorpions, puis ils font pas partie, dans le fond, des méchants. Là. Mm-hmm. Donc, tu les verras pas allumés en rouge. Mais par contre, quand tu marches, tu peux les écraser. Ouais, dans le niveau 1, il y a des espèces de scarabées à terre, des choses comme ça, dans la cathédrale. C'est puis ça. Quand tu passes dessus, t'entends. Fait que ça, j'ai bien aimé. Alors, c'est ça, écoute, pas d'XP, pas de trésor, mais c'est de la pure et de la simple méchanceté gratuite. Mm-hmm. Donc, c'est à peu près ça que je pourrais dire au niveau graphique, là. De pas faire le tour, là. C'est pas bien. C'est pas coloré comme un Torchlight. Mettons que les couleurs sont plus vives. Ouais. Parce que c'est fait pour être sombre. L'univers est très sombre. Tout le fait temps. Qu'il n'y a pas de couleur, c'est fade. Mais c'est fait pour être fade. C'est fait comme ça. Ouais. Gameplay. Du vrai hack and slash. Ou électrochoc. Bref, du sang, de la violence gratuite, comme je disais. De la torture. Ai-je dit du sang? Oui, il y en a pas mal de ça. Comme on s'y attendait, donc nice pour moi. Non, oui. C'est on clique, on clique, on clique. D'accord avec j'ai, ça. J'ai presque tué une souris à finir l'acteur. C'est ça. On redécouvre une souris qui semblait être migrée encore hein, pour des applications comme Word, Excel. Oups, on parle de jeux. Des jeux comme peut-être Angry Birds ou les Schtroumpfs sur l'iPad. N'est-ce pas, Annick? Il n'y a pas de souris sur l'iPad. Sur l'iPad. Alors, on s'achète à ce moment-là, on se rend compte que notre souris, moi aussi, était désuète. Alors, je me suis acheté une souris Diablo 3, gracieuseté des cartes cadeaux Future Shop accumulées au fil des années. Merci, mon ami! Ça fait plaisir! Sans compter ce qui allait avec, donc, une nouvelle souris, il fallait un nouveau tapis de souris. Donc, un tapis de souris wow, afin de pouvoir détruire le gobelin en même temps, le ravager pour faire... À force, tu fais ta souris d'en face! Vraiment bien cette souris en passant qui semble avoir été pensée pour le jeu. C'est bizarre. J'espère. Si c'est marqué Diablo 3 dessus, ça devrait avoir rapport. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a assez de boutons pour justement faire donc, la barre de jeu. Mm-hmm. Donc, c'est juste une question de s'habituer. Je suis pas encore top avec le côté droit, là, mais pour le reste, avec le pouce, ça va bien. Puis, je me restais à ne pas... Je dois garder mon doigt sur le cul pour les prendre les potions. Les potions là. Mais quand même, on peut presque jouer totalement là, juste avec la souris. Donc, si j'en reviens à toi, Luc, ton expérience de jeu, qui, avant de te donner la parole là, totale, je dois commencer avec le fait que je suis déçu que l'édition, dans le fond, débutante, n'a pas permis de jouer en multijoueur, qui, selon moi, là, c'est un bon point fort du jeu. Ben c'est ça que j'ai pensé tout le long quand je savais qu'on allait parler de ce soir. Ben je me suis dit, ils prennent la peine de mettre deux codes de jeu par boîte de jeu acheté pour que tu puisses donner des codes à tes amis. Oui. Pour, comme Denis Talbot dirait, c'est comme donner du crack dans une cour d'école. Tu le donnes gratis la première fois, puis après ça, ils reviennent, puis ils vont payer pour. C'est son allusion qui fait. Fait que c'est exactement la même affaire. Okay. Fait que c'est, tu donnes des codes à tes amis, mais tu peux pas jouer avec eux autres. C'est vraiment fait. Fait que j'ai trouvé ça totalement cave que ça vienne avec le jeu, puis que c'est fait pour vendre le jeu. Puis la meilleure manière de vendre un jeu, puis c'est la manière que tu m'as vendu... soit tard, c'est en me faisant jouer des MMO avec toi. Exact. Tu m'aurais dit, va-t'en sur Internet, download le client d'Eden Eternal, puis joue. Je me serais tanné après deux fois, puis j'aurais plus jamais retouché un MMO de ma vie. Mm. C'est la même affaire avec Diablo. J'ai joué à Diablo quand j'étais plus jeune. J'ai joué à Diablo 1, j'ai joué un peu à Diablo 2, mais je jouais tout seul. Mais là, j'ai décroché un peu. Je joue à Torchlight, des choses comme ça, qui est un jeu similaire. Puis là, tu me donnes un code de Diablo. Je dis, hey, c'est cool, on va pouvoir l'essayer ensemble. Exact. Toi, t'es habitué, tu vas pouvoir me montrer des affaires que je tu sais, je veux dire, c'est pas sorcier joue à Diablo, là. C'est du hack and slash. Tu tues ton bouton de gauche, ta souris, en cliquant ses bébites, puis éventuellement, elle va crever. C'est ça. Tu sais? Puis si tu meurs, tu reviens, puis tu pèses sur ta souris jusqu'à temps qu'il crève. Puis tu sais, c'est ça le principe, là. Ouais. Fait mais, tu sais, t'aurais pu montrer, tu sais, plus l'exploration, des petits trucs, des affaires comme ça, puis on aurait pu se faire du fun à jouer à deux. C'est de se faire du fun. Puis j'aurais plus apprécié essayer l'édition de découverte. Qui appelle le starter à jouer à deux qu'à jouer tout seul dans mon coin. C'est ce que je m'attendais aussi, j'étais très déçu. Fait que moi j'ai trouvé que c'est d'un côté c'est stupide de Blizzard d'avoir fait ça. Peut-être qu'il y a un côté stratégique de leur bord pour ça, mais moi je me dis si en partant tu me permets de jouer avec un de mes chums à Diablo avec l'édition starter, il y a des maudites bonnes chances que je m'en aille acheter le jeu. Exact. Parce qu'on va vouloir continuer l'expérience agréable qu'on a eue. Et surtout, comme on disait, c'était le temps que toi tu t'es rendu jusqu'au roi squelette. Ouais. Ben, c'est là, on peut se permettre des spoilers parce que le jeu est sorti. Hein, bon, mais on se le cachera pas aussi, même dans la bêta, c'était ça, de se rendre jusqu'au roi squelette. C'est ça. Pour te donner un aperçu. Mais quand même, moi, j'attendais vraiment de jouer ensemble, parce que regarde, comme là, tu as découvert, donc, en le tuant, tu as obtenu un item jaune, un objet jaune qui se trouve être un rare. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était un bouclier, là, toi. Bouclier rare, ouais, c'est ça. C'est ça, comme des fois, moi, j'avais joué avec le magicien, puis j'ai pogné comme un point américain pour le moine, là. C'est tout le temps aléatoire, tu sais jamais. Mais c'est le but, c'est de t'accrocher pour dire, regarde, t'as aimé ça. Tu veux garder tes objets pour dire, regarde, t'inciter, puis tu commences à avoir de l'or. Ton blacksmith, donc ton forgeron, tu l'as entraîné, t'es prête, là. Mais le fait de vouloir jouer à deux, qui augmenterait la puissance des monstres aussi, puis que, écoute, on va en parler, mais... Tu sais, je veux dire, si déjà ça, c'est jouer tout seul, moi aussi, là, c'est pareil, là, je me tanne, là, je m'ennuie. Je dis, bien, c'est long, là. Fait que j'ai hâte qu'aussitôt que. Mais moi, par chance, c'est ça, là, c'est que moi, avec celui que j'ai acheté, vu que j'ai acheté le Collector Edition, ben, ça me donne accès à tout, là. Fait que là, je rajoute mes amis. Et quand je les vois en ligne, ben, clic, je peux les joindre, puis let's go, on tue, là. C'est du fun, mais c'était quelque chose que je voulais qu'on partage ensemble, là. Puis à cause du starter, on a pas pu. Ben, fait que non, ça, c'est un gros moins à Blizzard. L'autre côté aussi, je le trouve extrêmement facile au début. Trop facile au début. À ce qui semblerait, c'est peut-être pas juste au début. De ce que j'ai pu voir, on va en discuter, mais c'est ça. Écoute, il faut que je leur donne un petit OK. Je vais essayer de les aider un petit peu, là. Le jeu débute en mode normal. Hein? Ouais. On débute la partie niveau 1. Certains pourraient être rouillés de ce type de jeu-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Les développeurs ont fait peut-être bon de nous rendre la tâche facile afin de ne pas nous décourager et nous rester accrochés. Il faut se rappeler que la plupart des jeux, ils ont tout droit à des bêtas. Okay? Je ne parle pas des gens. Mais vraiment du jeu comme une sorte d'avant-première, où ce que l'on découvre des bugs, des plantages. Parfois, le jeu, au début, est trop difficile pour certains. Okay? Alors, ils vont ajuster, si je peux utiliser, s'il existe un anglicisme, nerfé, ils vont abaisser le niveau, mais pour satisfaire les gens, selon le nombre de plaintes reçues, ils vont dire, regarde, c'est vraiment trop dur, ça, c'est trop dur. Ils vont dire ça, ouais, de la plainte, pas à peu près. Ben, pour le contraire, parce que, écoute, donc le jeu est sorti. Il se divise en quatre actes, quatre modes de difficulté. Hein. Donc, on disait, on avait normal, après ça, on a cauchemar, on a enfer, puis on a l'infernal. Okay? Donc, moi aussi, là, c'est quelque chose que j'imaginais qui va être de plus en plus dur. Normal étant que même acte 1, 2, 3, 4 est assez facile. Okay? As-tu le Tristage de Froise qui est rendu au niveau 20 et est mort une fois? C'est ça. Puis il ne se considère pas comme un excellent joueur de Diablo. C'est ça. Fait que, regarde, c'est ça. Le mode normal, selon moi, est fait pour préparer les joueurs vers de meilleures aventures. Du moins, c'est ça, on l'espère. L'acte 1, première partie, a été aussi, comme je disais, le bêta là, que j'avais terminé. Puis tout le monde le termine sans trop de problèmes. Hein. Moi, je suis pas mort. Okay? Moi, je suis mort deux fois. Une fois, c'est parce que je savais pas, je me rappelais plus que c'était le cul, fallait je pèse pour gagner des potions. Ouais. Puis l'autre fois, j'ai juste pas réagi assez vite. Je me battais contre le roi squelette. Okay. Puis j'ai juste pas réagi assez vite. Okay. Je pense que je venais de prendre une potion. 30 secondes de délai. Mon templier est mort. Parce que j'avais un templier avec moi, il est mort. Puis j'ai pas eu le temps de me déplacer, puis le temps de régénération de ma potion était passé, puis je suis mort. Mais je suis mort deux fois. Puis je suis loin d'être un excellent joueur de Diablo. Là. Je veux dire, j'ai joué dans le temps, puis j'ai pas retouché à ça depuis ce temps-là. Mais c'est sûr que c'est un jeu standard. Là. T'as joué à Torchlight, t'as joué à des MMO, ça se ressemble. Là. Ça se ressemble assez vite. Mais j'ai trouvé qu'il donnait trop de potions dans le loot ou les drops quand tu tues des personnages. Parce qu'à un moment donné, t'es là, tu te bats, tu tues, puis à un moment donné, tu vois ta vie descendre, tu te places le doigt sur le cul pour te régénérer, puis tout d'un coup, il te sort comme quatre potions, puis là, il dit « Ah, je suis guéri, pouf, ta force est revenue dans toi, le quand top. » Quand tu prends tes potions, tu prends les petites boules rouges. Les boules rouges, là. Ouais, mais qui sont des fois néanmoins assez intéressants à avoir lorsqu'on tue des rares. Tu sais, quand on tue du monde normal, c'est vrai que c'est de trop. Ça pourrait être un peu plus rare. Ouais, un peu moins. Mais les monstres, dans le fond, précis comme le roi squelette, que tu tues ses acolytes, qui en donne, ben ça t'aide quand même parce que, justement, le délai que lorsque tu payes sur Q, tu vas avoir 30 secondes, ben c'est tourne en rond en masse. Là. Ouais. Puis, moi, en étant magicien, c'est sûr que je l'utilisais moins, mais j'ai essayé aussi avec la chasseur de démons. Mm-hmm. Et crois-moi, même au début, le temps de m'adapter, j'ai eu besoin de peut-être plus de potions justement que je pognais en cours de route. Donc on parle des potions là, justement qui s'en vont sur ta barre ouais. de jeu et non pas en chemin. Là. Mais c'est toujours donc adéquat, ça t'aide à rester en vie. Mais il va y avoir aussi un point là-dessus que je vais en reparler, du pourquoi, selon moi, que je pense qu'ils ont fait ça aussi, n'avoir donné beaucoup. Là. Maintenant, je suis rendu à l'acte 2 que toi... T'as pas pu essayer. Non. OK. Puis même à ça, même l'acte 1, t'as pas pu terminer. Mais l'acte 1, moi, je l'ai passé sans problème. L'acte 1 se finit pas avec le roi scorpion? Le roi squelette? Non, ça, c'est comme une partie de l'acte 1. Sinon, ça serait vraiment super court. Mais c'est ça, je me disais, quand tu disais 4 actes, si ça finit là. OK, fait que le. C'est divisé comme des fois, comme le premier, je pourrais dire, en 3 parties, si tu veux. OK. Tic, tic, tic. Là, tu dis, OK, t'as fait ça. Mais voici justement l'acte 2, l'endroit où j'espère ne pas être le seul, mais j'ai eu besoin d'une résurrection de la part de ma partenaire de jeu. Alors, on sent que la difficulté est vraiment déjà là à monter d'un cran. Contrairement, là, comparé à l'acte 1, là. OK. C'est pas énorme, mais on le sent. Surtout que, comme je disais, que moi, je joue à 2. Si tu rencontres un monstre rare, donc tu vas le voir, il va être en bleu. Ce sera pas un monstre normal, mais vu que tu joues en équipe, c'est là la partie, c'est genre, partez pas chacun de votre côté. Là. Restez ensemble. Restez ensemble, puis c'est fait pour rester ensemble parce que ça devient plus fort. Là. Tout seul, ça peut être difficile, puis justement, tes petites potions là, qui apparaissent, ou tes petites boules de vie, utilise-les pas toutes. Marche pas, puis saute pas sur le premier. Tourne Attends. En rond, oh, et c'est ça, pour les utiliser. Tu parles des monstres rares. Oui. Sont-tu toujours, c'est-tu rare dans le fait que sont générés au hasard ou sont là en autant que tu les cherches dans le donjon tu vas les trouver parce qu'ils sont toujours là. Moi je suis quelqu'un qui à chaque fois que je vais faire une session de jeu les cartes donc les maps que sur lesquelles je vais être je vais la faire au complet qui okay. va me permettre de découvrir les trésors cachés qui vont me permettre aussi de des fois on découvre des mini donjons donc des cavernes à les faire à l'intérieur de ça. Donc, moi, je manque rien. C'est ma façon à moi. Il y a des gens qui vont aller du point A au point B, qui vont suivre la quête, puis aller à l'avant. Chacun son style, c'est correct. Mais moi, comme je disais, là, c'est que je veux savourer. Écoute, ça fait des années qu'on attend tout ça. Là. Puis, tu veux l'expérimenter au complet. Oui, puis pour l'instant, je suis encore en mode où j'aime ça. OK. Donc, je me tanne pas, puis je veux essayer tous les 5 personnages. Oups, non, les 4. Parce que moi, Barbare, j'ai jamais vraiment aimé le Barbare. Mm-hmm. Je crois pas que je vais le jouer. Mais okay. Les 4 autres m'intriguent, m'incitent, et j'ai joué, comme je te disais, Chasseur de démons, et ça déménage. C'est quelque chose. C'est le prochain, je vais essayer. C'est une mitraillette, là. C'est vraiment le fun, là. Mais c'est ça, Tristan, elle disait qu'elle avait une Kal-Arc-Chnikov. Qui était une mitraillette arc. OK. Fait qu'il appelait ça de même. Mais c'est parce que c'est le skill. C'est quelque chose. Si tu as un arc ou une arbalète, ou à deux mains, ou deux arbalètes dans chaque main, écoute, c'est vraiment là, la flopée. Puis tu as donc une habilité qui s'appelle tir rapide, que tu peux vider ta barre justement de. Ils appellent ça de la hatred, donc. De la haine. Ben, ouais, c'est ça. Ça serait de la haine en français. Merci beaucoup. puis elle descend, là, zzz, fait que dans le fond, tu vides ton chargeur, dans le fond. C'est de toute beauté parce que tu vois un rond puis tu vois sa barre descendre. Okay, fait c'est vraiment surpuissant comme personnage. C'est très fort. En fait, t'as des bonnes armes. Là, et armure aussi. Parce ouais, que bon, tu te fais attaquer, c'est normal. Là. Bien sûr. Mais comme je disais, le jeu en multijoueur peut aller jusqu'à 5 personnes maximum, va augmenter en difficulté selon le nombre de joueurs dans une même session de jeu. Okay. Donc à 5. Écoute, ça va être quand même assez fort. Donc, comme je disais, je vais le dire encore, partez pas chacun de votre côté. C'est un travail d'équipe. Puis sinon, ben, vous risquez de payer le prix de réparer votre équipement. Fait que tu fais pas un Leroy Jenkins de toi-même? Non! Ben, moi, j'ai des amis qui jouent sans avoir de TeamSpeak ou de Skype. Fait qu'eux, ils jouent à se parler. Fait que j'imagine qu'ils peuvent faire... Ils peuvent décider de faire un Leroy s'ils veulent. Puis là, on va dire, c'est qui s'en va? Tiens, un futur décédé. Et voilà. Un point fort, lorsque l'on meurt, notre équipement nous suit si l'on résurrecte. Ouais. OK. Yeah! Parce que c'était pas évident vraiment dans les autres Diablo d'aller rechercher notre équipement qui restait là. C'est vrai, ton équipement restait où ce que tu mourais. Il n'y avait presque rien, fallait que tu retournes là-bas, puis donc fallait que tu rebattes le monstre qui t'a tué. Ouch! Pour ramasser ton stock, stock. Sans stock. Ouais. C'était quelque chose. Donc, moins de stress. J'imagine que les développeurs en 2012 ont notre santé à cœur. C'est probablement. On veut garder longtemps pour qu'achète Diablo 7 dans 40 ans. Ouais. selon moi, pense pas qu'il y ait un Diablo 4. Ça, pour moi, là. Ça a fait combien d'argent, tu dis? Non, mais je ne crois. Ouais, non, mais... ça a fait combien d'argent, non, tu dis? Non. Je crois pas qu'ils vont faire un Diablo 4. Blizzard appartient à Activision. Écoute, ça serait une épine dans le pied, là. Écoute, ou arrêtez là, de nous faire l'entrée pour un autre 10 ans, là. Préparez-le tout de suite le prochain, là. Pour dire, ou faites une extension tout de suite, là. Ben, qui pourrait arriver? Oh, ben ça, c'est possible. Le prochain, c'est StarCraft. La deuxième partie de StarCraft. Puis okay. Là, faut pas que tu oublies, ils ont le projet Titan, qui est supposé être peut-être le remplacement de WoW ou un nouvel MMO, qu'on sait pas trop. Fait que, je veux dire, ils travaillent sur d'autres choses. Fait que, mais Activision, ils se tannent pas de faire de l'argent, eux autres. Fait que si Diablo a fait des millions en 48 heures... Ils vont sûrement demander à Blizzard, ça vous tenterait-tu peut-être de recommencer? Ah, mais c'est comme les films, hein? Rocky 6, c'est assez, hein? Oh oui, bon. Mais je veux dire quand même, tant que t'en vends... Tant qu'à moi, Rocky 5 aurait pu l'enlever. Mais oui. OK. Tant que la vache à lait peut produire. C'est ça. Est-ce que nous, on est la vache ou on est le lait? On est... On... Je préfère pas savoir. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. L'œuf ou la poule, c'est ça? Alors, tu te souviens tantôt que j'avais mentionné les boules de points de vie qui apparaissent un petit peu partout. C'est là que je vais en venir. Je laisse aux plus audacieux de jouer en mode hardcore qu'on débloque au niveau 10, qui se trouve là où ce que l'on perd son personnage dès que ses points de vie tombent à zéro, mais on le perd totalement. OK? Tu perds, faut que tu recommences un nouveau personnage. Tu recommences un nouveau personnage, tu perds tout son équipement. Donc, c'est ça. Écoute, de toute façon, qu'est-ce qu'une ou deux pièces d'équipement légendaire que tu aurais pu accumuler, que tu as décidé de mettre dans ton mode hardcore? Parce qu'évidemment, si tu veux être bon au mode hardcore, tu dois être très bien équipé. Parce que prends pas une chance de perdre ta vie, sinon c'est fini. Puis là, tu es rendu à l'acte 3 et tu meurs. Ben, regarde, c'est fini, tu dois recommencer. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire aussi que le monde chiale un peu. C'est que. Entre le temps que ton bonhomme se déconnecte du serveur et le temps que ton bonhomme soit vraiment parti du jeu, il y a un délai. Ouais. Puis avec les problèmes de serveur que Blizzard avait, t'avais des personnes qui se faisaient déconnecter du serveur, puis pendant ce temps-là, le bonhomme mourait. Fait que tu perds ton personnage, et parce que tu joues hardcore, tu perds tôt, puis c'est pas de ta faute. Non, et fait qu'il y a du monde... Ouais. Mais Blizzard, ça a l'air qu'il aurait répondu, ben, it's in the game. Ça fait partie du jeu. Ouch. C'est plate, mais recommence. Contrairement au fait que si on jouait pas en ligne, c'est ça. C'est la chose qui me tape beaucoup ses nerfs de Diablo 3, c'est que si t'es pas connecté à Internet, tu peux pas jouer. Puis ça, je trouve que c'est la nouvelle mode, puis c'est plate pour nous autres qui payent le jeu 60$, puis que tu peux pas jouer si tu t'en vas à ton chalet, puis que t'as pas d'internet, tu peux pas jouer à Diablo. T'es fait. Mais si on va au chalet, c'est le temps de décrocher. Ouais, mais il y en a qui vont l'apporter quand même, leur laptop ou leur PC, puis vont vouloir jouer là-bas le soir ou quelque chose comme ça, puis tu peux pas. Puis c'est qui va être les gagnants là-dedans? La personne qui va downloader le jeu sur un torrent, puis qui a une version craquée, qui a pas besoin de se connecter sur le serveur pour jouer. Cette personne-là va pouvoir jouer ce qu'il veut. Oui, mais cette personne-là ne pourra peut-être pas faire, donc, utiliser la maison des ventes ou jouer en ligne avec d'autres. Il va juste jouer tout seul. Il va jouer local. C'est tout. Mais même si t'as pas d'internet, c'est sûr que tu vas jouer juste local. Mais moi, comme je te disais, jouer juste pour jouer. Diablo, maintenant, jouer seul, c'est le fun, mais je le joue pour être en team, être en équipe. Oui. C'est comprenable, mais c'est juste, c'est un handicap d'avoir un jeu qui est obligé d'être connecté tout le temps. Mais c'est ça que toutes les, dans le fond, les compagnies essayent. Là. Mais c'est pour éviter le piratage. Exact. Mais en essayant de l'éviter, tu l'encourages. Ça force les autres à essayer de détourner d'une certaine façon, mais regarde, à un certain moment donné, écoute... Oui, c'est un cercle vicieux. Mais ça reste que c'est ça. Ça reste un problème pareil. Ouais. Donc, ceci étant dit, je voulais dire, j'ai hâte au 29 mai. Parce que la maison des ventes qui permet de faire des transactions avec de la vraie argent, mm-hmm. oui, avec de la vraie argent, va voir le jour combien vont être riches ou plutôt quels seront les prix ridicules que les gens vont mettre. Pour vendre des objets rares, un rare ou un légendaire ou une partie d'un set, ce qu'on appelle donc, c'est ça qui est le but aussi. Comme moi, je me souviens dans Diablo 2, là, écoute, je voulais avoir le set complet de pour la magicienne qui était le plus fort. Là. Okay. Écoute, je crois que c'était 7 morceaux là, en tout et partout. C'était quelque chose à ramasser parce qu'il fallait que tu refasses le jeu ou tuer le même monstre pour le ramasser. Essayer. T'étais pas sûr parce que c'était au hasard. Non, mais. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir parce que tu sais que Blizzard va se prendre une cote là-dessus. Et même si tu ne vends pas ton objet, ils vont quand même aller chercher la cote. Ce qui va forcer les gens à ajuster leur prix, à ne pas justement être comme dans Eden Eternals, que justement tu parlais, que quand tu t'en vas dans la maison des ventes, l'auction house, là, ils vont mettre des prix de fou. Là. OK. Parce mais c'est pas de la vraie argent. Mais c'est pas de la vraie argent, mais c'est de l'argent quand même, du jeu. Oh ouais. Tu peux quand même aussi acheter ces objets-là avec de l'or du jeu ou de la vraie argent. Okay. Selon ce que. Fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est ça, c'est que lorsque la vraie argent va être là, ben, il va y avoir beaucoup qui vont dire regarde, ça me donne quoi de vendre ça pour de l'or si je peux faire de l'argent. Je le sais pas. J'ai vraiment hâte, mais on n'aura pas le temps d'en discuter là parce que c'est ça, c'est le 29 mai qu'ils ont décidé d'ouvrir les portes. On en parlera au prochain podcast si t'as vu ce que ça donnait. Ouais, mais c'était aussi un point que j'avais trouvé ça vraiment plate, le fait que moi j'avais déjà sélectionné le Collector Edition en français, m'avait automatiquement mis sur les serveurs européens, mm-hmm. Tandis que, sachant qu'avec ton compte Battle.net que tu crées, aussitôt que tu vas mettre ton pays, donc Canada, hein, on reste tout le temps dans le légal, on ne dira pas que je suis aux îles Mouk-Mouk, mais bref. Ça va te dire, ben, ta maison des ventes, que tu vas pouvoir faire des transactions, acheter aussi vendre, mais est aux États-Unis, donc à l'Amérique du Nord. Mais ça me donne quoi de bon de créer un joueur en Europe si je dois faire des transactions, donc ça ne me donne rien. Là. Fait que c'est juste jouer pour jouer, et puis tu ne peux pas te transférer d'un serveur à l'autre. OK. Oh oui, donc vraiment, j'ai trouvé ça plate. Mais bon, j'ai fait le bon choix pour ma partenaire au Japon. Je lui ai acheté, puis on a réussi à la voir qu'elle va jouer sur Amérique du Nord. Mais elle n'aura peut-être pas le droit de faire des transactions. Mais le Japon fait partie des serveurs nord-américains. OK. Donc, l'Australie, ces gens-là, et non pas Asie, qui inclut la Corée du Sud, tout ça, et autres, qui, eux, n'auront pas le droit, en passant. De faire des ventes pour de l'argent qui avait ralenti la sortie justement de Diablo. Ça a été barré là-bas. Ouais. Okay. Oh, ouais. Donc, c'est un autre point vraiment que j'ai trouvé plate parce que ça a été vraiment bon, je joue. Et puis là, oups, non, je me rends compte que sur quel serveur je vais devoir aller pour jouer puis faire des transactions. Là, parce que moi, c'est sûr que si j'ai assez d'or d'accumuler puis que je vois qu'il y a. il me manque un morceau que quelqu'un a pris puis que lui, il joue pas avec, comme mon père, lui, il joue pas avec les magiciens, là. Lui, c'est le barbare, justement. Mm-hmm. Fait que je lui ai dit, mais je dis, papa, je dis, si toi, tu as un item qui est bon pour moi, ben on va aller sur la même session de jeu ensemble, puis on fera un échange. Et voilà, puis moi aussi, je vais faire pareil pour toi, là, si je trouve de quoi qui est vraiment... Mais pour l'instant, je pogne des choses pour le moine. Mais là, même mon père commence à aimer le moine. Mais bref, il dit, ah, il frappe fort, hein? Je dis, ah, oui, c'est ça. Écoute, c'est vraiment le fun de jouer. Mais moi, mon but, c'était de jouer avec des amis. Mm-hmm. Pour mon côté, c'est sûr que là, moi, c'est correct. C'est plate qu'on n'a pas pu le tester ensemble. Mais bref, dans l'ensemble, ça reste que pour moi, Diablo, c'est quand même bien. Là. Verdict, pour moi, l'acte 1, non. Je suis d'accord avec toi. Okay. C'est pas mauvais. J'ai eu du fun à jouer. J'ai juste trouvé que c'était un peu trop facile. Puis le mode normal aurait peut-être dû être le mode facile. Ou pas de facile. Augmenter la... Puis écoute, juste le mettre un petit peu plus dur. Mais je veux dire, c'est pas méchant. Là. C'est pas un jeu qui est plate. J'ai un ami qui a fini le mode normal présentement et le mode cauchemar. Et il est rendu donc au niveau 60. Là. OK. C'est trop facile. OK, je vais te donner sa part, ce côté-là, parce que justement, on en discutait par courrier électronique, hein, on mm-hmm. s'envoyait ça, on disait « Ah oui, non, non ». Mais moi aussi, là, je le constate, que même le mode hardcore pourrait faire moins peur aux gens, moins de stress à dire « Allez-y », puis ça va donner donc plus de réputation, tu sais. Je l'ai fini en mode hardcore. D'après moi, c'est la stratégie de Blizzard, c'est d'aller chercher du monde qui n'ont jamais joué avant. Puis en délaissant un peu vraiment les hardcore qui suivent Diablo depuis le 1, le 2, puis qui attendent ils attendaient le 3 avec impatience, puis qui voulaient vraiment l'avoir, puis qui ont précommandé. Puis... Fait que je pense qu'ils ont comme un peu été plus... pour que les casual gamers puissent jouer pareil. Oui, mais je crois que ça, c'est se tirer une épine dans le pied, parce que je crois que c'est aussi les hardcore qui jouaient à Diablo 2 qui attendaient le Diablo 3. Ben c'est eux autres. Oui, mais donc d'aller chercher aussi d'autres clientèles, une personne casual, même si le niveau de difficulté est plus dur, est capable de faire une session de jeu, puis d'avancer dans le jeu, puis de finir le jeu pareil. Mais quelqu'un pourrait se décourager, ou quelqu'un pourrait... Tandis que là, si c'est facile, tu réussis à passer l'acte 1 sans mourir, ou en mourant une fois ou deux... Puis là, tu te sens comme presque invincible. Tu te dis, hey, je suis capable de maîtriser le jeu. Puis là, quand tu tombes dans l'acte 2, c'est un peu plus dur. Mais là, tu as eu le temps de maîtriser les commandes. T'as une meilleure armure. Parce que dans le niveau 1, je veux dire, je viens de finir, j'ai fini jusqu'au roi squelette. Puis je regarde mon bonhomme, j'ai un bouclier à 55. Puis j'ai un arme qui est à 10.3, mais c'est une arme magique. Puis là, j'ai un casque qui est à comme à 50. Puis t'as une armure, fait que t'es plus dur à tuer, t'es plus résistant. Fait que, tu sais, ça aide que quand tu pars, t'as absolument rien aussi. Ouais, mais regarde, comme de mes collègues là, de travail, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, regarde, c'est pas ça qui est important de jouer à normal, à cauchemar. Nous, ce qu'on veut, c'est de se rendre le plus vite possible. C'est pour ça qu'eux font rien que les quêtes, puis ils vont pas vraiment tout découvrir du jeu. Ils veulent monter au niveau infernal et pour se dire que c'est là qu'on va pouvoir pogner le meilleur équipement possible, on va être au niveau maximum, comme Star Wars, mm-hmm. que c'est au niveau 50 que c'est là que ça débute, que tu vas vraiment mettre à ton niveau maximum là, de ton équipement et autres. Fait que pour eux, ils passent le jeu. Ce que moi, je ne sais pas encore, c'est si tu dois refaire le jeu complètement de l'acte 1 à l'acte 4 dans l'autre mode. En général, c'était ça dans Diablo 2. Moi, j'entends selon que c'était moi, ça. C'était ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, il y en a qui vont être déçus, là, justement, mes collègues, parce qu'eux, ils disaient, ben écoute, ça ne peut pas, mais c'est parce que c'est ça Diablo. Je veux dire, tu le finis une fois au complet, le jeu. Si tu veux recommencer dans un mode plus dur, c'est parce que tu recommences. Ouais. C'est simple, mais eux, ils s'attendaient à je sais pas trop. Là. Un autre partie ou un autre comme quatre actes différents. Mais non, tu recommences le même jeu, mais plus dur. C'est ça. C'est supposé, en tout cas. C'est ça que j'ai entendu que c'était. Ce qu'ils peuvent faire, ce serait une extension, selon ce que habituellement ce qu'ils peuvent faire, là, qu'ils ont fait avec Diablo 2 et tout. J'imagine qu'ils vont mettre, ils vont enlever un cran à la difficulté, mais c'est ce qui ressort partout. C'est le jeu est le fun, les graphiques sont corrects, même l'acte 2, j'ai trouvé les graphiques beaux. Ça fait changement parce que t'es dans le désert. Bon, ça ne changera pas grand-chose de Lut Golem dans le 2, là, mais au moins c'est clair. Et juste dans, au niveau du village, tu te trouves comme très très haut sur des montagnes, puis tu vois donc un village en dessous. Donc le fait que tu avances, ils ont bien fait ça. C'est okay. Vraiment haut, oh, et fait que ce que tu as pas pu voir, mais moi j'ai fait waouh. Donc j'ai eu beaucoup de des moments waouh, ce que le jeu m'a impressionné. Je m'attendais à bon, du tableau, tout ça. Fait que moi je l'ai aimé, là, puis je l'aime encore. Ok. Fait que c'est sûr que c'était pas un jeu que toi tu voulais acheter et même jouer, passer du temps. Mais pour moi, c'est clair là, que c'est, et ça continue. Tu regrettes pas ton achat. Ah non. L'acte 2, écoute, comme je te dis, c'est vraiment, pour moi, c'est le niveau auquel que moi je m'attends au niveau de la difficulté. Puis là, je te parle rien que du mode normal. Là. Fait qu'on est même pas au niveau infernal. Fait que je m'attends à ce que le niveau de difficulté va monter pour ma catégorie à moi. De parce que moi non plus, là, je suis pas un pro, là. Mais clic, écoute, je m'amuse, puis la difficulté elle semble commencer à vraiment s'ajuster au niveau 2. Okay. Fait que je me disais peut-être que l'acte 1 est fait, t'adapter aux commandes et aux autres, si il y a de quoi que tu n'aimes pas. Mais il ne faut pas oublier aussi que selon des fois des monstres que tu vas te battre, mais il ne faut pas que tu aies peur d'aller changer tes habiletés en cours de route. Mm-hmm. Donc, c'est du travail, tu te dis, oh, celui-là est résistant comme là, des fois, les squelettes avec des boucliers. Si des fois, avec un moine, je les frappe, tu vas voir, ça va marquer bloc. Là, tu dis, oups, il faut que je trouve une autre façon de contourner pour les attaquer là, avec mon coup de pied en trombe, là, mm-hmm. en tourbillon. Tu sais, fait que c'est de s'ajuster, tout ça. Fait que ça, moi, je vais le savourer totalement, ce jeu-là, pour ce que. C'est pas pour le prix, c'est, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. De savoir de le finir en deux jours, moi, c'est perdu, là. Donc, c'est 30$ par jour, ça commence à être vu de mal, si l'on parle d'argent, parce que, bon, tout le monde... Non, c'est ça. Fait que ma cote, je le donnerais un 7 sur 10. OK. Moi, okay. Ça équivaut à ce que j'ai... C'est drôle, parce que ça équivaut à ce que j'ai entendu d'un peu partout. C'est la cote que Tristan y a donnée, c'est la cote que d'autres personnes que je connais okay. qui l'ont donnée aussi. Même si IGN puis les magazines qui, mystérieusement, Blizzard et Activision achètent la publicité dedans, oups. Ont donné des 9.5, des 9. T'es sérieux? Oui. IGN a donné un 9.5 à Diablo 3. Non, sérieux. Non. Moi, je pense que c'est trop haut, c'est plate, mais c'est rendu le running gag, c'est qu'IGN donne 9.5 à peu près n'importe quoi. Tant que tu leur donnes la publicité. Mais ils achètent la publicité Cha-ching. Sur leur site. Fait que je veux dire, est-ce que tu es willing de planter un jeu ou d'y donner une cote moyenne, sachant que peut-être qu'Activision va décider de dépenser moins pour annoncer? C'est donnant-donnant, c'est ça. On appelle ça de la business. Hein? C'est ça. Ça, je trouve ça plat. Fait que j'espère, chers auditeurs, qu'au moins vous allez vous fier à nous plus que des fois des sites, parce que oui, on n'est jamais trop prudent. Non, c'est ça. Puis c'est ça l'avantage des podcasts au Québec, puis de Monsieur Net, puis de Réseau Talbot, puis toute la gang, l'Épée Légendaire, puis Factor Geek, c'est qu'on n'est pas payé. Non. On retient, on n'a rien. On veut tester un jeu, nous autres, on l'achète. Exact. J'ai pas besoin de faire attention, puis de dire que j'aime ça si je l'aime pas. Parce qu'on se le fait pas donner. C'est ça. J'ai payé mes jeux. Ben oui. Fait que c'est ça. Mais puis on paye pour jouer, donc on est dans la même communauté que tout le monde. Là. C'est ça. Non, 7.10, ouais. 7 sur 10, je pense que c'est une note qui oh, ouais, c'est très jouable, mais on a des heures à perdre. Peut-être pas, c'est ça, j'étais surpris, pas au point de divorcer, là, pas aussi accrocheur que je l'aurais souhaité. Selon moi, ils ont peut-être attendu trop longtemps entre les deux. Avant de sortir un autre hack and slash, regarde, il y a eu Torchlight qui nous a bien aidé pour notre fixe, justement, notre manque de ça. Et maintenant que Torchlight 2 est en pré-vente et que Luc a eu la chance de participer à un bêta, je lui laisse le soin de vous en parler. On va en parler tantôt. Alors, merci tout le monde, au plaisir. Merci. Et voilà. Tu n'as pas une question? Oui, j'ai une question pour toi sur Diablo 3, que ça vient d'une auditrice. Oh! Attention à ça. Attention. Ça nous vient tu la connais peut-être, elle s'appelle Mylène Lefebvre. Ah ben! Qui m'a envoyé une question par Facebook. C'est pas parce que je suis Simon Lefebvre. Non, ça n'a aucun rapport. Ok. Fait que, elle m'a envoyé ça comme ça, elle me dit « Je trouve ça décevant de ne pas pouvoir personnaliser nos personnages plus. Grandeur, grosseur, couleur de yeux, cheveux, traits du visage. Si des jeux gratuits y sont parvenus, pourquoi pas Blizzard? Ils avaient même dit qu'il y aurait une infinie possibilité de personnalisation pour les personnages. Je trouve ça bien mensonger pour le moment. » Ben, pour le moment et pour toujours aussi. Parce qu'ils modifieront sûrement pas l'engin de personnalisation du personnage. Non, et ça n'a sûrement jamais vraiment été prévu. Parce que, comme je le disais, Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 doivent quand même avoir la même thématique, le même 2.5 dimension de vue isométrique. Mm-hmm. Donc, ils ont gardé le même moule. Regarde, 5 personnages. Écoute, on a eu un magicien dans l'autre, on a eu un barbare, regarde, c'est... Non, c'est du tout cuit, c'est vraiment comme ça. Puis oui, c'est eux les rois et maîtres, même si les gens voulaient donner des suggestions, des idées. Regarde, c'est pas que cela a passé comme du beurre au travers, là. Je veux dire que c'est pas qu'ils nous écoutent pas, mais c'est qu'ils doivent... Tu peux pas dire que... C'est parce que, regarde, s'ils font un paquet de changements, tu peux pas dire que c'était Diablo. Si on change, ben regarde, donne-y un autre nom, là. Donc, il devait quand même garder un certain... C'est comme ça... Donc, justement, ça fait une trilogie, là. Bon, oui, c'est sûr. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, aussi, en bout de ligne, pouf, tu changes, puis le Hobbit est rendu, justement, un Gandalf. Je me dis, il y a quelque chose qui marche pas, là. OK. Non, mais pouvoir personnaliser ton personnage, ça aurait quand même pu être quelque chose de bien à faire, là. Surtout qu'en multijoueur... tu sais, dans le fond, quand tu vas jouer avec d'autres personnes, si tu joues avec deux chasseurs de démons, bon, à part mâle et femelle, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui change. Mais ce qu'ils ont amené, c'est de pouvoir colorer, ben, en tout cas, ce qu'il y a présentement dans Diablo là, qui va t'aider, c'est les dyes, donc c'est-à-dire de la teinture. OK. OK. Donc, même pour moi, donc avec mon Collector Edition, j'ai droit à deux teintures blanches et noires, donc nuageuses, si tu veux, là, brumeuses. Puis ce que j'ai bien aimé de ça, ça me fait du bien, c'était une très bonne question, merci Mylène, c'est que le fait que j'aie juste une petite potion, ben avec celle-là, je fais juste cliquer à droite, puis si je veux, je peux colorer au complet tout mon personnage, donc toutes les armes, dans le fond, les bottes, les pantalons, okay. Vraiment, puis de le faire venir tout blanc. Okay. Et en plus, on débloque un succès! En faisant ça? Oui, exact, parce que okay. Tu lui donnes toutes les couleurs, et eux proposent d'autres couleurs différentes, fait que c'est là qu'on peut faire la personnalisation, de l'amener à être différent. Puis en plus, j'ai pas eu le temps de voir tous les succès. C'est quelque chose que, bon, j'ai pas eu le temps vraiment de jouer beaucoup. Regarde, je suis rendu jusqu'à l'acte 2. Mais je veux prendre le temps de voir chacun des succès à débloquer. Et ce que j'ai pu voir, c'est que tu peux colorer avec chacune des couleurs qui t'ont donné une pièce différente qui fait comme un genre d'arc-en-ciel. Et tu vas débloquer un succès comme quoi que t'es... C'est ça. Fait que ça va être à voir. Mais oui, c'est la seule façon présentement. C'est, ça ne touchera pas les yeux, la forme dans le fond du perso. Du visage, les cheveux. Des cheveux. C'est l'équipement au moins. Donc, même si tu... c'est ce que j'ai aimé parce que moi, j'ai présentement, j'ai une armure qui me donne aussi comme une cape à l'arrière. Et elle était, bon, ta couleur préférée. Orange. C'est cela. Donc, je me suis empressé de la mettre blanche. Exact. Et là, c'est ça, je suis tout blanc. Là, puis, wow, ça flash. Mais parce que justement, en étant dans l'ombre, et bon, je ne veux pas tourner le fan en play, mais avec un Collector Edition aussi, c'est que ça donnait des bons petits bonus. Comme moi, j'ai les ailes de Tyrael dans le dos. OK. Donc, mon personnage a l'air bon, d'un ange, là, écoute, puis qui tue des démons. Fait que quoi de mieux, là? Fait que je suis vraiment dedans, là. Et, comme je te dis, il y a des bémols par-ci par-là qui m'ont amené justement à baisser ma cote, mais ça reste Diablo. Puis, oui, Mylène, tu vas pouvoir personnaliser en mettant de la couleur. Si tu veux, si je suis capable, tu me prêteras ton arme et je la mettrai de la couleur que tu veux, je te la redonnerai. Et voilà, Mylène, fait que Monsieur Lefebvre, qu'il n'y a aucun lien de parenté entre les deux. Du tout. Va pouvoir t'aider au pire à personnaliser ton personnage. Donc merci Simon, deuxième merci pour la... J'avais oublié la question, merci Annick. J'allais presque oublier de mettre la question à Mylène. Que ferait-on? Je l'avais déjà dit, je vais le dire encore, elle ne parle pas beaucoup, mais lorsqu'elle parle, ça a du punch. C'est ça, on n'a pas pour rien. Puis c'est ça. J'y avais dit qu'on répondrait à sa question. Puis je trouvais ça. Je voulais te surprendre en disant que ta sœur avait envoyé une question pour le podcast. OK. Donc, on va passer à la prochaine section. Donc, embarquons tous dans une DeLorean. On s'en va dimanche matin où j'ai enregistré la partie avec Éric Chamberlain. Éric n'était pas disponible pour faire le podcast avec nous ce soir. Donc, dimanche matin, on enregistre sa section et on écoute ça dès maintenant. De l'oreille, tu veux ma photo, banane? Fait que c'est maintenant le tour de la chronique de notre ami Éric Chamberlain en direct de Calgary, Alberta. Fait que Edmonton, Alberta. Je me mélange tout le temps entre les deux. Je sais pas pourquoi. Il y a un club de hockey à chaque place. Il y en a un bon, un moins bon, là, mais je la comprends pas. Fait que Éric, aujourd'hui, tu vas nous parler de Kessé. Je vous parle de Max Payne 3. Oh, c'est récent. C'est très, très chaud. C'est sorti la semaine passée. Ouais, c'est ça. Puis c'est chaud aussi dans l'univers où Max Payne se passe cette fois-là aussi. Ouais, il se passe un petit peu partout, Max Payne. On fait quand même une poppy job, rabouter tout ça. Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu un Max Payne. Fait que... Fait que oui, c'est ça. Max Payne, le premier, c'était sorti en 2001. Moi, c'est vraiment un des jeux qui m'avait marqué le plus. Je pense qu'encore aujourd'hui, je peux dire que c'est probablement dans mon top 2. Top 2 shooter ou top 2... Ça, puis je dirais Commands & Conquer, peut-être. Un autre jeu qui m'a marqué beaucoup. Ouais, c'est des jeux qui se ressemblent aussi. Ouais, tellement. Pas à tout. Ouais, c'est ça, en 2001, c'est un jeu qui avait marqué beaucoup. Ça venait, en plus, c'est un jeu qui est sorti juste après le film The Matrix. Okay. Puis ça utilisait le fameux bullet time. Ralentir le temps, fait que ça rappelait un peu le film The Matrix qui était comme le gros hit du moment. Là. Fait que ça avait pogné bien gros à cause de ça. C'est un des premiers jeux aussi qui avait amené beaucoup la cinématique, l'impression qu'on jouait dans un film plus que dans un jeu. Okay, ouais. Quelque chose qu'on retrouve, mettons, avec Uncharted maintenant, aujourd'hui, ou... Ou presque tout, finalement. Ouais, aussi, où les cinématiques sont carrément intégrées au jeu. Il n'y a comme pas d'arrêt. Ensuite de ça, on va passer vite, là, faire une petite histoire. Il y a eu Max Payne 2, que moi, j'avais un peu moins aimé. Max Payne 2 s'appelait The Fall of Max Payne. C'est un peu la suite du premier, dans le sens où on continuait un petit peu à notre vengeance de notre famille qui avait été assassinée dans le premier. Il y avait un nouveau personnage qui était amené dans Max Payne 2. On pouvait jouer Mona, qui était une espèce de tueur à gages qui, pour une raison obscure, avait décidé de nous aider. Il y avait une espèce d'histoire d'amour un peu bizarre aussi là-dedans. Ça continuait aussi avec les mêmes... Dans Max Payne 1 et 2, au lieu des cinématiques, c'était des espèces de cutscenes en dessin animé. Okay. C'était des carrés de dessin animé, là, avec des bulles de texte. T'avais moins l'impression d'embarquer dans le jeu, j'imagine, à cause de ça? Non, c'était quand même bien fait. Là. C'était vraiment noir. Puis t'étais tout le temps encore à New York, dans les souterrains, puis les buildings détruits, puis les buildings en... Bon, c'est le classique building en construction. Là. Ça leur prend une raison de faire des corridors. Fait que... Il y a tout le temps une échelle ou quelque chose qui bloque le chemin. Tout est toujours en train d'être construit ou détruit, un des deux. C'était au point de vue gameplay, il y avait des nouvelles affaires là, avec le deuxième personnage. Je sais qu'il y avait un tableau à un moment donné où il fallait que tu couvres Mona avec le sniper gun. Okay. Fait que là, tu étais en haut d'un échafaudage puis tu empêchais les méchants de tuer Mona. Puis là, après, le tableau d'après, ça changeait. Tu devenais Mona puis c'est toi qui te faisais couvrir pendant ce temps-là par Max Payne. Fait que ça, c'est intéressant. Un peu comme ils ont fait dans le dernier Gears of War, où que tu joues les deux parties. Là, tu joues la partie avec Marcus, tu joues la partie avec Cole. Mais c'est le même tableau, mais vu d'une manière différente. C'est hot, ça te montre les deux côtés de la médaille, c'est pas pire. Ça, c'était bon. D'ailleurs, moi, j'ai mieux aimé Cole. Ouais. Phoenix, il me tombe sur les nerfs avec ce qu'il dit tout le temps. Fait que Max Payne, c'est ça. Fait que ça continuait un peu l'histoire. Moi, j'avais peut-être même moins aimé ça parce que je trouvais que ça étirait la sauce un peu. Là. Fait que Max Payne 3 arrive. Ça fait quand même 11 ans depuis le premier. Ah, ça s'approche de le même nombre de temps qu'on attendait Diablo. Ouais, ben depuis le deuxième, ça fait un petit peu. Le deuxième était sorti en 2003. Fait que, ouais, ça fait quasiment près de 9 ans. C'est ça, ouais. Fait que là, c'est ça. Entre deux aussi, on a eu un super bon film de Max Payne. Oui, c'était super bon avec Marky Mark and the Funky Bunch. Oui, ça, tout de suite. Non, moi, j'avais pas trouvé ça si mauvais que ça. C'est sûr que la grosse critique, c'était que Mark Wahlberg a peut-être pas mis beaucoup d'efforts dans le film. Mais est-ce qu'il met beaucoup d'efforts habituellement dans ses films? Il y a peut-être eu un ou deux bonnes passes, là, ou ce qu'il avait peut-être oublié. Là. Moi, il était mauvais, mais... Moi, j'ai jamais trouvé un excellent acteur. Quoique dans Contraband, le dernier, c'est quand même bon. C'est pas lui qui est, juste parenthèse, c'est pas lui qui est supposé faire Nathan Drake dans le film d'Uncharted? Ah, ça, c'est pas réglé encore. OK, parce que qu'il y avait des rumeurs que c'était supposé être lui. Ouais, je sais pas si ça va être lui. Alors, on va le savoir. On va savoir si le film est bon, dépendamment de l'acteur qu'ils vont choisir. C'est parce que j'ai juste peur que pendant une scène d'action, à un moment donné, ils décident de faire une tonne de New Kids on the Block ou quelque chose, je suis pas sûr. Non, c'est ça. Puis il y avait quoi là-dedans? Il y avait Chris O'Donnell. Tu sais, il y avait quand même pas des mauvais acteurs, là. Il y avait Ludacris et il y avait la superbe Olga Kurylenko, qui était la fille dans le dernier James Bond. OK. Fait que, bon, voilà, nous, on arrive à Max Payne 3. Au point de vue de l'équipe, c'est une nouvelle équipe qui fait le jeu. Rockstar qui produit. Le jeu se passe, donc, c'est ça, 9 ans plus tard. Et ils ont décidé de faire le jeu aussi, l'histoire qui se passe plus tard dans la vie de Max Payne. Je soupçonne que c'est plus que 9 ans. Max Payne est rendu pas mal plus vieux. Il est ridé, il est rendu garde du corps pour des riches familles au Brésil. OK. Il est rendu hyper alcoolique, un peu comme Nicolas Cage dans Leaving Las Vegas. Là. C'est vraiment, là, il boit sans arrêt, il est un peu incapable de faire sa job. Et le jeu commence une espèce de party sur le toit qui se fait interrompre par des espèces de pirates qui viennent pour enlever la femme du riche. Qui est supposé protéger, j'imagine. Oui, c'est ça, évidemment. Donc, tout le monde se fait enlever. Ça commence un peu comme ça. Max Payne est sous. Il doit tirer les ennemis. Et puis, le jeu va s'en aller comme ça. Fait qu'on se promène. On va se promener aussi dans le temps, dans le sens où ils vont nous faire des tableaux où on va retourner à New York et on va voir comment Max Payne en est venu à devenir un garde du corps. OK, fait qu'ils te font une transition dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu dis le jeu commence, il y a l'enlèvement, Max Payne est sous, puis faut que tu tires les méchants, c'est-tu du gameplay rendu là, puis vu que t'es supposé être sous, t'as vraiment de la misère à viser, ou c'est vraiment, ils ont pas pris ça dans le gameplay que. Non, pas vraiment. Sous... Non, c'est le tutoriel en fait. Là, OK. Fait qu'il t'explique vite le bullet time, comment faire des plongeons en bullet time, où sont tes armes, le fait que tu peux prendre deux armes en même temps, comme dans les jeux précédents. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est bien fait, là, la nouvelle façon de choisir ses armes avec une espèce de roulette qui semble devenir un peu la technique que tout le monde utilise dans tous les jeux. Là. Ouais, c'est ça. Une espèce de rond où toutes tes guns sont en cercle puis tu peux les choisir. Ouais, c'était comme ça dans Ghost Recon, des choses comme Max ça. Max Payne peut toujours transporter deux pistolets et une arme plus grosse, fait que c'est le choix une mitraillette ou un 12, ou, mais juste une à la fois. OK. Les petites armes, ben, tu peux avoir ou des petits Uzi machine guns ou des pistolets, ou, etc. Pour le combat rapproché, il faut faire une espèce de faut peser sur le bouton triangle quand on est proche d'un ennemi, mais c'est pas clair. Des fois, c'est l'ennemi qui nous sac une volée, mais j'ai l'impression que c'est comme une espèce de quick time event qu'il faut avoir au bon moment. Mais ceci dit, Max Payne, c'est un jeu qu'on joue avec le bullet time. C'est vraiment ça l'idée derrière le combat. Il y a aussi, ils ont essayé d'implémenter un peu plus le système de couverture là, qui est maintenant dans presque tous les jeux là, où on se cache en arrière des piliers, des bureaux, n'importe quoi. Là. Est-ce que l'univers est-il destructible si tu te caches en arrière d'un bureau à force de te faire tirer dessus, il se défait sur un morceau? Là, les colonnes... Non, ben bizarrement, les tables résistent à toutes les balles, mais les colonnes de béton se font casser. OK. Tenez, faut... Tu sais, c'est jamais vraiment égal là-dedans. Il y a des. Mettons, tu te caches en l'air d'un bureau, les écrans d'ordinateur vont se faire exploser, tout ça. On n'est jamais vraiment 100% caché. Il est temps possible de recevoir une balle ou deux. Donc, tu peux pas vraiment te camper comme jouer la tortue. Là. OK. Quand, t'es caché, puis... C'est, d'ailleurs, c'est un des trophées dans le jeu. C'est un trophée de tortue. Quand tu as réussi à tuer, je sais plus, 50 ennemis d'une position cachée. OK. Fait que, ouais, c'est ça, c'est dur parce que les ennemis vont bouger aussi. Ils vont essayer de te flanquer ses côtés. Puis, fait que tu peux pas toujours rester là. Fait que. L'intelligence artificielle est pas pire d'abord. Ils vont venir te chercher. Pas si mauvaise que ça. On a vu mieux, là, mais. Mais il y a pire aussi. Ouais, c'est ça. Des fois, pour une raison, je sais pas, on dirait que les ennemis restent collés, là. Les ennemis au début sont assez faciles aussi, puis ça va devenir difficile assez rapidement. À un moment donné, évidemment, on rentre avec les polices qui ont des gilets pare-balles. Okay. Donc, tu peux tirer 50 balles dans le torse, ça fait absolument rien. S'ils ont un casque, il faut tirer 2-3 balles pour faire partir le casque, puis après ça, y tirer dans la tête. OK. Ça, c'est pas pire, au moins. Ouais, fait que ça se fait quand même assez bien. Évidemment, le bullet time, c'est ce qui nous sauve à chaque fois. Évidemment, le bullet time, on n'en a pas infini. C'est toi ouais, qui décides de le déclencher? Tu l'actives en pesant sur le R3. OK. Sur le joystick. En pesant sur le joystick, on active le bullet time. Il est possible de faire la manœuvre de sauter en même temps au ralenti avec les fusils en pesant sur un autre bouton en même temps qu'on fait le bullet time. Donc, le jeu Max Payne, ça a tout le temps été la même affaire, c'est on rentre dans une pièce et puis là, les ennemis arrivent. Donc, l'idée, c'est tout le temps d'utiliser ton bullet time le plus efficacement possible en partant, parce qu'il faut qu'il se recharge quand t'en as plus. Donc, ma technique a tout le temps été pas mal la même à moi, c'est tu rentres d'une pièce, dépendamment de ce que la pièce a de l'air, où tu te caches, où tu carrément pars le bullet time. Puis pendant que ton bullet time est en train de descendre, t'essayes d'en tirer le plus possible dans la tête. Ouais, c'est ça. Éliminer le plus d'ennemis possible pour après ça en avoir le moins possible. C'est ça se fait quand même bien. Ce qui est frustrant un peu dans la mécanique de jeu, c'est le système de couverture. Il y a beaucoup de danse. Et ce que j'appelle danse, moi, dans tous les jeux de FPS ou de third-person shooter, c'est quand le personnage... Comme là, il faut que tu te caches, donc il faut que tu pèses sur un bouton pour que Max Payne se cache en arrière de quelque chose. Des fois, ça accroche pas. Là. Okay. C'est pas aussi bien fait, mettons, que dans Uncharted ou dans Gears of War, où dès que tu approches un mur, tu pèses sur le bouton, il s'accroche. Il faut que tu sois comme à une certaine distance. Fait que ça, j'ai trouvé ça assez frustrant des fois que tu es proche du mur, puis là, tu pèses, puis on dirait que Max Payne n'embarque pas. Ah non, parce que, je sais pas, il y a une chaise ou un pot de fleurs à côté du mur. Donc, Max Payne, tu peux pas se coller sur le mur vraiment. Fait que c'est pas... ça, c'est un peu frustrant des fois. T'es là, voyons, pourquoi que le bonhomme colle pas sur le mur? Okay. Fait que là, t'es là à bouger ton bonhomme de gauche à droite pour essayer de pogner où ce qu'il peut se cacher, tu sais. Ça fait ton bonhomme qui danse sur le bord du mur. comme OK. Fait que ça, ouais, ça c'est un petit peu gossant. Tu parles du bullet time limité. J'imagine qu'il se remplit à force que tu élimines des ennemis. Ouais, en fait, quand tant que tu t'en sers pas, il se recharge lentement. OK. Max Payne aussi, ben le système de vie, c'est dans le fond une petite forme humaine dans le bas de l'écran à droite qui se remplit de rouge plus que tu manges des dommages. Okay. Quand t'es rendu au front, ben c'est le temps de... Il est rempli de balles. Quand t'es rendu jusqu'au front, c'est le temps de prendre un painkiller. OK. Ça, c'est le bon vieux Max Payne qui est addict au painkiller. Fait que, ouais, c'est pas des patchs des patchs de plaster comme dans tous les autres jeux, c'est des painkillers. Okay. Tu prends une bouteille de painkiller et pendant comme deux secondes après les avoir pris, ta vision est un petit peu tordue, tu sais, parce que t'es sa drogue. Là. OK. Fait que faut que t'en ramasses. Fait que ça, c'est bien fait aussi parce que la quantité de painkiller que t'as, c'est un numéro qui apparaît en plein milieu de la forme humaine de ton gauge de vie. Fait que quand tu regardes ta vie, tu le vois tout de suite, c'est encore des painkillers. Combien c'est en a? Puis, c'est écrit 2, 3, 4, 5. Okay. C'est le numéro qui te reste. Ah, fait que tu pèses sur le bouton par en haut, puis il se prend un paquet de painkillers. Ça ne te redonne pas ta vie au complet. Ça redonne environ, je ne sais pas, 2/3 de la vie, me semble. Quelque chose comme ça. Est-ce que ça se régénère, mettons, si tu te caches assez longtemps, ta vie revient automatique ou faut absolument que tu prennes quelque chose pour te guérir? No! OK. Oh non, non, ils ont fait ça à la bonne vieille méthode. Pas à la Halo, où aussitôt que tu te fais tirer, tu te caches assez longtemps, ça revient, puis là tu repars, puis t'es correct. Hein? C'est ça, l'armure revient, puis la vie revient lentement. Non, pas Max Payne, c'est old school. T'as plus de vie, tu meurs. Fait que faut que tu cherches des painkillers, qui sont pas faciles à trouver, parce que c'est des petites bouteilles vertes. Qui sont pas très grosses. Des fois, c'est des pharmacies, fait que c'est quand même facile à spotter. Mais des fois, ils traînent sur des bureaux. Fait qu'il y a un petit peu d'exploration, mais pas beaucoup. Mais il faut vraiment penser à chercher des painkillers, parce que si, comme moi, vous jouez à hard... on en a besoin. Tu recommences souvent. Oui, il y a une nouvelle façon qu'ils ont inventée, qui est quand même pas si pire. Tant que tu as des painkillers, c'est comme une espèce de vie, une extra-vie dans le fond. C'est que lorsque tu te fais tirer puis que tu devrais mourir, il y a une espèce, ils appellent ça un shoot-down. Tout ralentit, tout devient noir et blanc, sauf l'ennemi qui t'a tiré est en couleur. OK. Un certain temps pour le tirer et tu as juste besoin d'une balle, peu importe où tu la tires. Et dès que tu le touches, lui meurt et toi, tu reviens à la vie. OK. Ah! OK. C'est intéressant comme principe. Oui, c'est ça. Sauf que le problème avec ça, c'est que des fois, justement, tu es caché en arrière d'un mur. Et quand le slowdown commence, la façon que tu es placé, tu n'as pas de ligne directe avec l'ennemi. OK. Fait que là, pendant les 4 secondes que tu as traditionnellement pour tirer l'ennemi puis te sauver la vie... Mais là, tout ce que tu vois, c'est un mur et le déplacement est tellement ralenti que tu n'as pas le temps de bouger. Donc, tu es obligé comme d'attendre de mourir puis de recommencer, tu sais. OK. Mais ce qui est quand même réaliste, ça devrait... Ouais, c'est ça, sauf que c'est un peu frustrant parce que, en fait, tu vois que l'ennemi est là, mais tu peux pas le tirer parce que Max Payne était tourné de côté. Ouais. Puis même si Max Payne est capable dans le jeu de tirer en arrière de lui... Ce qui est quelque chose quand même le fun à faire. Là. La mire est sur l'ennemi, mais le gars n'a pas encore eu le temps de se tourner pendant ce temps-là. T'sais. OK. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si... J'aurais aimé mieux que le système, ça, à certains moments, n'existe juste pas. J'aurais aimé juste pouvoir le désactiver, puis quand je meurs, je meurs. Tu recommences sous ce que tu étais. Ça serait moins frustrant, je pense, que de ne pas être capable de faire la shot. Y a-tu beaucoup de checkpoints quand tu meurs? T'as-tu besoin de recommencer comme au début du niveau ou t'as tout le temps des checkpoints où t'étais quand même assez proche d'où t'étais rendu quand tu meurs? Ouais, ben Max Payne, dès que tu tues le dernier ennemi d'un groupe d'ennemis, l'ennemi comme meurt au ralenti. Fait que là, tu sais que c'est comme le save game dans le fond. C'est comme ton checkpoint est là. C'est ça. Fait que là, tu passes à la pièce d'à côté. OK. Le rythme du jeu est assez effréné. La façon que c'est fait, comme je disais, les cinématiques sont comme inclus dans le jeu. En tout cas, moi, j'avais la misère à mettre la manette à côté. C'est vraiment dur d'arrêter parce que t'es vraiment dedans. Là, Max Payne raconte toute sa vie, le fait qu'il est alcoolique, qu'il n'est pas capable d'abandonner le fait que sa famille a été assassinée, toute sa vie de policier un peu ratée qu'il a eu, tout ça. Fait que ça s'enchaîne assez rapidement avec l'histoire aussi, tout ce qui se passe au Brésil. Vite, la famille se fait capturer. Là, il y a un petit peu de cinématique. Puis là, bang, on est dans un hélicoptère, puis on s'en va dans un club. La vie continue, là, tu sais. Fait que ça arrête vraiment jamais, là. Ça serait quelqu'un qui a une dizaine d'heures, là. C'est facile de passer le jeu d'une seule traite, là. C'est vraiment addictif, là. OK, le jeu dure à peu près ça, une dizaine d'heures? Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de load time non plus, là, tu sais. C'est que le jeu s'enchaîne vraiment rapidement. OK. Donc, c'est bon. Non, c'est vraiment, t'accroches vraiment, là. Moi, j'ai vraiment de la misère à arrêter pour aller souper. c'est ce genre de jeu-là. À un moment donné, c'est ta blonde qui dit, hey, là, hein, je suis tanné de t'attendre, viens souper. Ouais, moi, j'essaie de passer au travers du jeu, mais bon, on n'a pas juste ça à faire dans la journée, jouer. Là. Non, c'est le fun, mais non. Je me suis tapé des bons 3 heures solides, straight, sans faire de pause. OK. Ouais, c'est vraiment bien fait. Les niveaux sont super diversifiés. On a évidemment beaucoup de buildings où il faut faire le tour parce que la porte est barrée. C'est sûr. Évidemment, c'est très corridor dans ce sens-là. J'ai trouvé, je sais pas si c'est ma mémoire qui est mauvaise, mais j'ai trouvé qu'on avait comme un peu moins d'options la façon d'attaquer nos ennemis. Comparé au premier puis au deuxième. Il me semblait que dans le premier puis le deuxième, on pouvait rentrer d'une pièce. On avait quand même assez de temps pour, mettons, choisir un angle d'attaque, tu sais. Je sais pas, mais il me semble que la façon que je jouais dans le premier, moi, je mettais ça en slow-mo quand je rentrais d'une pièce. Je trouvais une place pour me cacher. Ou, tu sais, je me choisissais un angle du côté de la pièce où il y avait le moins d'ennemis. Mm-hmm. Puis là, j'attaquais. Puis là, dans celui-là, on me semble qu'en tout cas, on est comme obligé d'attaquer de façon frontale plus. C'est ça, fait qu'il y a toutes sortes de missions un peu différentes. L'histoire se passe tout le long avec un autre personnage qui s'appelle Passos, qui est la personne qui nous a recruté pour travailler pour cette famille-là, qui lui aussi est un ancien policier. Fait que là, lui, il nous recrute. Fait qu'il y a toute cette histoire-là de la famille riche, les gens qui se font assassiner. On essaie de découvrir un peu ce qui se passe. On soupçonne un peu n'importe qui. Et les choses dégénèrent jusqu'à un moment donné où à peu près tout le monde dans la famille se fait assassiner. Le boss de Max Payne, spoiler, se fait assassiner. Et c'est là que vous allez voir Max Payne se transformer et se raser le coco, comme si vous avez vu dans les trailers et toutes les previews. Là. Ouais, ou sa boîte aussi. Juste, je pense qu'il y a juste une grosse barbe et qui se rase le coco. Y'a-tu fait ça pour donner de l'argent à Le Camp, lui, ou c'est juste... Non, je pense qu'il donne beaucoup de sang à Le Camp. Ouais, ouais. Il est peut-être plus aimé au Québec. Oui, c'est ça. Fait que Max Payne, il y a une scène où il se rase le coco, là, il y en a plein son casque, et ça devient, à partir de ce moment-là, ça devient vraiment une vengeance personnelle. Là. OK. Max Payne va aller se promener dans toutes les bidonvilles et la jungle brésilienne pour aller tirer des méchants. Et on va en tirer des méchants, croyez-moi. La dernière fois que j'ai tiré autant de monde, je pense que c'était dans Serious Sam. Il y en a de l'ennemi là, à volonté. OK. Moi, j'ai joué à Hard avec le mode l'aide à la visée dans tous les jeux sur console, le temps d'aide à la visée. Oh, ouais, ouais. On peut la mettre, l'aide à la visée, il y a 3 modes, hard, soft ou free aim. Fait que moi, j'ai pris soft pour commencer et j'avoue que j'aurais dû choisir free aim. Le problème avec soft, hard, c'est probablement que ça lock direct sur l'ennemi à chaque fois. Okay. Soft, ça s'en va à peu près dans la direction de l'ennemi. Free aim, ben, c'est comme jouer avec une souris carrément là, sur un PC. Là. C'est-à-dire que quand tu pèses pour mettre la visée, le fusil s'en va direct en face où ce qui devrait aller. Puis faut que toi-même tu le pointes sur l'ennemi. Là. OK. Pas d'aide du tout. Ça se fait bien avec une manette pareille? Avec une manette, c'est un petit peu plus difficile. Sauf qu'avec le bullet time, c'est vraiment mieux d'être en free aim. En soft, moi j'ai trouvé que des fois, ça aidait pas parce que des fois, il y a 2 ennemis, disons. Un, un en arrière de l'autre, mettons, caché en arrière de différentes structures. Toi, tu veux tirer celui qui est le plus loin, mais à chaque fois que tu sors de ta couverture puis que tu pèses sur le soft aim, va aller sur l'ennemi le plus proche, tu sais. OK. Peut-être pas lui que tu veux tirer en premier parce qu'il est mieux caché que l'autre, tu sais. Tu veux essayer de tirer l'autre en arrière, mettons. Parce que des fois, il y a un ennemi, mettons, qui tire des grenades. Ouais. Fait qu'on sent que c'est lui que tu veux sortir en premier, tu sais. Normalement, oui. Le gars parce avec le bazooka ou le gars avec les grenades, normalement, c'est celui que tu veux tuer. Le gars qui est au sniper gun qui t'empêche de te promener d'une place à l'autre, tu sais. Fait ouais. Quand tu fais le quick mode pour sortir de ta couverture puis tirer, mets ton soft aim, il va tout de suite aller sur l'ennemi le plus proche qui a juste un pistolet, tu sais. Fait que la seule façon de contourner ça, t'es obligé de faire un peu du slow motion, puis là, sortir au slow-mo, puis là, aligner comme faut ton fusil sur l'ennemi qui est le plus loin que tu veux, puis tirer, tu sais. OK. Tandis qu'avec le free aim, ton fusil se rappelle où il était. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Quand tu sors de ton trou, la mire, elle se remet où ce que t'étais, tu sais. Okay. Fait que ça, pour ça, moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça, c'est peut-être mieux. J'ai tout joué le multiplayer puis quelques niveaux en mode arcade avec le free aim à la place. Là. Toi, tu l'as juste quoi, PS3? Moi, j'ai acheté sur PS3, ouais. PS3, OK, c'est bon. Xbox est probablement aussi bon. On devrait être pareil. Non, mais tu sais, tu disais free aim, c'est difficile. J'imagine que ça devrait être plus facile de jouer sur PC. Ben, pour les gens qui n'ont jamais joué free aim de leur vie, là, qui ont juste joué sur console, ouais, vous allez peut-être trouver ça difficile. Mais moi, j'ai trouvé que free aim, c'est à refaire. Je le ferais probablement, pas à hard, là, probablement à normal, mais en free aim. OK. Pour avoir plus de liberté, puis vraiment viser où ce que tu veux, non pas te faire choisir ta cible peut-être moins importante pour toi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu... Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que toute l'histoire se passe. Il y a des missions où on est dans un bateau puis qu'on tire les bateaux qui nous poursuivent ou on tire les bateaux qui sont en avant. Il y a un peu une mission aussi comme ça en véhicule ou avec un autobus, on se promène puis on tire les ennemis. On conduit ou on se fait toujours conduire? Non, on se fait presque toujours conduire, ouais. Il y a des boss aussi, un peu, si on veut, parce que évidemment, il y a plusieurs méchantes personnes qui sont impliquées dans toute cette espèce de trafic et histoire de politique brésilienne. Donc, à un moment donné, c'est ça, il y a un policier corrompu, donc il y a une espèce de boss. C'est pas des boss dans le sens où ils sont vraiment difficiles à tuer. Là. Des fois, il y a comme, pas des points faibles, mais mettons, il y en a un, il faut que tu fasses tomber le plafond sur sa tête parce qu'il est trop bien couvert. OK. Max Payne te le dit, tu sais, c'est comme vraiment télégraphié, là. Il dit, il est dur à tuer, il faudrait peut-être que je sois créatif, tu sais. Fait que là, tu tires dans le plafond, fait que les morceaux de plafond tombent dessus, ça le fait sortir de sa couverture, puis... Bang, bang, bang. Il met une balle dans la tête, puis il est vraiment mort, là. OK. Tout à l'heure, tu disais, les ennemis sont à volonté, mais avant, tu disais, quand t'arrivais dans une pièce, tu vidais la pièce, tu tirais le dernier ennemi, il tombait au ralenti, puis ta salle était claire, tu vas passer à la prochaine. Quand tu parles des ennemis à volonté, tu parles probablement dans la jungle? Non, je te dis, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis, là, mais c'est pas à volonté, là, à un moment donné, tu passes au travers. OK, c'est pas comme, mettons, Medal of Honor, où ce que tant que t'as pas atteint un certain point dans map, les ennemis arrivent, puis ça finit plus. T'as un nombre d'ennemis précis à tuer à chaque fois, puis après ça, ben tu peux rester là, puis après, rien va se passer, j'imagine. Le bon vieux garde-robe générateur de nazis. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, là, tu sais. Ouais, non, ça, il n'y a pas ça. OK. Par contre, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Par contre, t'es pas obligé de tout tuer les ennemis dans certaines pièces pour passer à la suivante. OK. Je sais pas si ça marche dans toutes les pièces là, ou dans tous les tableaux, mais à certains moments, moi, il y avait des ennemis qui étaient encore cachés, puis j'ai réussi à me rendre, mettons, jusqu'à l'escalier où il fallait que je me rende. Et en ouvrant la porte, j'ai passé à l'autre pièce, puis il y avait encore des ennemis à tuer dans la pièce précédente. J'imagine qu'ils restent là, ils viennent pas te courir après. Non, ils courent pas après, ils restent là. Fait que c'est ça qui est ça, là. Ça aurait peut-être été le fun qu'ils viennent te chercher. Ouais, c'est ça, je sais pas. En tout cas, parce qu'on parlait de dans le dernier podcast, on parlait de Beyond Castle Wolfenstein, où si tu changeais de niveau puis tu avais déclenché l'alarme, les SS ils changeaient de pièce pour venir te ramasser. Puis ça, c'est à date de 82 que je me disais que peut-être si t'oubliais un ennemi dans Max Payne, ben coucou, on rouvre la porte puis on vient te chercher, tu sais. Ouais. Mais moi, en tout cas, moi, j'ai découvert ça un peu par erreur parce qu'habituellement, je suis du genre à n'importe quel jeu à tuer tout le monde, même si c'est pas nécessaire. Là. Tu veux pas faire de jaloux. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça avoir mon argent. Fait que j'aime ça faire le ménage. Mais dans celui-là, je sais pas, à un moment donné, je me suis tassé pour me cacher, puis j'ai comme ouvert la porte. Puis c'était ça comme le but, là, dans le fond, c'était de traverser la pièce, se rendre à la porte. Puis je suis sorti de la pièce, puis il restait au moins un ou deux gars encore à tirer. OK. Puis là, ça a changé, là. Mais tu peux comme pas revenir en arrière à certains moments ou non plus, là. OK, tu peux pas réouvrir la porte et dire « Ah, finalement, les deux, non, c'est qu'ils sentent mal, mais aller tirer aussi. Okay. » Il y a certains moments dans l'histoire où quand tu ouvres une porte, elle se repart en arrière. Fait que t'as pas vraiment le choix, là, d'avancer. Okay. D'ailleurs, des fois, c'est une autre affaire. Des fois, tu oublies de ramasser tous les fusils et les balles des ennemis parce que dans Max Payne, faut que tu comptes tes balles. OK, un peu comme dans Dead Space, là, c'est pas à volonté. Non, c'est vraiment... Ben, il y en a beaucoup, là, mais c'est le fait que les ennemis ne tombent pas avec juste une balle. Hein. Donc, surtout quand tu attrapes des policiers qui ont des armures, des fois, tu y tires 3-4 balles, puis tu penses qu'il est tombé, mais il se relève après comme une seconde à être à terre. OK, OK. Fait que là, tu le vois plus, là, tu penses qu'il est mort, tu avances, il est encore là. Moi, il y a une couple de fois où j'avais carrément plus de balles. Fait que là, je regarde tous mes fusils, ça dit tout 0/0. Et il reste encore 3 gars à tuer dans la pièce. Fait que tu te suicides puis tu recommences l'étape. Là. Tu peux-tu faire du corps à corps? Ouais, c'est ça, mais le temps de t'approcher, tu te fais tirer. Là, c'est OK, ce sont pas caves. Là. Ouais, puis même les ennemis font du corps à corps. Des fois, s'ils t'approchent puis que t'as pas eu le temps de peser le bouton, c'est eux autres qui te donnent un coup de gun. Le corps à corps, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du corps à corps. C'est pas juste un coup de poing puis le gars est à terre. C'est... Dès que tu fais le corps à corps, évidemment, ça s'en va au ralenti. Max Payne donne un coup de gun ou un coup de poing au gars. Le gars tombe au ralenti et là, il faut que tu pèses sur le bouton pour tirer. Et là, tu tires le gars comme à bout portant au ralenti. OK. Et là, ben, il meurt. Fait que c'est un peu ça, le combat rapproché. C'est une espèce de slow motion. OK. Tu peux pas, genre, le pogner, casser le cou par en arrière ou en faire de même. Non, c'est ça. Il n'y a jamais de coup de pied, puis le gars tombe, c'est fini. Il n'y a rien de fatal dans le corps à corps. Faut vraiment que tu tires dessus pour le finir. Ouais, j'aurais aimé ça que Max Payne ait un couteau dans cette version-là. Mais ça aurait pu être pas pire, tu sais. Un stab. Tu sais, tuer un ennemi au silencieux ou un affaire de même, ou tu arrives en arrière, tu le surprends, tu y casses le cou, tu continues, tu sais. Ouais, ben c'est ça que j'ai trouvé qui manquait, parce que je me rappelle que dans le premier, à un moment donné, il y avait des fusils avec silencieux. Qui était quand même le fun parce que tu pouvais tirer 2-3 ennemis puis les autres ne savaient pas où ce que t'étais, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça te donnait comme une couple de secondes, de précieuses secondes dans un combat où tu pouvais mettre un ou deux ennemis à terre avant que le reste commence à se pitcher sur toi puis à tirer tout ce qu'ils ont, tu sais. OK, ouais. Fait que, ouais, ça manquait dans celui-là. Je sais qu'il y a une mission à un moment donné aussi où tu te fais un fusil silencieux avec une bouteille puis du gaffer tape, là. Mais ça dure pas super longtemps. Une espèce de cours d'or plastique. Ouais, c'est ça. Puis là, tu mets de la dynamite aussi dans le building pour qu'il s'écroule. Mais non, c'est ça. C'est quand même un jeu qui est bien diversifié. À un moment donné, Max Payne se rappelle, comme je disais, il retourne dans le passé. Donc, il va se dire, même s'il est dans la jungle avec sa barbe et ses cheveux rasés, il va se rappeler, mettons, il va parler de Passos, qui quand il est venu le recruter. Fait que là, tu vas faire une mission dans le passé, Spain, avec son bon vieux coat de cuir, qui est à New York, sous. Et là, tu vas jouer la scène où il s'est fait recruter, une scène aussi à un moment donné où toute la mafia à peu près du New Jersey veut sa peau. Okay. Ça explique un peu pourquoi il est parti des États-Unis, parce que tout le monde était après lui. Là. OK, fait que finalement, ils ont quand même bien bouclé le fait que ça se passe plus dans l'univers régulier de Max Payne. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment fait évoluer le personnage. Okay. D'ailleurs, Max Payne, dans la version vieux Max Payne à New York, le personnage ressemble beaucoup à Dirty Harry, physiquement. Là. OK, ouais. C'est vraiment moulé sur Clint Eastwood. Quand il y a des close-ups de sa face, là, tu te fais « Oh, OK! » Ça ressemble vraiment à ça, là, le vieux policier grincheux qui tire tout ce qui bouge. Là. Donc, ouais, c'est ça. Il y a les missions comme ça dans le passé. Et après ça, ben, c'est ça, on revient dans le présent. C'est pas un jeu qui est facile. Là, probablement Easy, c'est un peu plus facile. Moi, ouais, sûr, si tu joues à Hard, t'as quoi? Ben, t'as Easy, normal, Hard, puis j'imagine t'as un mode cauchemar, genre de même. Ouais, il faut que tu débarres une fois que tu as fini Hard. OK. que ça m'intéresse plus ou moins de faire. Là. Ouais, à un moment donné. Le mode, même le mode normal, je l'ai essayé un peu. Là. C'est quand même, ça donne un bon challenge. Là. Je veux dire, tu meurs, tu recommences. Là. Fait que pour moi, c'est parce que j'ai déjà joué à Max Payne. Fait que les jeux que j'ai souvent déjà joués, j'aime ça les jouer à hard. OK. Parce que tu sais un peu à quoi t'attendre aussi. Là. Ouais, OK. Ouais. Un jeu que tu n'as jamais joué, ça peut être un peu frustrant quand il faut que tu apprennes la mécanique en même temps que tu te fais tirer un peu partout. Là. Ouais, c'est un peu plus fatigant. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le mode histoire. Fait que le mode histoire va vous en donner pour, je sais pas, ça m'a pris une semaine de passer au travers. Mais tu disais, tu parlais peut-être une dizaine d'heures. Ah, c'est ça. Mais vous allez, c'est impossible de pas mourir, là. OK, ouais, ben là. Même à Easy, là, vous allez recommencer quand même assez souvent, là. Parce que tu peux pas juste tirer dans le tas, parce que le fait que tu vas manquer de balles, le fait que l'énergie se régénère pas, et le fait que les painkillers sont quand même assez rares. Fait que tout ça fait que ça fait un jeu qui est pas super facile. Non, ouais, mais si tu joues à un first person shooter pour pas mourir pendant tout, joue à Tetris. Parce que, tu sais, ou joue à un jeu où c'est impossible de mourir, là. Ouais, Call of Duty 3. Je l'ai pas joué Call of Duty 3. Ben, c'est hein, tellement c'est... rendu facile, ces jeux. Ouais. Ben, c'est ça, je suis pas un grand fan. J'ai bien aimé le premier Modern Warfare. Le deuxième, je l'avais trouvé correct, là. Le troisième m'intéresse pas. Moi, j'ai acheté Ghost Recon Future Soldier. Là, ça va être ma prochaine critique sur le prochain podcast. Puis, je l'ai commencé, puis à date, c'est une bonne vieille paire de pantoufles. Si t'as joué aux deux premiers, là, si t'es pas pantoute déboussolé, t'es capable de le prendre en main, c'est super le fun. Fait que, mais ça, c'est pour plus tard. Fait que là, c'était le mode histoire, fait que c'est une dizaine d'heures, peut-être 12, là, ouais. Pour le monde un peu moins habitué au shooter. Ouais. Graphisme, c'est comment? C'est-tu, on a-tu l'impression de jouer à Grand Theft Auto ou? Dans le sens que c'est... Ben, le genre de graphisme, le genre... C'est-tu vraiment un third person ou c'est comme... Oui, c'est vraiment un first person. C'est un first person, ouais, ça a tout le temps été comme ça, avec la vue au-dessus de l'épaule pour tirer. Puis, OK. Bon vieux Max Payne. Oui, non, les graphiques, c'est quand même... C'est vraiment bien. Les personnages sont bien faits. Les univers sont bien dessinés. La synchro avec la voix, les lèvres, là, comme... Ah non, ça, pour ça, là, le voice acting, tout l'acting est vraiment très bien fait. C'est le même, c'est le même acteur qui avait fait les voix dans les deux premiers, qui est encore là. Au moins, c'est le seul qui a rapport dans les autres sont toutes parties. C'est ça. Beaucoup d'accent latin, parce que, évidemment... T'es au Brésil. Ouais, les ennemis parlent tout en portugais, ce qui est quand même bien, là, ça te met dans l'atmosphère. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une option pour mettre les sous-titres, mais ça te met les sous-titres en portugais. Donc, tu peux pas traduire ce que les méchants ou les ennemis disent quand ils se parlent en portugais. Parce que tu peux pas savoir ce qu'ils disent. Non, c'est ça, c'est okay. Direct en portugais. Moi, j'aime ça, en tout cas. Je trouve que c'est comme les jeux de Deuxième Guerre mondiale où les nazis parlent anglais. Là. Je trouve ça un peu niaiseux. Oui, ouais, c'est sûr. Ou un film que deux Allemands se parlent puis ils se parlent en anglais ou un enfant de même, c'est sûr que ça fait un peu bizarre. Mais des sous-titres. D'un autre côté, tu dis Max Payne parle probablement pas le portugais. Là. Non, puis il joue là-dessus aussi dans l'histoire, le fait que il l'appelle Gringo, là, qui est une espèce. En Amérique du Sud, Gringo, c'est un peu une insulte pour les touristes. Oh, oui, c'est comme Gaijin au Japon. Oui, c'est ça. Fait qu'il l'appelle Gringo tout le temps. Il parle pas la langue. Fait qu'à cause de ça, évidemment, Max Payne se ramasse dans toutes sortes de situations. Tout ce qui est histoire, ça, les personnages vont parler en anglais pour qu'on comprenne. Ouais. Fait que tout ce qui est en portugais, dans le fond, c'est pas vraiment important. Non, mais c'est comme du jasage entre les ennemis. Mais des fois, c'est intéressant juste de voir le temps qu'ils ont mis à mettre dans des discussions entre deux NPC, entre deux personnages non-joueurs. Ouais, ben tu vois aussi des personnages qui sont importants pour l'histoire. Des fois, ils vont se parler en anglais, ils vont dire les deux, trois lignes qui sont importantes. Puis après ça, ils vont s'envoyer chier en portugais, whatever. OK. C'est bon parce que ça donne... en tout cas, pour moi, je parle deux langues. Toi, tu parles probablement deux langues aussi. Y a des affaires qui se traduisent pas dans l'intonation d'une voix, tu sais. Ouais. Fait que quand mettons, le jeune fils du riche envoie chier du monde, le fait que ce soit en portugais, qu'il finisse sa sentence avec des insultes en portugais, ça donne vraiment l'atmosphère, plus que s'il disait juste « fuck you » ou whatever. OK, ouais, OK. C'est ça, ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça, ça, ça fonctionnait bien. Fait que, overall, la, l'histoire, c'est bien faite. Comme je disais, c'est ça, il y a un petit peu, là, comme dans tout jeu de, où il y a des systèmes de couverture, il y a un peu de frustration à cause de ça, là, de la mécanique, des fois, qui embarque pas comme on voudrait. Mm-hmm. Fait que, c'est ça. Mais, en gros, il y a tout le monde un peu avait peur que la licence soit trop différente. Vu que ça faisait longtemps, que c'était une nouvelle équipe, que Max Payne avait trop changé. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un jeu qui garde l'idée. C'est vraiment un Max Payne. Ça garde l'âme du jeu, ouais, c'est du jeu original. C'est pas comme Far Cry 2. OK. Far Cry 2 qui était un excellent jeu, mais qui était pas un Far Cry. Ouais. C'est plus une espèce de RPG en Afrique. Fait que non, faites-vous-en pas. Là. C'est vraiment, c'est resté Max Payne. OK. Puis, multijoueur? Ben, en fait, il y a deux modes supplémentaires. En fait, il y a le mode arcade, qui est là depuis le début. Ça s'appelait, dans le premier, ça s'appelait New York Minute. Ils l'ont ramené. Donc, dans le mode arcade, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Ben, il y a deux possibilités dans le mode arcade. Il y a le mode de juste refaire tous les tableaux pour faire le plus de points possible, puis trouver toutes les secrets qu'on n'a pas trouvés. Parce que tout le long du jeu, on peut ramasser des pièces de fusil en or. Là. Okay. Que chaque fusil a 2-3 morceaux en or. Il faut les trouver. Ils sont cachés un peu partout. Quand on les a tous ramassés, ben, dès qu'on a ce fusil-là, il est en or. Au lieu d'être couleur normale. Okay. Moi, j'ai pas vraiment perdu de temps à les ramasser là, ou à chercher. J'ai cherché des painkillers, puis c'est à peu près tout. Là. Donc, ça, on peut refaire le jeu pour essayer de faire le plus de points possible. L'autre mode, c'est le mode New York Minute, qui est le mode où on essaie de faire un tableau dans le moins de temps possible. Ça, c'est là depuis les débuts de la série. Là. Okay. Donc, on rejoue le jeu et faut faire le ça en dessous du moins de temps possible. Il y a un leaderboard aussi, on peut se comparer à tout le monde en ligne qui finissent les tableaux en dedans de 3 minutes. Là, puis, okay. C'est ça, là. Puis ensuite de ça, bien, il y a le multiplayer. Le multiplayer, pour les gens qui vont s'acheter Grand Theft Auto, c'est peut-être la chose la plus intéressante parce que ton personnage va être capable de se promener entre les deux jeux. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que le multiplayer de Max Payne, c'est en fait une espèce de guerre de gang. OK. Donc, ta gang, si tu te fais un clan, tu vas pouvoir transporter ton clan dans Grand Theft Auto. Quand ça va sortir. Je suis pas un fan de Grand Theft Auto, fait que c'est pas moi qui vais l'essayer pour vous le dire. Okay. Puis je suis pas un super fan, ben plus un super fan de multiplayer. Là, je suis quand même assez. Je choisis mes multiplayer maintenant. Là, je joue pas à toutes. Donc là, je l'ai essayé le multiplayer. C'est quand même bien. Ils ont fait des deathmatch juste pour les rookies. Quoique je suspecte que certains gens y vont, même s'ils ne sont pas des rookies, parce qu'il y a quelqu'un qui était quand même très bon dans une de nos parties. Okay. Il faut passer au travers du training pour débarrer. Il faut passer au travers de tout ce qui est rookie pour débarrer les autres tableaux. Donc, tu es comme un peu obligé de faire une espèce de training. Ensuite de ça, il y a il y a une séparation aussi. Tu peux jouer avec le mode free aim. En multiplayer ou avec soft aim, mais ces deux ça sont séparés. Donc, tu ne te ramasses pas à jouer contre du monde qui ont le soft aim avec une gang de monde qui sont free aim. Là. OK, ça, fait que c'est bien fait d'abord. C'est ça, ça donnerait un avantage okay. Un peu de trop à ceux qui ont le soft aim. Fait que ça marche c'est... comment le multiplayer? C'est une gang contre une autre gang, vous êtes, mettons, 6 contre 6, puis. Non, c'est pas tant que ça. Je pense que c'est jusqu'à 8, donc c'est 4 contre 4. OK. Non, mais... Fait que tu joues où tu joues du monde dans des. Il y a deux clans, là. Il y a les policiers et les autres, là, dans le fond, là, les bandits, le monde qui se promène en gougoun partout avec un AK-47. Là. OK. Fait que c'est les deux clans. Fait que dépendamment dans quel clan t'atterris quand le jeu te place, t'es soit une police, soit l'autre. Là. Tu peux jouer, tu peux changer d'une partie à l'autre. Là. Tu peux faire la customisation. tu peux personnaliser ton personnage. Tu changes la couleur de tes gougounes. Ouais, c'est ça. Tu peux changer quel personnage que t'as. Mais évidemment, ça, c'est toutes des affaires que tu débarres. Okay. Donc, même que tu passes un bon bout de temps en ligne pour débarrer tout ça. Les maps sont pas très grandes. Moi, j'ai pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était juste. Les seuls modes, c'est Deathmatch. Okay. Fait que c'est Team Deathmatch ou Deathmatch. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. Les maps sont pas très grandes. À un moment donné, par exemple, ce qui est le fun, c'est que tu peux activer le slow motion. Mais pour ça, il faut que tu fasses un certain nombre de kills ou de points. Ce qui fait que ça change la balance assez vite du jeu. Là, parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de ralentir tout le tableau d'une shot. Sinon, aussi, l'autre affaire qui est le fun, c'est de lancer des grenades. Ce qu'on n'a pas dans le jeu. Fait que, mais overall, en tout cas, Max Payne, c'est vraiment un jeu qui est fait pour l'histoire. Là. Je trouve que le single play, le multiplayer a vraiment, on dirait, été fait pour faire patienter les gens à Grand Theft Auto 5. Là. Ou pour donner du bonbon à ceux qui aiment dans Wazoo. Ah, parce que ça ressemble vraiment à Grand Theft Auto 5, en fait, de multiplayer. Là. C'est vraiment des combats de gang. Puis, puis dans Grand Theft Auto 5, je suppose que les maps vont être pas mal plus grandes que dans Max Payne. Dans Max Payne, ils ont juste pris des tableaux que tu as déjà dans le jeu. Là. Il y en a un, c'est comme l'arrêt d'autobus, là, le garage où les autobus se font réparer. Mais c'est vraiment une version beaucoup plus petite. Là. Il n'y a pas grand place pour se cacher. Donc, tu tires assez rapidement. Là. Ça, bon, en tout cas, je n'ai pas trouvé que c'est le multiplayer de l'année. Là. Si vous voulez un jeu multiplayer avec la couverture, puis vous tirez dessus, Gears of War ou Uncharted sont vraiment mieux faites. Là. Que ça. Probablement à cause que le fait que leur mécanique de couverture est vraiment meilleure. Là. OK. Puis il n'y a pas de multiplayer co-op, j'imagine? Tu peux pas faire la campagne à deux ou tu n'as pas d'autres multiplayer que ça? Malheureusement. Ça serait dur à implémenter, je pense, parce qu'à cause du slow-mo... Oui, puis à cause que Max Payne aussi est un... Parce qu'il faut que tu penses à que dès que tu actives le slow-mo, ça changerait de quoi pour l'autre personne aussi, tu sais? L'autre personne aussi se retrouvera au ralenti. Donc, parce que je sais pas si... Ce serait bizarre. Fait que non, mais pour le prix du jeu, là, si l'acheter neuf à 60$, là, c'est un jeu qui vaut la peine d'être acheté neuf. Là. C'est pas le genre de jeu. Je suis pas le genre de gars à donner des notes à des jeux. Je suis plutôt le genre à dire attendez qu'il baisse de prix. OK. Celui-là, c'est un jeu qui vaut la peine. Si vous êtes un fan de Max Payne, c'est un go. Si vous avez jamais joué, vous n'allez pas avoir besoin d'en jouer au précédent. OK. Ça explique assez bien l'histoire pour que tu comprennes ce qui s'est passé avant. Ça serait dommage là, que vous ne jouiez pas au premier, en tout cas. Là. Parce que c'est vraiment un excellent jeu. Non, si vous n'avez pas joué au premier, ils font une bonne job avec l'histoire de vous expliquer c'est qui ce gars-là qui est tout le temps sous, puis d'où c'est qu'il vient, puis son histoire. OK. Fait c'est clairement expliqué que sa femme et son enfant... Son bébé ont été assassinés. On ne sait pas trop pourquoi, là, mais ils nous disent juste qu'ils ont été assassinés. Fait que là, on comprend pourquoi il est devenu un alcoolo puis une espèce de policier raté. Là. Okay. Mais non, ça fait quand même une bonne. On n'a pas. On ne se demande pas pourquoi, c'est qui ce gars-là. Parce que c'est tous des nouveaux personnages. T'sais, c'est pas comme si tu arriverais dans le milieu de Gears of War 2, puis que tu demanderais c'est qui ce personnage-là. Ou tu sais pas c'est qui okay. est qui. Quoi qu'il dit ça, tu sais, fait que non, c'est quand même bien fait. T'sais. Il donne juste assez de background sur Max Payne que tu comprends c'est qui le gars, là. Okay. Les autres, c'est tous des nouveaux personnages, fait que c'est pas important d'avoir joué aux deux premiers pour ça. Tu les connais en même temps. T'es découvre en allant dans le jeu parce qu'il était pas là avant, de toute façon. Ouais, c'est ça. Parfait. Overall, c'est ça. Fait que c'est un achat. C'est définitivement un achat. Je sais qu'il y a Diablo qui est sorti, fait que tout le monde est allé s'acheter Diablo. Ouais, ouais. Mais en tout cas, Max Payne n'a pas besoin d'être connecté en ligne tout le temps. Fait que entre deux games de Diablo qui ne connectent pas, vous pouvez toujours loader Max Payne. Jouer à Max Payne. Jouer à Max Payne. Bon, ben c'est beau. Fait que moi, je vais y aller. L'éclair est à veille de tomber sur le clocher. Il faudrait que je retourne dans le passé pour finir le podcast. Fait que merci, Eric. Des pots de banane dans ton Mr. Fusion. C'est ça. J'ai pas encore installé le Mr. Fusion. Faudrait que je me fie à l'éclair qui va tomber bien vite. All right. OK, Eric, merci beaucoup. Bye. Bye. Alors, nous sommes de retour dans le présent. Ah-ha. Et puis, c'est maintenant mon tour. Je vais vous parler de Torchlight 2. Chance d'avoir une clé bêta. Ben, la chance. J'ai l'impression que si on appliquait pour avoir une clé bêta, il y a donné pas mal à tout le monde parce que j'ai Steve Levesque de Factor Geek qui s'était inscrit, qui avait annoncé ça sur Twitter. J'ai dit, ah, comment je fais pour avoir une clé? Il dit, ah, va t'inscrire là. Je me suis inscrit. Le lendemain, j'avais une clé. Puis il y avait d'autres personnes aussi sur Twitter qui ont réussi à avoir des clés. Il voulait aussi faire un stress test. Fait que j'imagine que ceux qui appliquaient avaient la chance d'avoir une clé. Malheureusement, j'ai tombé vers la fin de la bêta. Il me restait comme 3 jours pour jouer. J'ai eu le temps de jouer seulement. Ben, il me restait 2 jours et demi pour jouer. J'ai eu le temps de jouer une journée. Bon, Torchlight 2. Juste pour te couper. Oui. Donc, vas-y. Hein? Juste pour me couper. Juste de même, là. Tu t'es inscrit sur le site de Runic pour faire ton compte? Oui, sur le site de Torchlight 2. Ouais, mais c'est là le problème parce que moi aussi je l'ai acheté en prévente la première journée qui a été affichée en prévente que j'ai reçu. Tu l'as acheté sur Steam ou... Non, je l'ai acheté via Perfect World. Ok. Ouais. Le problème là-dedans, c'est que j'ai déjà un compte avec Perfect World parce que je joue à des jeux comme Forsaken World ou peu importe, et Perfect World aussi. Mais bref, c'est que je m'attendais à être sélectionné aussi. Sans avoir rien à recevoir un email pour dire ben vous êtes sélectionné pour la bêta, mais là que se passe-t-il? Je ne l'ai pas quand tu me dis j'ai reçu une bêta. Donc j'ai pas eu le temps moi aussi, selon le temps qui nous restait, quand tu me dis que tu avais droit jusqu'à jeudi, j'ai même pas pris le temps. Ça n'a pas valu la peine. Non, c'est ça, parce que il y avait un délai avant d'être accepté. Et puis ça aurait été la même journée. La journée, ça se termine. Exact. Donc, je me suis dit, regarde, je vais le découvrir lorsque le jeu va arriver directement à moi. C'est ça. Mais c'est un peu plate aussi parce que moi, je l'ai précommandé sur Steam. Ouais. Puis, si je ne me serais pas inscrit, j'aurais pas reçu d'autres choses. J'ai pas reçu une clé parce que je l'ai acheté sur Steam. Fait que non. J'imagine que c'était deux choses totalement séparées. Selon moi aussi. J'ai trouvé ça plate. Ouais, c'est plate un peu, mais ils ont décidé d'aller comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est ça, Torchlight 2. Le jeu devrait sortir à la mi-2012. Donc, j'imagine peut-être en juin et août, dans ces coins-là. Il va être disponible pour Mac ou PC. C'est quel genre de jeu? Ben, c'est un clone de Diablo, presque. C'est du hack and slash. C'est un hack and slash. C'est ce qu'ils appellent un action RPG. Si vous avez jamais joué à Torchlight puis vous aimez le genre, je vous conseille de le précommander sur Steam. Présentement, il est $19.99 US, mais vu que l'argent canadien vaut plus cher, ben ça coûte un peu moins cher. C'était le même prix que j'ai payé aussi. Puis mais l'avantage, c'est que il vous donne Torchlight 1 gratuitement. Puis il est jouable tout de suite. Fait que vous achetez, aussitôt que vous achetez Torchlight 2, Torchlight 1 tombe dans votre queue de download de Steam. Vous l'installez, vous pouvez le jouer en attendant que Torchlight 2 sorte. Mm-hmm. J'avais fait la critique de Torchlight 1 dans un des premiers podcasts. Je me rappelle pas, je suis vieux. C'est pas de ma faute. Puis, c'est un excellent jeu. C'est pas de tes parents. Ça doit être ça. Fait que c'est un excellent jeu, ça vaut la peine d'être joué. Fait que vous l'avez gratuit en plus. Si vous l'avez jamais joué, c'est parfait. Moi, je l'avais sur Xbox. Mm-hmm. Fait que là, je l'ai sur PC aussi. Dans Torchlight 2, on a 4 classes. On peut jouer homme ou femme. Il y a un engineer, un outlander, un berserker, puis un ember mage. OK. L'engineer, c'est un... Un ingénieur. Il est bien armé, il a de la bonne armure, puis il sert du pouvoir de l'ambre avec ses armes pour se battre. Quel type d'arme? Selon ce que j'ai vu, c'est une masse. OK. Mais je ne l'ai pas joué. OK. L'outlander, c'est le personnage que j'ai joué, Fusil et Magie. Ouais, ok. Le Berserker puis Fusil, une arme assez incroyable. J'avais un canon à un moment donné, ça ressemblait à un canon de pirate, là, que je me traînais avec, puis ça tirait comme 4-5 balles de large. Ça, c'est pour les petits ennemis, là. Ça wipait solide. Ça faisait du bon ménage. Une bonne dissection, un peu mieux que ça. La personne a le Berserker. Lui, il utilise la magie des bêtes de son familier, j'imagine, pour augmenter sa force pendant les combats. Puis il y a l'Ember Mage. Donc il se rapproche d'un druide, si tu veux dire. Un peu. Le personnage, quand on le voit, il a comme des points américains, puis il utilise la magie. Okay. J'imagine qu'il peut utiliser la magie pour son familier ou ces choses comme ça. J'ai pas eu le temps de le jouer encore. Moi, j'ai joué le Outlander avec les fusées et la magie. Il y a l'Ember Mage, lui, ben, c'est un mage. Finalement, c'est la magie. Il est plus puissant en magie, puis il sert de la magie pour se battre. Qui se trouve être celui que je jouais même dans Torchlight 1. Exactement. Mm-hmm. Personnalisation, visage, style de cheveux, couleur de cheveux. C'est tout. Couleur de peau, la forme du visage, on peut être noir, on peut être couleur plus asiatique, plus blanc, puis les formes de visage changent un peu, rien de plus que ça. Je pense pas que ça va changer, là. C'est pas, vu que c'est pas vraiment un MMO, on n'a pas besoin d'avoir des visages à pu finir. C'est quand même un MMO, là. Eux veulent utiliser le fait d'un MMO parce qu'ils vont être en ligne, puis on va justement pouvoir jouer avec d'autres personnes. Là. Mais pas plus que Diablo 3, c'est le même style, c'est maximum 4 joueurs. Tu vois, puis Diablo, c'est 5. C'est ça. Fait que c'est ça, je vais en revenir plus tard. Mm-hmm. On a le choix. Mais au moins, pour la personnalisation, Mylène, qui nous écoute. Très contente. Elle va être contente, c'est ça, parce qu'elle va dire, waouh, enfin, je peux jouer quelque chose, parce que c'est elle ce qui la touche beaucoup, le pouvoir personnaliser. Donc, elle va aimer ça, puis en plus, le fait que c'est juste 20$, c'est fantastique. Puis si tu l'achètes sur Steam, 20$ pour deux jeux. Wouhou! Bon deal. On a 8 familiers différents maintenant, fait que 8 accompagnateurs, un animal que tu choisis pour accompagner. Mm-hmm. T'as la panthère, le bulldog, le chat, un shakawari, qui est la même bébite qu'on retrouvait dans Torchlight 1, qui a l'air d'un lézard sur deux pattes. Mm-hmm. Ça ressemble un peu à un vélociraptor. Petit dragon, dragon bébite, là. Un chien de race papillon. Ça doit pas être tellement menaçant quand tu arrives en avant d'une bébite, parce qu'un papillon, c'est pas gros, puis c'est assez pouffi. Même Machu a l'air plus viril et dangereux qu'un papillon. Mais il a l'air quand même un petit peu intelligent. Peut-être. On peut lui donner ça. Il y a un furet, un faucon, puis un loup. On peut personnaliser le familier par sa couleur seulement. On peut pas changer des formes ou la grosseur, mais on peut changer sa couleur de poil. Puis on lui donne un nom. Puis on lui donne un nom. Ce qui est le fun, on peut choisir d'y donner un nom, autant à notre personnage qu'au familier, ou juste le faire au hasard aléatoire. Et génère un nom aléatoire pour nous autres. Puis c'est ça, sans problème. Fait que, au mois de mai 2012, Runic Games, qui fait Torchlight et Torchlight 2, a annoncé qu'il y avait une bêta ouverte du 18 mai à 11h AM, Pacifique, c'est-à-dire l'heure de la Californie, 3 heures de différence avec nous autres, jusqu'au 24 mai à 11h AM, aussi Pacifique. Les heures ont changé, là, parce que c'était 4h, je pense, parce que moi, ça donnait 7h ici. Ouais, mais on est allé dans le passé, on est allé dans le présent, c'est ça change. Fait que, il disait qu'un nombre limité de clés était pour être donné à ceux qui avaient des comptes Runic Games avant le début de la bêta. Ça s'est avéré faux parce que moi, j'avais pas de compte. J'ai demandé un compte puis j'ai eu une clé pareille. Mm. Fait qu'ils ont probablement ouvert ça plus large pour avoir un meilleur stress test. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est du monde, c'est serveur. Ouais. Parce que dans la bêta, on pouvait pas jouer local puis on pouvait pas jouer par LAN non plus. Parce qu'il y avait l'option de jouer sur un réseau local. Okay. Il y avait juste la partie Internet qui était ouverte. Mais ça m'amène à penser que donc on n'aura pas besoin d'être en ligne constamment. Non. Si on joue en ligne. Avec Torchlight, tu vas pouvoir jouer local. Mm-hmm. Puis tu vas avoir le choix de jouer sur Internet ou en réseau local. Plusieurs ordinateurs sur le même réseau dans la même base. Déjà les modifications qui s'en viennent. modifications. Des modes que les gens, justement, qui s'amusent à changer le jeu à leur guise, là. Ben, ça va dépendre, parce que là, si t'es quand même connecté, t'as quand même une connexion à Steam ou à Perfect World qui va se faire. Fait qu'il va sûrement avoir un genre de check, peut-être. J'ai hâte. De la validité de l'application, quelque chose comme ça. Ça va être à voir. Mais il y a sûrement un lobby aussi, là, pour pouvoir jouer en multijoueur. Oui, quand tu rentres partie en ligne, tu peux créer ta propre partie. Tu peux faire des parties ouvertes, parties privées, okay, avec amis, invités seulement. Tu peux protéger ta partie par mot de passe. Mm-hmm. Tu peux choisir si tu veux que ce soit une partie de 2 joueurs maximum, 3 joueurs maximum, 4 joueurs maximum. Moi, j'ai joué, j'ai créé une partie à 4 joueurs, pour 4 joueurs maximum, parce que je pensais avoir plusieurs personnes qui se connectaient. Finalement, nos heures ça a pas marché. Mm-hmm. Mais j'ai joué avec une personne sur une partie qui était pour 4 joueurs maximum. Ça a été extrêmement difficile. Au début, tu te promènes, quand t'es pas dans un donjon précis avec un boss, ça se fait quand même assez bien, là. Tu te promènes, tu tues des bébites, tu ramasses des potions, tes armes. Par exemple, Diablo, tu ramasses ton armure, tu modifies tes c'est le fun. C'est ça. C'est super le fun. C'est plus coloré. Les graphiques sont beaucoup plus cartoon, beaucoup plus dessin animé, oui, que Diablo, qui c'est est un sûr peu plus sérieux. Ce qui est le fun, d'un côté, là, ça va faire une différence entre les deux. C'est pas vraiment le même côté graphique, c'est beaucoup plus comme bande dessinée. Même l'intro du jeu est vraiment bande dessinée, là. C'est pas un film en 3D avec des grosses animations, c'est vraiment comme du dessin à la main qu'ils ont fait pour présenter le jeu. Okay. Quand on jouait, c'est ça, on est parti, on a commencé à faire les premières quêtes, bon, c'était assez facile. On est tombé dans un donjon à un moment donné, puis je sais pas si, parce que j'ai pas eu le temps de réessayer puis mettre la partie pour deux ou créer une partie solo, parce que j'imagine même sur internet, je pourrais dire un joueur max puis jouer tout seul. J'ai pas pu le regarder où tu peux mettre 2, 3 ou 4, là. J'ai pas pu regarder cette partie-là. Je me demandais si le donjon était pré-rendu selon le nombre de joueurs max que tu peux avoir dedans ou selon le nombre de joueurs actuels qu'il y a dedans. Parce que le boss qu'on a rencontré, il nous en a sacré toute une. Okay. Il était extrêmement difficile. Il recréait des méchants ou des sbires, des monstres tout le temps. Puis pas nécessairement des petits monstres faciles à tuer à 2-3 balles, là. Des petits monstres qu'il fallait que tu mettes sur eux autres, tu t'acharnes pour les tuer. Et des plus gros. Mais il y a aussi lui qui te lâche pas en plus. Puis il y a lui qui te lâche pas en plus. Ouf. Fait que une chance que la place pour revenir à vie t'es pas tellement loin. Parce que tu revenais à vie, tu reprenais un petit portail qui t'amenait directement au boss, puis là, tu te battais. La zone était-tu assez grande? La zone n'était pas tellement grande non plus. T'avais pas vraiment de place pour te sauver, pour aller te cacher, là. T'avais toujours un monstre qui venait après toi, ou t'avais toujours. Fallait que tu prennes des potions, fallait que tu reviennes. Là, t'avais gratuit si tu reviens à la ville. Ça te coûte pas de gold, ça te coûte rien. Si tu veux revenir au portail le plus proche, où ça te coûte un certain montant. Si tu veux ressusciter exactement où ce que t'es, ça te coûte un plus gros montant de gold que t'as ramassé, d'or que t'as ramassé. Fait que là, faut que tu gères à savoir, bon, ben là, combien j'ai d'or, je peux-tu me permettre de revenir là? Puis là, tu t'aperçois bien vite que ça servait à rien de revenir juste là. Le portail, l'autre bord, t'es pas tellement plus loin. Okay. Puis vu qu'on mourait tellement souvent, moi plus que la personne avec qui je jouais, là, que fallait qu'à un moment donné, je me rapportais toujours au plus loin pour que ça me coûte pas cher, parce que je revenais. On a réussi à le battre, okay, mais j'ai dû mourir 10 à 15 fois avant de le tuer. Puis la personne qui était avec moi, qui avait l'air un peu plus habituée au jeu, est peut-être mort 7 à 8 fois, là. Qui sait, peut-être que ton Diablo 4 va sortir, mais ils vont faire un partenariat avec Runic. Ça me surprendrait. Mais ils vont avoir trouvé un niveau de difficulté adéquat. Alors. C'est bien là, c'était comme trop, mais c'était vraiment le boss. Je l'ai pas essayé, j'aurais aimé. Le restant, t'es pas si pire, mais le boss, t'es excessivement difficile. Ce boss-là. Fait que je sais pas si on est rentré dans un donjon ou si on était peut-être pas assez fort pour aller. puis on est réussi à rentrer pareil, tu sais. Ouais, mais ça ferait du sens ce que tu disais, que tu posais la question. Selon moi, vu que maintenant, c'est toi qui décides de créer une partie et que tu crées un certain nombre de joueurs, donc d'ouverture de possibilités, c'est toi qui se mets une épine, tu sais, dans le fond, une épine dans le pied, là. C'est-à-dire que si tu le fais pour 4, donc l'engin du jeu va créer donc tout en fonction de 4. Et si vous êtes juste 2, ben c'est plate, c'est mais vous allez payer le prix. Là. C'est ça que je me suis dit. Ouais, peut-être que le donjon s'adapte peut-être pas au nombre de personnes actuelles. Il va peut-être à s'adapter à comment tu as créé ta partie. Ouais. Selon moi, oui. Fait que c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer pareil. Mm-hmm. J'ai aimé retourner dans Torchlight. J'avais bien aimé le premier. Mais en PC, contrairement à Xbox? C'est un peu différent. Les commandes ressemblent beaucoup à Diablo. Tu tiens le bouton, la souris, puis il s'en va où ce que tu veux aller. Mm-hmm. J'ai trouvé qu'il avait fait vraiment une belle job pour convertir le jeu de PC sur la Xbox. Sur la Xbox, ça fonctionne super bien. Ouais. Les commandes sont vraiment bien faites. Les boutons sont bien placés. C'est super le fun. Sur PC, c'est un autre monde. Je veux dire, t'as ta potion, t'as ton clavier. J'ai bien aimé jouer aussi sur le PC. Il sortirait sur la console. J'aurais peut-être tenté de le jouer sur console. Parce que j'ai joué Torchlight 1, là. Mais sur le PC, ça joue super bien, là. Je veux dire, c'est Diablo. Et tu vas avoir des chances de jouer avec moi sur PC. Puis sur PC, on va pouvoir jouer ensemble. Puis il y a plein de monde sur Twitter qui ont dit « Ah, mais que le jeu sorte, on va se taper des games à la gang, là, puis on va se faire du fun. » J'ai rien contre ça. Ça va être intéressant. Puis c'est un jeu qui va être le fun à jouer. Fait que j'ai hâte qu'il sorte. Ça devrait être au courant de l'été, peut-être au début de l'automne, s'il n'est pas retardé. Je dirais peut-être, ouais, c'est ça. Soit en juin, juillet, là. Selon qu'ils ont fait les tests présentement, là. Ouais. Vu que c'est un plus petit, oui, je crois que ça pourrait aller assez vite. D'après moi, ils vont aller avec. Ils vont se trouver une plage où il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent pour pas se faire ramasser trop. Mais il y a beaucoup de monde qui vont le précommander. Il n'est pas cher. Je dis, c'est 20$. Écoute, c'est combien d'heures de jeu, on ne sait pas encore. Ou pas, ça ne nous donnera rien de bonus de plus. Mais c'est bon si tu n'as pas pour les, mais ils ont dit, le premier Torchlight. En le prenant aussi, ouais, à part de ça, qu'on aurait accès. Un early access, donc un accès donc avant tout le monde aussi, mais regarde, ça reste que c'est Torchlight, là. Non, et c'est pas... T'sais, je veux dire, c'est trois fois moins le prix, mais on va se faire autant, on va s'amuser autant que Diablo, regarde. Écoute. Mais il va-tu durer 40 heures que Diablo, Diablo, le gars qui a rushé, puis qui a fait juste ça, il l'a fini en 45 heures. En moins de deux jours. Tu sais, mais c'est Torchlight, c'est-tu 20 heures, c'est-tu 15 heures, total? Ça se peut. Tu sais... Mais d'où le l'amusement va venir du fait de jouer en multijoueur, donc avec d'autres personnes. Ça va être la rejouabilité, essayer un autre personnage, essayer d'autres choses, puis jouer en gang, jouer tout seul. On va peut-être intégrer aussi des sets là, d'équipement. Peut-être. Donc tu dois faire une collection, donc tu dois rejouer, faire plusieurs sessions. C'est ça. J'ai malheureusement pas eu assez de temps de le jouer. J'ai plus eu le temps de jouer à Diablo parce que j'avais pas de limite de temps. Lui, j'avais 3 jours, j'ai eu le temps de jouer une journée. C'est ça. Mais ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Fait que pour venir au mode de jeu, vous allez avoir le solo, le co-op en ligne ou le co-op en LAN. C'est-à-dire sur le même réseau, dans une même pièce, les LAN parties, des choses comme ça. Ça va peut-être devenir un jeu qui va être super le fun pour le monde qui font des LAN parties. Parce que tout ensemble, assis dans la même pièce, chacun sur son ordinateur, puis se jaser, faire des raids, des choses comme ça va être super le fun. Au lieu de jouer à Magic. Puis ce qui est le fun dans ça, j'imagine c'est peut-être pareil dans Diablo. Je sais pas si c'est pareil dans Diablo. Les donjons sont générés aléatoirement. Sont au hasard. Fait que tu peux faire quelque chose, puis c'est pas nécessairement le même donjon que tu vas avoir quand tu vas faire une autre partie. Diablo, je sais pas. Je te dirais oui. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, j'ai pas été loin, tu le sais moi aussi. Les donjons, exemple, la carte en tant que telle, on dirait qu'elle a la même grandeur. Oui, c'est un petit peu aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des fois, tu vas avoir une occasion d'aller dans un genre de puits qui à l'intérieur, tu vas ramasser pratiquement juste de l'or. Ok. Donc ça, tu l'auras pas à chaque session et elle va être placée à des endroits donc différents. Il y a eu aussi un endroit où ce que Blizzard a dû faire un arrêt temporaire et faire une maintenance imprévue. Okay. Parce que dans l'acte 2, il y avait un endroit où, peu importe, à chaque fois, c'est supposé être aléatoire, là, OK? Mais il y avait un coffre, puis dans les, il y avait des différentes aussi qualités de coffres. Il y a des coffres bien normales, il y a des coffres qu'on appelle resplendissants. Écoute, ça brille l'or, là. Fait que tu sais que si tu l'ouvres, tu risques d'avoir des... Quelque chose de bon. Quelque bien. Chose de bon, mais aussi beaucoup d'or. Et donc, il y a des gens qui ont déjà commencé à vouloir exploiter ça, parce que lorsqu'ils quittaient la session et ils revenaient... Le coffre revenait? Toujours au même endroit. OK, ouais. Donc là, déjà là, l'économie peut-être s'en trouve affectée un petit peu. Là. Je ne sais pas qui, combien de personnes, mais bref, fait que là, oui, bizarre, a dû faire une maintenance. Parce c'est une faille dans le jeu. Oui, parce qu'en général, tout devrait être généré à des endroits différents. Mais éventuellement, tu finis au même endroit, là. Donc tu vas finir par tuer quand même les patrons, les boss. Ouais. Une autre affaire, j'ai oublié de parler tantôt, on va juste revenir à Diablo 3. Je sais pas si tu as remarqué, la réutilisation des mêmes donjons est assez flagrant à certaines places. Oui, oui, tu veux dire que même... ouais. Quand tu, si tu explores un peu, si tu fais juste ta quête, tu t'en vas en ligne droite, puis tu t'en vas où ce que la personne faut que tu trouves ou tu le verras pas. Non. Mais j'ai fait un peu, tu m'as montré, la première journée qu'on a joué, on pouvait pas jouer ensemble, on jouait en même temps, puis on jasait par Skype, puis je faisais mon petit côté, puis là, tu m'as dit, ah, moi, tu sais, je fouille, les affaires de ma femme. Là, je me suis dit, ok, tu fouilles, moi, fouiller, moi aussi. Puis j'ai commencé à fouiller, puis à un moment donné, tu rentres dans une pièce, puis là, t'as comme un gros lutrin en pierre au milieu qu'un livre, puis là, tu prends le livre, puis là, il y a des squelettes qui grimpent le mur, puis là, tu tues les squelettes qui grimpent le mur, puis là, tu t'en vas à droite. Là, t'as une porte, tu ouvres la porte. Là, t'as une pièce avec un cadavre à terre. Mm-hmm. Tu fouilles le cadavre, il y a des squelettes qui grimpent le mur. T'es-tu tout, tu repars, tu t'en vas. Tu vas faire un petit bout. Là, tu passes une groupe de méchants ou tu montes un escalier, tu descends un autre escalier. T'arrives, t'as une pièce, t'as un lutrin dans le milieu avec un livre. Tu ramasses le livre, il y a des squelettes qui grimpent le mur. Là, tu dis... Impression de déjà-vu. Oh, ouais. Tu t'en vas à droite, tu rouvres la porte. Ah, il est mort ici aussi. C'est ça. Gadon. Tu ramasses ce qu'il y a sur le cadavre. Je suis sûr qu'il va y avoir des squelettes qui vont grimper le mur. Tu t'en rapproches du mur. Tadam! Les squelettes grimpent le mur. Ouais, c'était pareil que moi, j'avais observé, c'est j'ouvre une porte, puis à l'arrière, il se trouve avoir des barils, puis un squelette, un cadavre qui est à terre. Là, on va un peu plus loin, pouf. Mais regarde, c'est ça, c'est le fait d'être aléatoire, de la façon dont c'est construit, c'est du level design. Écoute, oh ouais, mais j'ai juste trouvé ça un peu... Je te dis pas, prends le même donjon ou prends les mêmes configurations de place. Tu aurais aimé que mais dans l'acte 2, mettons. Non, parce que dans l'acte 2, tu vas revoir donc aussi la même chose qui va revenir. Parce que justement, c'est aléatoire. Puis lorsque ça crée, ben là, hop, dans ta partie à toi, c'est là qu'au moins, ils n'ont pas de contrôle. Puis ils vont dire, regarde, on laisse le champ libre. Là. Je crois pas qu'ils vont contrôler pour dire, regarde, après avoir vu 3 fois les squelettes. Durant une session de jeu, on t'arrête ça là, que lorsque tu vas arriver à un endroit où tu t'attends, tu vas faire « Ah, ben non, gadon! » Ils ont juste manqué ça. En créant la classe, là, d'arrêter de faire ça, mais c'est parce que c'est dans le game loop, là, dans la boucle du jeu. Mais écoute, cette exacte séquence-là, je l'ai vue au moins 3 fois facile. T'es sûr que t'étais pas dans une DeLorean, toi, là? Non, je pense. Dans Diablo, je n'ai pas vu. OK. Puis mon barbare, il avait pas l'air d'être capable de chauffer un char, de toute façon. Il a pas l'air d'avoir le quotient de faire ça, là. Mais ce que j'ai aimé aussi dans Diablo, c'est les discussions, des fois, entre ton personnage, puis... mettons, j'ai un Templier qui est venu m'aider à un moment donné, puis à un moment donné, tu vas juste te promener, puis là, Templier va faire un commentaire, ah, merci beaucoup de m'aider, puis là, ton personnage va dire, ah, c'est normal, tu sais, moi, je veux le bien, puis okay, j'ai trouvé ça cool, qu'il y ait des petites discussions, t'sais, tu marches à un moment donné, tu t'en vas quelque part, tu sais, puis tu dis, ah, t'sais, ouais, t'sais, merci d'être avec moi, je trouvais ça plate, tu fais des bébés tout seul dans un donjon, puis là, tu dis, ah, tu sais, je fais de tof, moi, je suis capable de t'aider, t'sais. C'est ça. Fait, j'ai trouvé ça. Le fun. Okay. D'avoir une espèce de... Oui, c'est pas mauvais. Puis ça a l'air d'être spontané un peu. Puis même, tu t'en vas dans le village, puis t'entends les personnages parler entre eux autres. À un moment donné, il y a la fille. Aussi, puis quand tu fais des actes, donc, supposons que là, tu as tué le roi squelette. Si tu retournes, ben, éventuellement, avec le fait que tu peux continuer le jeu, mais ben, ils vont dire autre chose. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça drôle, parce qu'à un moment donné, tu sauves une personne... que la fille voulait que tu sauves, là, tu la ramènes au village. Puis là, ils se parlent entre eux autres. Est-ce que tu as vu des fois une petite étoile bleue au-dessus des personnages? Ouais. Est-ce que tu as réussi à voir c'était dû à quoi? Non, ben la seule étoile bleue que j'ai vue, c'était au-dessus de mon blacksmith. Ok, ton forgeron. Ok. Mais les autres, tu vois les étoiles de dialogue, là, tu vois une bulle bleue foncée avec des petits points dedans. Puis là, ils se font comme se parlant entre eux autres. Puis à un moment donné, j'étais dans le là, je vais aller faire ma quête. Mais là, la fille parle avec le gars. Puis là, il y a comme une discussion. Puis là, il parle de l'histoire. Puis ben là, c'est parce que si je m'en vais... Tu vas manquer. Je vais manquer ça. Ouais. C'est sûr, parce que tu trouves des livres. Là, tu peux cliquer sur le livre, puis là, ça te compte l'histoire. Ouais. Tu peux t'en aller, puis l'histoire continue à te suivre pendant... Tu l'entends comme si tu avais un iPod, puis tu t'en allais, puis tu écoutais ça. Mais si les personnages te parlent, ou surtout que tu t'éloignes, tu les entends plus, puis t'es là, c'est-tu quoi d'important? Je devrais-tu attendre? C'est ça. Tu sais, là, tu ben... Ouais, mais tu sais, j'ai juste une couple de jours pour la jouer le jeu. Yes, ça. Parce qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui. Exact. Je dis, bon, ok, ben, jouez-en de vous autres. Puis, c'est quoi? Parce que les étoiles bleues, ça signifie que le personnage non-joueur a quelque chose à te dire. Ok. Donc, tu cliques dessus et tu fais talk, donc pour parler. Ok. Et là, il va te parler. C'est parce que aussi, c'est que si tu parles à tout le monde dans le jeu, donc à tous les NPC, c'est que tu vas débloquer aussi un succès. Ah, oh, ok. Écoute. Mais. Il y a aussi la Léa qui se trouve être la nièce de Deckard Cain, qui se trouve être un personnage assez connu. Je pense que c'est la fille de Dark Vader. Moi aussi. Ouais, hein? Okay. Mais bref, elle a aussi un journal. Quand tu t'en vas dans sa chambre à l'intérieur de l'auberge, tu trouves, bon, ben, selon chaque petite étape que tu fais, tu dois y retourner. Parce que tu as l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à. Je suis rendu à 9. Mais okay. J'ai réussi entre ça à manquer le 4-5. Ah, mais là, j'ai joué avec un autre perso, puis là, j'ai réussi à voir à quel moment que je dois y retourner. Mais là, donc, ça veut dire que ça te force à souvent revenir dans le village. Ouais, recommencer des étapes. Pour justement parler, c'est ça, puis vendre, puis réparer ton équipement. Okay. C'est une manière de rallonger le temps de jeu aussi. Si tu prends ce temps-là, parce que ça donne au moins aussi des points d'expérience. Et puis, c'est pas rien, là, parce que quand je découvre aussi, même dans les cartes, oh, pouf, tu découvres justement un journal, clique, 1000 points d'expérience, regarde, ça, c'est agréable. Lorsque tu tues des fois des monstres, ça t'en donne 18. Oh, tu dis, c'est un bon petit boost. Là. Mais ça fait l'histoire. Mais oui, c'est leur façon de... Écoute, c'est... pour moi, c'est du hack and slash, là. On se cachera pas. Fait que l'histoire... T'sais. Mais si tu veux suivre l'histoire, puis si tu veux rallonger ton expérience de jeu puis embarquer dans le jeu, ben c'est pas méchant. Mm-hmm. C'est comme jouer à Swator puis juste faire spacebar pour passer les discussions puis juste faire tes choix pour passer ça le plus vite possible puis juste tuer des bébites. Oui, mais lorsque tu as fait une héroïque, bon, mais puis tu veux le refaire, toi tu as déjà passé. C'est comme Guild Wars aussi, là, c'est la même chose. Là, tu peux passer tes... Tu peux passer les cinématiques, tu peux passer ça. Mais si tu es dans un groupe, puis que toi tu le passes, puis il y en a d'autres qui l'ont pas vu, puis qui veulent le voir, ils ont le choix de le regarder. De t'arrêter. Exact. Exact. Puis parlant de Swator, je sais pas si t'as entendu, je sais que la plupart du monde qui écoute le podcast devrait l'avoir entendu parce que ça a été dit ailleurs. Ils ont ouvert la possibilité de changer ton personnage de serveur. OK. Tu peux prendre un personnage maintenant, puis le déménager sur un autre serveur gratuitement. Parfait. WoW chargeait 25$ par personnage, je pense. Écoute, même Eden Eternal, si tu veux changer de serveur, c'est 10$. C'est ça. Non. Mais c'est dans la nouvelle patch qui est sortie pour Star Wars The Old Republic, tu peux changer ton personnage. Est-ce que tu as un nombre de fois limité? J'ai pas les détails pour ça. Okay. Ou si tu peux changer, mais t'es pris sur le nouveau serveur pendant un mois, deux mois, ou peu importe. Là. Mais tu peux le changer de serveur gratuitement. Okay. Fait que moi, je vais peut-être changer mes personnages pour les amener tous sur le même serveur pour pouvoir échanger des armes, des affaires comme ça, pour aider. Là. Parce que là, je suis deux serveurs différents. J'ai mes Sith sur un, puis mes Jedi, ou mes côtés clairs d'un sur un. Tout en tenant compte de ton nombre maximal par serveur. Là. Ouais, c'est ça. Donc, fais attention à ça. Là. Non, mais c'est ça, je vais regarder, mais de toute façon, j'ai des personnages que je joue plus, fait que je déménagerai pas. Okay. Mais mes Jedi, puis mes Sith, je vais vraiment les déménager pour pouvoir partager, parce que des fois, tu pognes un sabre qui est côté clair, un côté clair, puis tes Jedi, tes Sith, tu sais. Tu peux pas t'en servir, mais ça serait bon pour le Jedi. Fait que c'était... Ben, merci pour la mise à jour. OK, ça fait plaisir. Donc, pour Torchlight 2? Torchlight 2... Tu cotes présentement? Non, je vais me retenir. Je n'ai pas joué assez longtemps. Non. Mais t'as aimé, là. Oui, je regrette pas de l'avoir précommandé. Parfait. Ça m'a donné le goût de dire « Ah ouais, grouille », tu sais. Sors-les. Parfait. Parce qu'à un moment donné, on va peut-être se tanner, soit tard, ça veut pas dire qu'on va faire un autre abonnement ou je sais pas ce qui va se passer. Là. GW2 aussi, là. Ça achève, là. Nous autres, notre abonnement finit le mois prochain. Exact. Fait que ça va être de décider, on se reprend-tu un autre 6 mois? Ou on le retend plus tard, puis qu'on va peut-être se faire dire, ben revenez nous voir, puis on vous donne un mois gratuit. Oui, c'est ça. Écoute, moi, ce que je peux dire, c'est que tu sais qu'il va peut-être avoir d'autres MMO que je vais devoir essayer. Mm-hmm. Aussi, il y a Guild Wars 2 que tu m'as acheté. Oui, et que tu vas vouloir jouer. Écoute, oui. C'est ça. Oui. Et moi, je vais peut-être, tu sais, Torchlight 2 va sortir, je vais peut-être m'en aller là-dessus pour... Mais quand il va sortir. Mm-hmm. Fait qu'il y a d'autres jeux à essayer aussi, il y a d'autres choses à faire. Il y a le nouveau Ghost Recon qui vient de sortir, que je sais que tout le monde va en avoir fait pas mal la critique c'est au mois prochain, mais je vais probablement faire ma critique moi-même de ce jeu-là, parce que on jouait ça en couple. Quand j'ai acheté la Xbox, le premier Ghost Recon Advanced Warfighter venait avec. Mm-hmm. Puis Yannick, elle jouait à des Tetris, puis elle jouait à des jeux plus de tête. Puis à un moment donné, on s'est mis à jouer à Ghost Recon, elle trippait. Puis après ça, elle me demandait, ça tente-tu de jouer à Ghost Recon à soir? Ça tente-tu de jouer à Ghost Recon à soir? Tcha-ching! Puis là, c'était le fun. Fait que, puis le 2 est sorti, on le jouait aussi comme ça. Fait que là, le nouveau, je vais probablement l'acheter. Je vais probablement commencer à le jouer un peu pour comprendre la mécanique de jeu et tout ça. Puis après ça, on va se mettre à jouer à 2 encore. Fait que probablement que ma prochaine critique du mois prochain, ça va être le nouveau Ghost Recon qui, selon tout ce que j'ai entendu présentement, est excellent. Okay. Fait que, tu sais, il y a d'autres jeux que ça à un moment donné. Ben, c'est ça. Puis, c'est sûr, j'aimerais amener mon Jedi au niveau 50. Je suis rendu au niveau 30. Ou comme ton site aussi. Puis le site, on est rendu à 25 ou 20, quelque chose autour de ça. Mais dis-toi une chose, c'est que tant qu'on se fait pas pirater notre compte, c'est ça. On peut le mettre en attente et un jour y retourner. Ils vont peut-être faire une autre mise à jour 1.3, 1.4 pour dire ben regardez maintenant on rajoute ça et là, ouais. Ça va peut-être nous inciter pour dire bon ben on se trouve dans une vague creuse où ce qu'on a vu ce qu'on avait à voir et qu'on va y retourner. Il n'y a pas de limite là-dessus là. Non, peut-être l'hiver prochain quelque chose comme ça. C'est ça. L'avenir nous le dira. C'est slow. Donc on va passer à la dernière partie. Du podcast, on va aller côté cinéma. On va commencer avec The Avengers. The Avengers, ou pour au Québec, Avengers, le film, sorti le 4 mai 2012, ça dure 142 minutes, qui est à peu près 2h38. Le coût de production était de 220 millions. Oui, c'est 220 millions à faire. D'accord. En date de dernièrement, ils ont amassé 1 milliard 200 millions. de profit avec le film. Fait qu'il est sorti le 4 mai, ça fait 3 semaines aujourd'hui que le film est sorti. 1 milliard 200 millions, fait qu'ils sont à 20 millions de faire 1 milliard de profit, tu sais, sur le film, qui est pas pire. Mais que Simon a très bien contribué en y allant 3 fois. En allant le voir 3 fois. fait que aucune surprise à savoir que le deuxième a déjà été planifié et ils travaillent déjà dessus. Ils n'ont pas tellement le choix parce qu'ils veulent sortir Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, puis peut-être un nouveau Hulk, j'imaginerais, avec la performance de Mark Ruffalo puis de Hulk dans ce film-là. Je verrais un nouveau film de Hulk tout seul. En étant plus... Sa performance est... Pour, sa pour performance, moi, c'est le meilleur des Bruce Banner à date. OK. Si tu regardes les deux derniers Hulk, c'est lui qui fait la meilleure job. L'animation de Hulk, ça, oui. Ouais, mais même le personnage, on va en reparler, on va rentrer dans le je suis pas rendu là encore. le film est réalisé par Joss Whedon. Joss Whedon, c'est un vrai geek, un vrai malade de comic book, un vrai gars qui trippe sur les comic books. Pas le genre à s'acheter un comic book, le mettre dans un petit plastique, puis le mettre dans une boîte, puis dire un jour ça va valoir quelque chose. Un gars qui va s'acheter des comic books, qui le roule, qui le met dans sa poche en arrière, puis qui va le lire quand il va avoir 2 minutes. Ce que je faisais aussi. Des fois, ces comic books font dur. Fait que c'est un vrai... Joss Whedon, ceux qui sont un peu familiers avec son travail, c'est lui qui est à l'origine de Buffy. OK. Angel, qui est un spin-off de Buffy. Mm-hmm. Puis c'est lui qui a fait la série Firefly aussi. D'accord. Fait que c'est un gars qui est dans la science-fiction. C'est un vrai... qu'est-ce qui joue là-dedans? Ben, on a Robert Downey Jr. qui fait Tony Stark Iron Man. Eh bien, regardons ça. On a Chris Evans qui joue Steve Rogers alias Capitaine America. Mm-hmm. On a Mark Ruffalo qu'on parlait qui joue Bruce Banner et The Hulk. The Hulk étant totalement digital. Mais on voit vraiment le visage de Mark Ruffalo quand on regarde le Hulk. Oui. Il y a vraiment une ressemblance incroyable. Chris Hemsworth qui est Thor. On a... Il y a moi aussi qui le fait, hein? Thor? Ben, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir sur Facebook, là. Quel Avengers vous êtes, là. OK. C'est ça que ça... Ben, je sais que je te dis souvent que t'as tort, mais je pensais pas que tu prenais ça pour du cash. On a la charmante Scarlett Johansson qui fait Natasha Romanoff ou la Veuve Noire. Veuve Noire. Black Widow. On a Tom Hiddleston, que personne probablement connaît, mais qui, d'après moi, est quand même un des meilleurs acteurs du film, qui fait Loki. Qui est excellent là-dedans. Puis on a, bien sûr, Samuel Jackson, qui est Nick Fury, qui est, à mon avis, le pire acteur de la gang dans le film. As-tu mentionné Hawkeye? Non, Hawkeye, ben non, je l'ai pas marqué. Il y a Hawkeye. Je l'ai-tu marqué? Je l'ai pas marqué. Ah ben, get on! Hawkeye, c'est Attends, je vais y aller. C'est quoi son nom? Je vais le trouver. On n'avait pas discuté tantôt qu'il jouait dans Mission Impossible. Ouais, oui, il joue dans Mission Impossible aussi. je vais vous le trouver. C'était ça ma question à moi, de ton auditeur qui t'écoute présentement. Ouais, c'est ça. Ça, si tu ne m'écoutes pas autrement. On va trouver la réponse. Je sais qu'il y a plein de monde qui écoute le podcast. Je dis, c'est lui. Ah ouais, trouve-le, c'est lui. T'es mieux de recevoir un paquet de Twitter, là. Pas présentement, parce que la bonne affaire, c'est qu'on n'est pas en direct. Fait que je passe pas pour un cap en direct, je passe comme un cap en différé. Avengers Wikipédia. Ah ben, notre charmant source. Oui, les Vengeurs. Steve Rogers. J'haïs ça, les sites francophones, ça n'a même pas rapport. Les noms, des fois, ça n'a même pas rapport. J'imagine que c'est ça. Chris Hemsworth, Jeremy Renner. C'est Jeremy Renner. J'avais son nom sur le bout de la langue, mais c'est pas un acteur super connu. Écoute, il a joué dans plusieurs affaires. C'est ça. Ça avait pris du temps avant que tu le sortes. T'avais toute une langue. J'avais chanté langue. Puis il va être le prochain Jason dans Bourne. Le prochain genre Jason Bourne, okay, dans le remake ou le reboot de la série Bourne. Ouais. C'est lui qui va être l'acteur principal là-dedans. D'accord. Il jouait aussi dans Mission Impossible, le Protocole Fantôme. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que Jeremy Renner. On a tout le monde. Qui est Hawkeye. Okay. Il y en a d'autres, mais ils sont moins populaires. Mais moi, je ne le connaissais pas, lui. Il n'a pas fait de film dessus encore. Non, Hawkeye, okay, non. C'est un personnage série B, vraiment. Je veux dire, il tire des flèches. Oui, il est précis, mais... C'est pas un super-héros. C'était pas lui qui avait ressorti parmi, si on veut, justement, les super-héros que les gens ont assez accroché, qui a permis à Marvel de vouloir dire, regarde, on va mettre plus d'accent sur lui, là. Okay. Donc, moi, c'est lui dans l'ombre. C'est comme pour moi aussi, même pour Black Widow, là. Écoute, même s'ils en ont fait, j'ai pas suivi. Non, mais ils ont pas fait de film sur elle. Elle avait son comic, ils ont leur comic book, ils ont toute leur bande dessinée à eux autres. Mm-hmm. Mais à un moment donné, tu peux pas faire des films sur chaque personnage. Puis un film complet sur la Veuve Noire, Black Widow, ça serait plus ou moins intéressant. Ben quoi que c'est. Ouais, ouais, c'est sûr, mais on reviendra en parlant du film, là. D'accord. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il ferait? Je veux dire, si tu regardes dans Avengers, le nombre de gros plans sur ses fesses, quand elle parle à quelqu'un ou quand elle fait quelque chose, est assez énorme. Si tu fais un film de 2 heures sur elle, je veux dire, tu vas voir des fesses tout le long, là. D'accord. Je veux dire, ça serait peut-être moins intéressant. Elle n'a pas de super pouvoir. Elle tire du fusil à un moment donné. C'est une James Bond féminine. Mm. Tu sais, c'est juste, elle n'a pas de super pouvoir. C'est vraiment juste un espionne. Ouais. Fait qu'elle peut se battre, mais c'est pas sa force. Sa force, c'est l'espionnage, l'interrogation, ces choses-là. Ouais. C'est comme Hawkeye, je veux dire, c'est un bon personnage, mais c'est un peu l'équivalent de Green Arrow dans le monde de DC, où ce que, mais Green Arrow est un peu plus populaire. Ouais. Hawkeye, je veux dire, ça l'aidait pas que dans le temps, il y avait un costume mauve et noir. dans le film, ils ont mis un costume noir complet. Mm-hmm. Il est cool comme personnage, il a ses moments forts dans le film aussi. Mais voir un film complet sur lui, moi non. Peut-être d'autres personnes diraient, j'attends un film de Hawkeye depuis que j'ai 3 ans. Ma sœur, justement, là, elle est fan là, des Archers. Donc, elle a vraiment trippé, là. Mais c'est après ça, elle a regardé aussi tard. Et puis là, ben, excusez, mais c'est ça. C'est Hawkeye est parti. Fait que c'est pas un mauvais personnage. Il est super bon dans son rôle dans le film. Il fait une super bonne job. Le personnage dans le film... Bon, au début, il se fait posséder, il est comme sur le bord des méchants. Après ça, bon, plus tard, il redevient bon, puis il veut se venger. Fait qu'il revient avec les Avengers. Fait qu'il a quand même un rôle important dans le film. Mm-hmm. C'est sûr, pour moi, le personnage le plus intéressant, c'est Hulk, qui sort du lot un peu, mm-hmm. parce qu'il est beaucoup... c'est lui qui est ce qu'on appelle le comic relief, là. C'est lui qui va amener... Ouais. Sans vraiment le comparer, c'est un peu le Jar Jar des Avengers. Là. Il est là pour couper un peu la tension, même si d'un côté, c'est lui qui crée la tension en partant, parce que c'est lui que Loki veut utiliser pour briser les Avengers, puis réussir à gagner cette guerre-là. Ouais. Il espère que Hulk va arriver. Puis il va se tourner contre les autres. Puis il va se tourner contre les autres, puis il va perdre le contrôle. Mm-hmm. Parce qu'on est habitué à voir dans tous les autres films de Hulk qui a été fait que Hulk, c'est un personnage incontrôlable. Bruce Banner vire en Hulk, puis il détruit tout. Exact. Tandis qu'il est capable d'avoir un contrôle sur Hulk, puis il est capable de faire des bonnes actions, pas juste tout détruire, puis pas s'apercevoir qui est ses amis, qui est ses ennemis, puis tuer tout ce qui bouge. Fait que je trouve que Hulk a été bien... représenté dans ce film-là. C'est sûr qu'on a les autres. Je veux dire, on peut pas passer à côté de Tony Stark, qui est vraiment le playboy, puis c'est lui qui a les cracks, puis c'est toujours lui qui a les meilleurs one-liners, les meilleures lignes qui va sortir. Je veux dire, j'ai juste une scène avec Loki vers la fin du film où ce que Loki a une espèce de bâton avec un bâton qui a le pouvoir, puis quand il touche un être humain sur le cœur avec ce bâton-là, ça corrompt l'être humain, puis ça le rend comme un bot qui est contrôlé par, par la volonté de Loki. Puis, il corrompt plusieurs personnes, dont Hawkeye, avec ça. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, il arrive à Tony Stark, puis il tape là-dessus, puis là, on entend juste « ting ». Parce que Tony Stark, il a son module qui empêche les morceaux de métal d'aller dans son cœur, qui le maintient en vie. Puis là, il cogne, il fait « ting ». Puis là, Loki, il le regarde comme « d'habitude, ça marche ». Puis là, Tony Stark, il le regarde, puis il dit « mais tu sais, ça arrive à peu près à 5% des hommes, que ça marche pas toujours. La craque est incroyablement bien placée. Puis les enfants la comprendront pas, mais les adultes, on est tous « yes, sir ». C'est tellement bien placé comme joke. Fait que il est vraiment il est encore le personnage principal du film. Je veux dire, t'as pas le choix, c'est l'acteur le mieux payé de la distribution, puis c'est lui qui drive le film. Puis à chaque fois qu'il rentre dans, je veux dire, Iron Man, pour moi c'était comme pas un personnage de bande dessinée que j'aimais avant que les films sortent. Je trouvais qu'il était cool, mais je tripais pas dessus. Mais juste la manière qu'il a été traité dans les films, je veux dire, il rentre dans une scène, t'as la grosse musique des AC/DC qui rentre, puis là, il fait son entrée. Il fait son entrée, puis bing, bing, bing, bing, bing. C'est la place est claire, il n'y a plus de méchants, puis bang, je suis là. C'est vraiment... Il est vraiment badass là, dans les films. C'est vraiment, vraiment hot. Puis c'est pareil dans The Avengers. À un moment donné, tu t'entends pas, mais pas en tout, qui arrive. Puis à un moment donné, la grosse musique des AC/DC, puis là, tu vois Iron Man descendre du ciel, puis bang, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis arrivé, tu sais. Mm. Puis c'est un virage total avec le Iron Man qu'on connaît dans deux films qui le présente lui. C'est qu'il veut rien savoir de travailler en équipe. Puis dans Avengers, ils réussissent à le convaincre à faire partie de l'équipe. Puis là, il arrive, le man dit, OK, ouais, il met son ego de côté, puis il travaille en équipe. Fait que je trouve que c'est vraiment... Puis, je veux dire, je regarde les acteurs, il n'y a pas personne que je peux trouver qui aurait fait une meilleure job que Robert Downey Jr. Ah, il a la face de Tony Stark. Mm-hmm. Il représente Tony Stark. Ah, ouais. Puis si... Puis je regarde la face, puis même si un jour il ferait un film de Doctor Strange, je verrais lui comme étant Doctor Strange aussi, le magicien. Oui. Parce qu'ils ont à peu près le même visage. Oui. Là. Fait que si jamais ils font un film de Doctor Strange, Marvel... Vous avez besoin de prendre Tony Stark, de prendre Robert Downey Jr. Il est trop pareil. Mais il serait bon aussi. Il serait bon parce qu'il est cocky. Je veux dire, j'aime beaucoup Robert Downey Jr. dans Sherlock dans Holmes. Dans ses films aussi. Mais dans Sherlock Holmes, il est bon. Mais dans Iron Man, il a tout pour être le parfait Tony Stark. Il est vraiment incroyable. Puis dans Avengers, c'est même comme une coche au-dessus. Il est comme il perce tout le temps l'écran, il y a tout le temps les petites craques, et tu sais, mais selon chaque scène, avant de tourner chaque scène, je crois qu'il y avait des oui-dire sur le scénario, ce que j'avais réussi à lire là. Il avait son mot à dire. Mais ça a sorti presque parfait. Il y a des bonnes craques comme Chris Evans qui fait Captain America. Lui, je le trouve à l'écart, lui. Ouais. Mais c'est son personnage. C'est un personnage qui date, je veux dire, il vient des années 40. Tu l'amènes dans le monde actuel. Mm-hmm. Puis même, quand Nick Fury arrive pour venir le chercher, il dit, je me suis ramassé gelé dans les années 40. Je me fais dégeler, j'arrive dans le monde actuel. On me dit qu'on a gagné la guerre, mais qu'est-ce qu'on a perdu pour gagner cette guerre-là? Il dit... T'sais, le monde a complètement changé. Puis il embarque dans l'équipe parce que, je veux dire, il tient à son pays. C'est un armée. C'est un vrai soldat. C'est le seul vrai soldat de la gang. C'est un soldat de formation. Puis, ben, il a voulu toujours être dans l'armée. Quand tu regardes le premier Captain America, bon, puis là, il se fait remplacer. Puis tout, mais c'est un soldat. Ouais. Puis, mais il est comme reculé. Il est comme. Il croit ce que son boss il dit, ce que son supérieur il dit, parce qu'il a été formé comme ça. Puis les autres sont tous en train de douter que Nick Fury peut-être qu'il cache des affaires. Tu sais, Mané dit ses secrets ont des secrets, tu sais, tellement que c'est profond son affaire. Puis mais lui il veut voir que Nick Fury a raison, puis il veut pas creuser trop creux. À un moment donné il décide qu'il part, puis il va chercher réponse. Là. Mais, oui, parce qu'on dirait que c'est le symbole de l'honnêteté pure. C'est ça. Il est drette comme ça, puis il veut pas froisser nécessairement personne. Mais il y a une couple de scènes où ce qui se pogne avec Iron Man, Robert Downey Jr., tu sais, Tony Stark. Ouais, mets ton armure. Il est comme, mets ton armure, on va voir. Sans armure, t'es rien. T'es quoi, toi, sans armure? Puis c'est un autre crack super le fun de Tony Stark qui dit, playboy, millionnaire, génie. C'est ça. Tu veux quoi, d'autre chose, tu sais? Puis quand il dit, ben toi, si t'avais pas eu une petite piqûre. Puis dis-toi, tout ce que t'es, c'est dans une petite bouteille, tu sais. Les cracks sont incroyables. Mike Ruffalo qui fait, d'après moi, comme je te dis, le meilleur Bruce Banner. Tu le regardes, il a l'air d'un gars intelligent, il a pas l'air, tu sais, d'une cruche, il a l'air d'un gars qui sait de quoi qu'il parle. C'est pas le type. L'acteur beau était toi? Ouais, c'est ça, ou tu sais, gros musclé déjà d'avance, ou tu sais, il a l'air d'un gars bien ordinaire. Ben peut-être trop, il a de l'air, pour moi, écoute, comme je te dis, tu le regardes, puis il a de l'air, oui, réservé, parce qu'il a une collant qui a de la misère à contrôler, puis tout, mais je sais pas, il est réclus, puis il joue avec ses mains, puis là, c'est genre, tiens, caméra est sur toi, fait que c'est à toi. C'est pas comme un extra, je comme, mais écoute, c'est sûr que je peux pas comparer à Robert Downey, mais non, c'est pas nécessairement la même qualité d'acteur. Il vient pas me chercher. Mais moi, j'ai trouvé vraiment qu'il représentait bien Bruce Banner. Un gars intelligent, un gars qui est réservé, un gars qui fait sa petite affaire, il veut pas attirer l'attention parce qu'il veut pas justement que l'autre gars sorte puis vienne prendre la place. Fait que j'ai trouvé que pour moi, s'il y a un film de Hulk à être fait, ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils prennent lui. Ils n'ont pas le choix de lui donner sa chance puis de driver le film. Puis même de la manière que Hulk a été présenté dans ce film-là, ils ont presque pas le choix de prendre une chance puis d'y donner un autre film. Faire un troisième reboot ou un redémarrage de Hulk. Ah non. Ouais, mais là, ils ont Hulk presque contrôlé. Pas le choix. Hein? Un Hulk qui a le contrôle. Pas un Hulk qui se contrôle pas, là. Qui détruit tout, puis qui s'en va, puis qui est comme, tu sais, juste une bête féroce qui détruit tout son passage. Vraiment un Hulk qui peut faire des peut-être plus de choix ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, moi, je verrais un autre film. OK. Non, je préférerais de revoir un autre Avengers avec encore Hulk. Ouais. Ça me dérange pas pour dire, OK, ça fait partie. Parce qu'il faut pas oublier qu'Avengers, ils ont sélectionné ces personnages-là. Mais en réalité aussi, il y avait d'autres, si on regarde l'histoire des... Écoute, il y en avait un petit paquet. Là. Mais le problème que tu as aussi, c'est les droits. T'sais, Spider-Man appartient à Sony. Les 4 Fantastiques, puis les X-Men appartiennent à Fox. Fait que là, tu peux pas. Puis Marvel, ils ont réussi à avoir les droits de. Tu sais, puis garder les droits de Captain America, puis les autres. Comme The Wasp, je crois. Ouais, c'est parce que j'imagine que c'est des personnages trop. Peut-être trop. Trop méconnus. Trop inconnus. Comme on disait, la veuve noire qui a été mise, on n'a pas vraiment suivi, accroché. Puis les autres se sont fiés vraiment vers lesquels comics ont fait de l'impact. C'est ça. Parce que je verrais Avengers avec les 4 Fantastiques aussi, à un certain moment, contre Galactus. Mais ça, ça n'arrivera pas. Ou en tout cas, ce qu'on peut voir de ce qu'on a pu parler de la fin, tantôt, qu'on pourrait en jaser. Là. Mais pourquoi tu dis que ça n'arriverait pas à cause de ces droits-là, justement? À cause des droits. Ben, ça, c'est quelque chose que je trouverais vrai, qui devrait faire une association, peut-être, pour ce bémol-là, parce que j'aurais aimé ça voir Captain America et la Torche, qui se trouvent être le même personnage. Le même acteur. Le même acteur, hein? Ben, ça pourrait se faire en tour de passe-passe, en faisant que la Torche est toujours allumée. Mm-hmm. Il est toujours la Torche quand il est là. Puis il redevient jamais son pendant humain. Là. Ouais, ou même humain. Je veux dire, si les seins sont coupés, regarde. Ça aurait été drôle. Mais ça arrivera pas justement à cause des questions de droits. D'après moi, ça va rester des univers qui vont être séparés. Fait que juste pour dire, c'est vrai que moi aussi, je suis d'accord, Hulk met de l'humour, fait l'ensemble, mais on dirait que dans tout le film, j'ai l'impression qu'il y a de l'humour un peu partout, puis ça rit. On est au cinéma, écoute, ça rit beaucoup, on se le cache pas. Le film est bon, là, parce que t'as un mélange d'action, t'as un mélange, des fois, écoute, il y a du sérieux, Mais ouais. Du moment qu'il regarde, écoute, la mise justement de Captain America qui se dit hey, écoute, mon supérieur, là, il semble pas trop être correct. Là, je vais prendre le temps d'investiguer. Fait que là, t'as de la partie sérieuse, puis là, t'as de l'humour. Écoute, le mélange est explosif. Là. C'est ça. Puis là, les égos incroyables entre chaque personnage, Thor, puis qui veut ramasser Loki, puis le ramener chez eux, ouais. Parce que c'est un Asgardien, puis ouais. Il devrait retourner à Asgard pour se faire juger. Ouais. Puis ramener aussi, je me rappelle pas comment ça s'appelle, l'espèce de cube, là. Le Tesseract. Le Tesseract, le ramener là-bas parce que ça va dans leur monde. Puis, fait Thor, à un moment donné, vient enlever Loki, l'amène, puis là, t'as une autre scène qui est écœurante, parce que Loki parle avec Thor, puis il dit, tu vas m'écouter, puis là, Iron Man arrive, puis te ramasse Thor, puis là, Loki est là, comme sur le top de la colline, il dit, j'écoute. Mais Thor est rendu à l'autre bout, en train de se battre contre Iron Man, puis là, Loki est comme en haut, il regarde ça, puis c'est comme, il attend, là, c'est comme, ok, mais là, je suis là, il s'assoit, puis là, il est comme, ben là, Battez-vous. Juste ça, t'sais. Quand il est aussi la passe qu'il dit « touchez pas mon frère » et tout ça, oh, ouais, parce il dit « ben écoute, il a tué 80 personnes » puis il est adopté. Puis ça, il y a eu une plainte faite aux États-Unis par un regroupement ou un genre d'enfant adopté qui a dit à Marvel « vous devriez enlever ça du film parce que ça donne une mauvaise image des enfants adoptés quand c'est une joke ». Ah oui. Ça veut pas dire que tous les enfants adoptés sont pas fins. Ben, c'est une joke, c'était pour. Est-ce que les enfants adoptés viennent d'Asgard? Ben, probablement ben, pas, non. Et voilà. Ben, je pense pas qu'Asgard, ça existe, de toute façon. Ben... Mais la blague est super. Ben, la blague est super bien placée. Moi, je l'ai trouvé drôle. Fait que c'est comme, tu sais, Thor est là. Il est adopté. Ben, écoute, il essaie de se trouver une raison. J'étais tout seul à rire. Enfin, je fais oups. C'est comme la meilleure craque qu'il pouvait pousser parce que Thor, c'est pas un personnage drôle en partant. C'est un personnage sérieux. C'est un demi-dieu. T'sais. Ouais. Fait que c'est. Déjà d'en voir une de lui, c'était déjà pas pire. Mais ça, fait que Chris Hemsworth, il a pas grand chose à dire sur lui. Je veux dire, Thor, il l'a bien. Il était correct. Il fait un bon Thor. Il a le look, ça marche bien. Il est plausible. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que chaque personnage a leur scène, ils ont leur moment dans le film. T'sais, c'est chacun leur tour de montrer qu'ils sont capables, sont forts, ils ont leur raison d'être là. Captain America, la meilleure passe, c'est avec les policiers quand ouais. Il dit faites ça, allez là, fermez la rue là. Puis le policier le regarde et il dit pourquoi je ferais ça? T'es pourquoi qui, je t'écouterais? Toi? Pourquoi je t'écouterais? Ouais. Puis là, il arrive 3-4 méchants alentour, puis il dit tout d'un coup, puis la police, elle s'en va, machin, elle dit, OK, là, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Il redit exactement ce que le capitaine y a dit. Ouais. C'est là qu'on voit que, puis c'est aussi probablement une bonne manière dans ce film-là de montrer le caractère de Captain America, ouais. De montrer que dans l'univers de Marvel, c'est lui. Un symbole. C'est lui le chef, c'est lui ouais. le leader. C'est lui qui est vu comme étant. La personne qui va diriger les opérations en place, puis que ce tout le monde est d'accord. Ce qu'il a fait aussi avec les Avengers. Parce qu'à un certain moment, c'est lui qui donne les ordres. Ouais, puis on décide de s'assembler ensemble, Avengers Assemble. C'est ça. Mais après ça, il dit, bon, ben toi, tu t'en vas là. C'est là qu'il dit à Hulk, il dit, garde, smash. Smash, tu sais, c'est pas grand-chose. Puis Hulk part, puis il smash. Il fait un sourire, on va dire, enfin, tu me donnes le feu vert. Le feu vert. Ouais. Et voilà. C'est, fait que c'est ça. Il y a aussi, pour moi, je veux dire, comme je disais tantôt, Tony Stark est super bon. Ouais. Robert Downey Jr. est incroyable. Mais il faut donner Tom Hiddleston qui fait Loki. Là. C'est-à-dire, Loki là-dedans. Dans le premier film, Loki, c'est un loser. Loki, il se fait bardasser. Loki, il perd tout. Il se ramasse banni ailleurs. Puis là, tu te dis, OK, c'est pas fort comme personnage. C'était pas super fort comme méchant. Même si t'avais l'espèce de gros robot qui venait d'Asgard, qui essayait de détruire la Terre, puis tout le kit, c'est surtout lui le gros méchant, puis Loki qui tire les ficelles. Mais Loki était pas un méchant si effroyable que ça. Mais, mais dans Avengers, il a l'affaire. Là. Je veux dire, juste l'acting du gars, la manière que le gars joue le personnage. Là. Il y a une scène où il est en cage, il est enfermé, puis il a la tête basse, puis c'est comme... On dirait qu'il attend quelque chose, là. Puis là, juste là, c'est la première fois où Hulk ou Bruce Banner se change en Hulk. Tu l'entends rugir. Tu vois Loki dans son espèce de cage. Et voilà, il fait juste se lever la tête un peu. Puis là, tu vois le sourire d'en face. Là, il y a un sourire à Joker. Hein. Un espèce de sourire. Il y a une espèce de bouche à la Joker. Ouais, mais c'était comme ça dans les comics aussi. Ouais, mais il t'a une espèce de sourire. Puis là, il a l'air vraiment... Il est dans son méchant, rôle, là. Ouais, dément, là. Puis tout le long du film, je veux dire, il est jamais trop... Il est jamais pas assez. Il est toujours juste. C'est calculé. Il est toujours drette dans son personnage. Ben oui. Il est vraiment écœurant. Écoute, c'est un des dieux de la déception. Non. Donc, il va t'amener où c'est que tu... Toi, où c'est que tu crois, mais c'est lui qui t'amène exactement où c'est que tu veux. Puis, où c'est que lui veut, excuse-moi. Puis, une des meilleures scènes, c'est la scène entre lui puis Black Widow. Ouais. Où ce que... Lui, c'est un maître de la déception. Ouais. Puis elle, c'est une maître de l'interrogation. Ça a été toute une passe. Puis là, il se parle. Puis là, t'as l'impression vraiment qu'il est en train de la ramasser. Il est en train de la détruire. Ah, ouais. Puis il est en train de mettre à jour le fait qu'elle aime Hawkeye. Ouais. Puis qu'elle l'a sauvé. Puis qu'il y a une espèce de relation amoureuse. Puis elle a dit non. Elle dit l'amour, c'est pour les enfants. Je peux pas me permettre ça. Puis là, elle commence à y conter son histoire. Puis elle se trouve à lui. Puis là, lui, il rentre dedans. Puis là, il est capable de voir plus loin aussi, là. Oh, oui. Cabane dans le sang, puis tout. Puis là, il dit, je vais le libérer. Il dit, mais je vais le faire te tuer avant. Puis un coup qui va t'avoir tué, je vais le libérer de son emprise que j'ai sur lui. Pour qu'il puisse te voir. Puis pendant qu'il va te pleurer, puis qu'il va crier du fait qu'il t'a tué, je vais y ouvrir la tête, puis je vais l'achever. Puis là, tu vois comme Scarlett est comme... Traumatisée. Black Widow, elle dit, ça a comme pas d'allure, là. Puis, un moment donné, elle s'en va, puis là, tu vois qu'elle a l'air détruite, puis là, il révèle que... Tu es un monstre. Tu es un monstre, puis il dit, comme parlant de monstre, vous allez en voir un vrai. C'est pas moi le monstre. Puis c'est là qu'il clique que son plan, c'est de déchaîner Hulk pour qu'il mette la base à terre, puis tout. Puis là, elle se revient d'abord, puis elle a le gros sourire dans la face en disant, merci, puis elle s'en va, tu sais. Ouais, elle dit, oh, c'est là pour M. Banner, là. Fait qu'elle manipulait, ouais. Mais tout le long, tu penses que c'est le contraire. Total, ouais. Fait que c'est des scènes fortes de même dans tout le film qui font, tu sais, des petites scènes entre le bon puis le méchant, puis les meilleures scènes, souvent, Loki, il est dedans. La scène avec Hulk, à la fin, je veux dire. Ben là, c'est... Non, ça, là, il faut pas c'est, dire, là. Ben, a été dit partout, mais c'est OK, on n'en parlera pas. Allez voir le film, puis vous allez le voir. Là. Mais il y a une scène entre Hulk et Loki vers la fin du film. C'est à se pisser dessus, là. C'est incroyablement comique. Puis c'est pas... La scène s'en va pas là, pas en tout. T'as pas l'impression que c'est ça qui va se passer. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que beaucoup de bonnes scènes. Avec l'acteur. Ouais. Tom Hiddleston, il est dedans en tant que Loki, là. Puis je veux dire, il est écœurant dans son rôle, là. Fait que vraiment, chapeau. C'est après probablement Robert Downey Jr., j'y donnerais la deuxième place dans ce film-là. Ouais. Parce qu'il est vraiment solide, là. Puis il est supposé revenir pour rejouer Loki encore dans le prochain Thor. Parce qu'il va être dans le prochain Thor. Probablement que c'est puis pas lui. Pour l'Avengers 2? Je penserais pas. Parce que il y a des rumeurs que dans Thor 2, il va revenir avec son frère pour combattre un plus gros méchant. Okay. Fait qu'il va comme revenir du bon côté pour combattre un méchant plus gros. On devrait le voir aussi parce que si on parle, je sais pas où est-ce que t'es rendu, mais si on parle dans le fond de la fin, écoute, lui il s'est fait donner son sceptre par mm-hmm. quelqu'un. Mm-hmm. Donc il doit quand même avoir un rôle, tu sais, pour se faire dans le fond punir d'avoir échoué. Peut-être. Tu comprends? Mais peut-être qu'on va voir ça dans Thor. Ça peut être aussi bref, là. Ah oui, encore. Ils vont peut-être mettre la table dans Thor. Je ne sais pas, ouais. Mais il est tellement bon comme acteur, je le prendrais dans le prochain Avengers. En tant que peut-être qu'allié plus que méchant, ça va dépendre comment est-ce qu'ils vont vouloir jouer le personnage. Mais Joss Whedon, il est pas mal marié au comic book. Là. Il suit pas mal l'histoire des comic books. Okay. Fait que... Je veux dire, il est assez solide. Fait qu'il n'ira pas décider sur un coup de tête de le plus grand méchant que l'univers a connu, tout d'un coup va venir bon juste parce que ça va servir mon histoire. Il va suivre pas mal les comic books pour que ça aide l'allure. Ben, en tout cas, donc si on suit ce que je pense, ça va vraiment péter encore plus. Parce que dans le prochain, oui. si, en tout cas, ça, je te disais que je parlais des quatre fantastiques là, qui vont peut-être arriver parce que, écoute, si ça s'en va aussi, que je pense, parce que là, comme je te dis, on peut peut-être en parler, mais toi, tu as écouté le film jusqu'à la fin. Oui, oui, la fin avec. Il y a deux fins. Il y a trois fins. Il y a la fin où ce que, bon, ben, c'est les Avengers gagnent, c'est la fin, c'est ça. Et après ça, tu as les crédits. Mm-hmm. Chez Marvel, faut toujours que tu restes assis jusqu'à temps que les lumières se rallument puis qu'il n'y ait plus rien affiché à l'écran parce qu'il y a toujours des petits Easter eggs qu'on appelle, ouais. Des petits œufs de Pâques. Fait que dans ça, c'est pas, ça fait pas changement. On voit le méchant du prochain, mm-hmm. qui est Thanos, qui va être le méchant ultime. Fait que y en a qui, puis c'est une réaction normale quand Nick l'a vu, a dit c'est Red Skull, c'est Crâne Rouge. Il ressemble un peu, ouais. Mais... Les gens ont associé aussi à Galactus. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait non. C'est des personnages qui se ressemblent, là. Fait que c'est ça. Ça va être lui le méchant du prochain film. Puis si vous restez encore, il y a une scène où ce qui se passe presque rien. C'est juste drôle. T'es resté, j'imagine? Oui. La scène du restaurant. Ils vont manger au restaurant. Où ce qu'ils vont manger au restaurant, où ce qu'ils ont l'air crevés, ils ont l'air écœurés. Ils veulent plus rien savoir, ça se parle même pas. Il n'y a pas un mot qui se dit. La seule action qu'il y a, c'est le monde en arrière qui nettoie le restaurant. Surprenant que le restaurant ne soit pas fait détruire pendant la, pendant la tough, guerre. Mais fait que c'est la dernière scène, là, mais c'est comme juste du bonbon là, parce qu'il ne se passe absolument rien dans ce film-là. Parce que Iron Man avait spécifié qu'il voulait aller manger là. Il veut aller manger là. Fait qu'ils s'en vont manger là. Ils s'en vont manger là. C'est une belle récompense. Là. Ils ont travaillé fort. Non, ils ont travaillé pas mal fort. Mais si on revient à Thanos... Oui. S'il planifie vraiment de faire Avengers 2 avec lui comme étant l'entité à battre, je sais pas si tu avais lu aussi les histoires de Thanos dans le temps. Pas vraiment. Ok, moi oui. Écoute, puis il est fort. Je sais qu'il est fort. Écoute, pas fort, le mot est faible. Ok, puis je vois deux sorties dans le fond. Et s'ils s'en vont vers la sortie que moi j'aimerais bien. Écoute, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils vont pouvoir amener ça. Puis c'est là que tu me disais que les droits vont peut-être empêcher ça. Parce qu'il faudrait avoir vraiment... Tout le monde. Écoute, Champions Online, là, le MMO, là, il faudrait avoir tout le monde. Là. Parce que avec le gantelet de l'infini, de l'infini là, que chaque joyau permet d'avoir un contrôle sur le temps, sur les âmes, sur la réalité. Écoute, il est devenu aussi fort qu'un dieu. Et puis, là aussi, il y avait une aventure avec la mort elle-même. Mm-hmm. Mais en tout cas, fait qu'écoute, s'ils s'en vont vers ce côté-là, c'est impensable. Là. Parce que justement, là, ils vont recruter tellement de monde. Écoute, c'est peut-être là qu'on va voir les personnages obscurs. Tu sais, Wasp, Ant-Man, tu sais, voir des personnages... Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Ils n'auront peut-être pas le choix. Mais c'est sûr qu'avec, en voyant ça, comme quoi que lui se montre, c'est sûr qu'ils vont faire un 2, là. Oh, oui, c'est certain. Puis avec le fait qu'ils ont fait... ailleurs. Tu sais, avec le fait qu'ils ont fait 1 milliard avec le film, tu sais, ils sont pas fous, là. Ils savent que s'ils en font un deuxième, ils vont faire au moins la même chose. Ah, mais peut-être quoi, même plus... C'est pas un chef-d'œuvre à la Avatar, mais c'est un chef-d'œuvre en soi pour dire, regarde, chapeau, là, moi, vraiment, ils m'ont impressionné. Là. Bon, ouais, c'est excellent. Là. C'est votre film à voir de l'été. Oh, ouais. Pour l'instant, c'est sûr, il va y avoir Batman qui va sortir, il va y avoir Spider-Man qui va sortir cette année. Donc, je vais le voir. Mais. C'est sûr. Vacances. Avengers, pour l'instant, là, c'est le film à voir cet été. Oui, monsieur. Si vous l'avez pas encore vu, faites une pause. Allez, on aurait dû le dire avant. Hein? Allez voir le film, puis revenez plus tard. c'est vraiment à voir. On avait toutes nos petites craintes à savoir ce qu'elle allait faire. Parce qu'à part les Iron Man, je disais, Captain America, c'est bon, mais c'est pas incroyablement bon. Thor, c'est pas si pire, mais c'est pas encore incroyablement bon. C'était des introductions pour qu'on puisse les connaître un peu plus. C'est ça. Mais tu sais, j'avais peur que... C'était un gros morceau à faire, là, les Avengers. Oui. Il aurait pu se planter solide. Ouais. Puis, il est sorti de là, haut la main, chapeau. Bel job. Puis, tour du chapeau. Puis, j'espère qu'ils vont reprendre le même gars pour faire le prochain. Réalisateur? Oui, Joss Whedon. Là, moi, je le signais. Disney a déjà une option pour que Joss Whedon soit le producteur puis le directeur du prochain film. Okay. Fait que je suis sûr, certains qui vont dire, regarde, signe en bas ici, t'as combien tu veux. puis fais-nous un autre chef-d'œuvre de même, là, voilà. À un milliard de profit, là, ça met de l'argent dans les coffres pour faire des autres films un peu moins splendides, mm-hmm. comme Les Pirates, là. La Belle et le Clochard 4, ou c'est un affaire de même. Pirates pour les nuls. Ouais, Pirates pour les nuls. Ouais. On n'en parlera pas de celui-là. Ah oh, non, écoute. Mais amenez pas vos enfants à voir ça, ça a l'air que c'est extrêmement poche. Ni les enfants des autres. Ni les enfants des autres. Donc, dernière critique de la soirée. Parler d'un deuxième film que moi et Yannick on est allé voir dans la même journée qui est Battleship ou Bataille Navale, sorti 18 mai 2012, donc vendredi passé. C'est ça. On enregistre le podcast vendredi, mais c'est vendredi d'avant. Durée 131 passablement longues minutes. Coût de production 209 millions. A amassé dans sa première semaine 243 millions. Fait que le film a fait ses frais. Le film est dirigé par un imbécile, Peter Berg. Ça va bien. Oui, je vais expliquer pourquoi. Monsieur Berg a décidé d'aller faire la promotion de son film en Israël. En Israël, où on sait qu'il y a un conflit entre Israéliens et Palestiniens. Puis l'Iran. Monsieur Berg a décidé, pendant une entrevue avec un jeune reporter d'une émission de télé, de lui dire que les Israéliens devraient attaquer l'Iran tout de suite, puis pas leur laisser le temps de développer la bombe nucléaire, puis que oui, il allait avoir beaucoup d'Israéliens qui allaient mourir, mais comme dans le film Battleship, il a ramené ça d'une manière totalement stupide, que des fois, faut avoir des pertes pour gagner sur la méchanceté ultime, qui est les extraterrestres dans le film. Il a même été dire à la personne qui faisait l'entrevue, quel âge que t'as toi? Le gars il a dit qu'il était dans vingtaine, puis il a dit moi être gentil, mais toi espèce de salopard, tu devrais être dans l'armée, tu devrais aller t'enrôler tout de suite. Sans connaître le gars réellement. Oui, mais ce que je veux dire c'est que t'es sûr que c'est pas des blagues? Non. C'est pas la Sarah. C'était une vraie entrevue. Puis ça a été diffusé à la télévision là-bas. Ça a été repris dans des radios ici. J'ai entendu ça ailleurs. Puis c'est vraiment, vraiment dans l'entrevue. Puis pour apprendre après que... Parce qu'en Israël, le service militaire est obligatoire. OK. Comme dans beaucoup de pays comme aussi. Comme aux États-Unis avant. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais aux États-Unis avant, c'était comme ça. Puis la raison pourquoi le gars n'a pas pu être dans l'armée, c'est qu'il y avait une condition médicale. Fait que, tu sais, il a pas fait ses recherches. Fait que, donc, pour moi, Peter Berg, c'est un imbécile. Ah. D'accord. Ben, je pense que c'est clair. Fait que c'est ça. Donc, mais, dans ce film-là, il y a quelques acteurs, dont Taylor Kitsch. Quand ton nom est Kitsch, j'imagine que ça veut dire quelque chose. Qui joue le lieutenant Alex Hopper. Alexander Skarsgård, qui joue Stone Hopper, le frère de l'autre. Il y a la chanteuse Rihanna. qui fait le second maître Cora Rankus, qui est finalement quelqu'un qui s'occupe des fusils sur le gros bateau. Brooklyn Decker qui fait Samantha Shane. Et puis, Black and Decker. C'est ça. Puis on a Liam Neeson qui fait Amiral Kane, qui est le père de Samantha, qui est la blonde de Alex Hopper. Ok, ça va loin, là. Oui. Liam Neeson, là-dedans, a un rôle très, très minime. On le voit un peu au début. Il meurt. Puis on le voit à la fin. Non, il meurt pas, mais il est comme... on va l'expliquer un peu dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'en 2005, si je me rappelle bien, la NASA commence un projet qui est de trouver une planète habitable ou une planète similaire à la Terre. Il envoie une espèce de signal dans l'espace après avoir justement trouvé une planète qui ressemble à la Terre, la même espèce de distance du Soleil, de l'eau, capable de maintenir la vie. Oh oui. Il envoie un signal et puis ça s'en va dans l'espace puis on n'en entend plus parler. Plusieurs années plus tard, on s'aperçoit que les extraterrestres ont reçu l'appel. J'imagine que les frais de longue distance devaient être bien hauts parce qu'ils viennent nous attaquer, j'imagine. Ah, je pensais qu'ils étaient abonnés à Rogers. Ben, je sais pas. Ben, peut-être que ça coûte encore plus cher. Mais c'est ça. Fait qu'on s'aperçoit que les extraterrestres s'en viennent sur la Terre pour nous rendre visite. Fait que là, bon, on a la petite histoire un peu à l'eau de rose de Alex Hopper, qui est un gars qui a aucun but dans la vie. Il n'a pas de job, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Il est toujours au bar, il boit toujours, il cruise tout ce qui bouge. Son frère Stone Hopper, qui est un capitaine de bateau de la marine américaine, il est capitaine sur un destroyer, il est bien placé, c'est un gars d'armée. Là. Okay. Quelque moment donné, il se passe de quoi dans vie à son frère, puis il dit, je suis tanné, il dit, tu me fais honte. Tu es en train de me donner un mauvais nom dans Marine. Tu t'en viens avec moi, tu vas rentrer dans Marine, tu vas devenir un soldat, puis on va changer ta vie. On se ramasse une couple d'années plus tard. Alex Hopper est rendu dans Marine. Il est pas commandant d'un bateau, mais il est sur un bateau. Il a quand même un rôle. Officier. Il est quand même assez haut. Il est quand même assez haut parce qu'il peut donner des ordres. Non, il est pas capitaine, mais il est comme officier. Okay. Fait qu'il peut. Mais sa vie va pas mieux. Il fait plein d'erreurs. Il est sur le bord de se faire sortir de la marine encore. Liam Neeson est tanné. Il est plus capable parce qu'il fait juste des erreurs. Il arrive toujours en retard aux cérémonies. Il se bat avec du monde. Un vrai mauvais garçon. Fait qu'il. Mais ils se battent dans l'armée, tu sais, c'est comme... Ouais, mais ils se battent contre... Pas dans le même équipage, c'est en ça. Principe. Parce que ça se passe à Hawaii. Je sais pas si c'est une compétition réelle, là, mais ils parlent qu'il y a une compétition entre les pays, compétition de bataille navale. OK. Où ce que on voit le drapeau du Canada, fait que le Canada serait là. J'ai pas vu nos chaloupes, là. T'as-tu vu des petits trous dans l'eau? Non, mais c'est ça, je pensais voir des chaloupes avec le drapeau du Canada dessus, mais on les voit pas. Il y a les Japonais qui sont là, il y a plusieurs pays représentés. Fait qu'à un moment donné, Alex Hopper, qui est le bad boy, il se bat contre un capitaine de bateau japonais. Puis là, il se bat, il en vient au coup. Là, il se présente en avant de l'amiral Shane, qui est Liam Neeson, qui... Il dit, vous recommencerez pas ça, vous ferez pas ça, et ça, tatatata. Ta, ta, ta, ta. Puis là, ils font semblant qu'ils ont tombé, puis son coude a frappé l'autre dans l'œil. Bon, okay. c'est ça. Fait que, il se passe un peu comme ça, se passe un peu de même. C'est là qu'on apprend que Alex Hopper, qui devient le personnage principal du film, est sur le bord de se faire sortir de la marine. Là, il y a des regrets, il appelle sa blonde en disant, regarde, je vais m'arranger pour que ça se passe mieux. Sa blonde, c'est la fille de Liam Neeson. Fait que là, il faut qu'elle essaie de plaire à l'amiral. Pour être dans l'armée, parce qu'il veut marier sa fille. Bon, fait que c'est la petite histoire à l'eau de rose du film. Puis là, les extraterrestres arrivent, ça se plante dans l'eau. On a l'impression qu'on regarde Transformer 4 un peu. Là. Ça sort de. C'est, il y avait des sons aussi qui nous ouais, faisaient penser c'est, à ça. Ben hein? C'est fait, c'est Hasbro. Hein, fait, okay. Puis c'est by the same people that brought you Transformers. Là, okay. C'est le poster. Fait que tu dis, OK. Là, tu regardes les vaisseaux. Tu dis, ouais, ça peut se plier de même. Puis une Camaro, peut-être pas. Mais peut-être d'autres choses. Fait que là. Tu dis, ouais, OK, ils ont pris la même gang vraiment pour faire les effets spéciaux, puis ils ont peut-être recyclé des affaires d'un à l'autre, parce que Ça ressemble pas mal. Le look visuel du film, c'est pas mal pareil. Moi, j'ai vu les previews. À part, c'est dans l'eau, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, les extraterrestres arrivent. Puis là, comme par magie, il y a une partie de l'armée qui les extraterrestres font une espèce de bulle pour fermer un espace qui comprend l'île d'Hawaï. Parce qu'en s'écrasant, en atterrissant sur la Terre, il y a le vaisseau de communication des extraterrestres qui explosent, fait que là ils peuvent plus communiquer avec leur planète. Fait que là ils se ferment une zone pour se protéger. On se ramasse avec le bateau de Liam Neeson qui est en dehors de cette zone-là, fait qu'il peut pas qu'il peut pas du tout se battre contre les extraterrestres ou les voir. Mais là on a le personnage principal qui est sur son bateau, son frère qui est sur un autre bateau, puis il y a un autre bateau aussi de nobody, parce que ça prend des nobody pour mourir en premier, là, comme les dans Star Trek. Quand tu jouais dans Star Trek, dans les missions, non, mais c'est pas toi, mais okay. Si t'avais le bonheur de jouer dans Star Trek dans le temps, dans la série télé, puis qu'ils te donnaient un chandail rouge, tu revenais pas dans le show d'après. Parce que t'avais un chandail rouge, tu crevais. T'sais. Ah, moi, tant qu'ils me téléportaient, j'aurais été heureux. Hein. Fait que ça prenait de la chair à canon. Fait que là, t'as trois bateaux dans l'espèce de bulle. Puis là, ben, il se passe comme que les extraterrestres sortent de l'eau, puis là, ils comme montent pour essayer de communiquer avec leur planète. Fait que là, il faut qu'ils s'arrangent pour aller sur l'île d'Hawaï, ramasser le centre de communication, dont le message principal est parti d'eux, pour communiquer avec eux autres, pour pouvoir communiquer avec leur planète. Pourquoi? On le sait pas. Puis on le saura jamais. Les extraterrestres commencent à se déployer un peu, sortent de l'eau. Il y a comme des grosses tours en plein milieu de l'eau, tu sais, des espèces de T. Avec des plateformes, j'imagine, comme pour des pommes de vaisseaux. Non, mais probablement, ça ressemble un peu à ça. Mais tu sais, peut-être des plateformes de départ pour des vaisseaux, des affaires de même. Je sais pas trop ce que c'est. Ça envoie des espèces de rayons de lumière à un moment donné vers le ciel. Ça forme une bulle. Un dôme fermé d'une certaine zone, dont l'île d'Hawaï est pognée dedans. Le bateau de Liam Neeson est l'autre bord de ça. Il essaie d'envoyer un avion, elle se plante dans le vaisseau, puis ça explose. Mm-hmm. Ça lui montre que, ah ben, gadon, on peut pas passer, tu sais. Fait que là, t'as trois bateaux pognés dans le milieu. Là, Alex Hopper, puis sa gang, dont Rihanna. Elle a pas chanté une petite tune en s'en allant. Là, ils s'en vont pour voir c'est quoi ça, ces espèces de choses-là. Puis là, ils sont là, ils se demandent, est-ce que ça fait partie de la simulation? Ça fait-tu partie de l'espèce de concours qu'on est en train d'avoir en tous les pays? C'est quoi ça? C'est une surprise qu'ils nous ont faite, tu sais? C'est comme... Puis là, ils regardent ça, tu sais, ça a l'air comme énorme, tu sais, juste voir ça dans la vraie vie, tu dirais, ça sort de l'eau, ça? C'est pas normal, tu sais? Okay. Ça a pas l'air humain, tu sais, mais là, ils s'en vont là, puis ils s'en vont voir, puis là, ils marchent sur un des morceaux qui est là, puis là, ils s'aperçoivent que s'ils marchent, ils peuvent marcher dans l'eau, parce qu'il y a comme une espèce de plateforme en dessous, à peu près peut-être à 6 pouces en dessous de l'eau. Puis là, ils marchent là, puis là, ils s'en vont jusqu'à la grosse tour. Ouais. Puis là, ils touchent au mur, puis là, il se passe de quoi, puis là, il y a des vaisseaux qui sortent, puis là, ça commence à... Tout le monde commence à paniquer, puis là, à un moment donné, ils se mettent à tirer sur le vaisseau, sans plus ou moins avoir été attaqués en partant. Les humains attaquent les parents. Ils commencent à dire on va les envoyer une semence à gauche ou à droite, tu sais, pour les avertir que s'ils continuent à se déployer, tu sais, ou à sortir de l'eau puis à se transformer en Optimus Prime, quelque chose de même, on va lui tirer dessus. Fait qu'ils tirent un coup à côté. Les extraterrestres voient ça comme déclencher une attaque. Puis là, ils commencent à tirer partout. Mais là, c'est comme nébuleux. C'est comme. Si tu pointes tes canons vers eux autres, ils te voient comme une cible rouge, une cible méchante. T'es le même bateau, mais t'es de côté, puis tes canons sont ailleurs. Ils te voient comme une cible verte, ils tirent pas dessus. Fait que où ça vient nébuleux, c'est que t'as aucune espèce d'idée à savoir pourquoi ils sont ici. Sont-ils ici pour nous assimiler, nous détruire, ou ils étaient venus ici pour explorer. Participer au jeu. On les a attaqués. Ils n'ont pas été chanceux en s'écrasant. Le vaisseau de communication est détruit. Ils peuvent plus parler à la maison. Ils peuvent plus appeler leur femme pour leur dire que ça va bien, ils sont arrivés. Ils peuvent pas ni communiquer avec les humains pour savoir pourquoi ils sont là. Parce qu'ils parlent pas. On imagine qu'on parle pas le même langage. Fait que là, tu te fais attaquer, ils se défendent. Mais là, tout le long du film, t'as des humains qui sont agressifs avec eux autres. Fait qu'ils vont éliminer ces humains-là. Mais t'as des humains qui sont pas agressifs, ils les voient en tant que vers, Il passe à côté. Tu fais ce que tu veux, tu te promènes, tu ramasses. Il y a un moment donné, un scientifique qui a besoin d'une boîte pour contrôler quelque chose. Il s'en va dans l'espèce de cabane où il travaillait, dans le centre de communication. Il rentre, il ramasse son espèce de valise, il se revient d'abord. Il y a un extraterrestre direct en avant de lui qui le regarde. Tu vois les yeux de l'extraterrestre, le voit vert. Fait qu'il ramasse sa valise, puis il s'en va en marchant, puis il sort, puis il se fait pas attaquer. Fait que tu sais pas s'ils sont vraiment méchants ou s'ils sont juste là pour autre chose, mais c'est nous autres qui a été agressifs avec eux autres en partant. Peut-être pour observation. Tu sais pas si leur but c'est d'envahir la Terre puis de nous éliminer toutes, ou juste qu'ils étaient là parce qu'on a communiqué avec eux autres puis on leur a dit, tu sais, venez-vous-en, on a de la bière et des chips. Tu sais pas. Les chips mouillés, hein. Mais t'as aucune idée. Fait que, je veux dire, le film... Fini, puis tu te demandes... Te mène un peu en bateau. T'as aucune idée où est-ce que ça s'en va, t'as aucune idée pourquoi, t'as aucune idée comment, puis c'est quoi leur but, puis on sait juste qu'on se bat contre eux autres, ils ont des armes écœurantes, je veux dire, ils vont te pitcher une espèce de baril qui tombe dans le bateau, ça explose, puis ça arrache quasiment la moitié du bateau d'un coup, mais tu le tires avec ton bateau qui est théoriquement un tire-poids à comparer des armes qu'eux autres ont. Puis t'es capable de leur faire du dommage comme ça n'a pas de bon sens, puis même jusqu'à le faire exploser. Fait qu'ils ont des armes écœurantes, mais du bouclier, pas besoin, tu sais. Mais pourtant, avec leur bouclier, ils sont capables d'arrêter un avion en plein vol. Ouais, avec l'autre bouclier, mais le bouclier du vaisseau, c'est comme... Pas un de ça, nous autres, tu sais. Fait que c'est comme... On peut juste le gros bouclier, on peut pas le petit. C'est ça, tu sais, on a la technologie pour le bouclier énorme, mais la miniaturisation, on n'est pas là encore. Fait que c'est comme... C'est trop comme weird. Puis là, t'as une scène à un moment donné vers la fin du film où ils se battent. Ils vont te ramasser un bateau qui a comme 40 ans, là, un vieux bateau. Qu'ils n'ont plus de bateau. Parce qu'ils n'ont plus de bateau. Les bateaux sont tous détruits par les extraterrestres. Puis là, ils s'en vont. Puis là, ils attaquent. C'est un petit paquebot, là. Non, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau qui est un. Ouais, c'est ça. Non, c'est un gros bateau qui est un musée maintenant. Puis que le monde peut visiter. Fait que là, ils le ramassent. Puis là, ils se ramassent sur le bateau. Puis c'est une des scènes popées du film où ce que. Tu vois Ben Stiller. Non, c'est ça. Mais où ce que, tu sais, ils sont tous là. Puis ouais, mais c'est une technologie de bateau que je sais pas comment faire marcher. C'est un bateau à vapeur. Je sais pas comment ça marche. Puis là, tu vois les personnes âgées qui ont roulé ce bateau-là dans le temps, qui arrivent, puis on va vous aider. Puis... Fait que là, tu sais, c'est comme... Ouais, mais si elle a peur, elle devrait partir tout seul. Fait que, tu sais, c'est une scène pas super. Mais là, ils partent avec ce bateau-là, puis à un moment donné, ils roulent à fond. Puis là, les extraterrestres s'en viennent pour le descendre. Puis là, ils peuvent pas se faire descendre, parce qu'ils se font descendre, ils ont plus de bateau. À un moment donné, ils décident, ouais, drop l'ancre. Et il drop l'angle dans le fond, puis là, le bateau te fait un drift, ouais, c'est comme, tu sais, Fast and Furious à Tokyo, là. Tokyo Drift, mais le bateau te vire ça sur le bord. Il chavire pas rien, l'angle arrache pas rien, là. C'est solide, un angle, là. Le bateau te fait comme un 180, puis là, il pointe les canons sur le vaisseau, puis il commence à tirer dessus. Mais tu le vois-tu, au niveau physique, suivre un peu les vagues, puis pencher de l'autre côté? Tu vois vraiment comme il vire quasiment... comme s'il n'y avait aucune restriction, là. Genre, ouais, la barre à gauche, mon homme, puis avec un clanc à terre, tu vois ça, m'a viré ça de base, ce bateau-là. Mais ils sont-tu en mer, en haute mer? Non, parce que l'ancre a besoin de descendre assez loin. Tu vois l'ancre descendre longtemps, parce qu'il s'arrange pour étirer ça, pour que ça vienne que... C'est une dernière seconde. Là. Si on tire pas là, là, on est fait, tu sais. Pour faire la finale, quoi? Ouais. OK. Fait que c'est... Mais tu sais, tout le long, c'est comme... C'est pas un méchant film. C'est pas un film que tu te dis... Tu sais, c'est comme le pire n'avait jamais vu. J'ai vu pire que ça. Mais tout le long, c'est juste que ça a pas de but. T'as l'impression qu'il te compte pas toute l'histoire. Que tu sais, tu sais pas pourquoi vraiment... que ce que tu regardes, ça se passe, puis t'as jamais les motivations des extraterrestres, tu sais pas pourquoi ils sont là. Fait que c'est ce qui me tape un peu ses nerfs, parce que ça avait au moins un peu de potentiel de dire, oui, ils nous attaquent parce que, mais tout le long, tu penses qu'ils font juste se défendre parce que c'est nous autres qui les agressons en premier. Oui, puis eux autres, leur seul but, c'est de défaire justement tout ce qui est armement. Donc quand ils rentrent dans le bateau, ils visent juste les armes, ils visent pas les gens. Puis il y a un gars qui est dans le bateau à un moment donné, puis tant qu'il ramasse pas une arme, il est vu comme étant vert, comme étant correct. Aussitôt qu'il ramasse une arme, il est rouge. Là, ouais. il est dangereux. Ouais. Fait que là, l'extraterrestre va se défendre contre. Mais à un moment donné, ça, il rentre dans le cadre du bateau. Il y a un des gars de l'armée qui est là. Il bouge pas. Il a peur. Il a la chienne. Il shake. Puis, mais il y a une arme des mains. Fait qu'il non, il n'y a pas d'arme des mains. Okay. Fait que là, il est là. Fait que là, tu vois, là, tu rentres comme dans le pot de l'extraterrestre qui regarde partout. Là, il voit le personnage. Il est vert. Il voit son cœur qui bat tout. Il est vert. Il regarde. OK. Pour arrêter le bateau, faut que je détruise ces tuyaux-là. Faut que je détruise ce moteur-là. Faut que je détruise telle affaire. Fait que là, il s'en va. Puis il s'en va attaquer juste ce qui est rouge. Mm-hmm. Des armes, ce qui fait marcher le bateau, qui peut les attaquer. Puis après ça, son but, c'est de sortir. Ouais. Ben là, le gars, il voit ça, puis il dit « Hey, il est en train de détruire mon bateau. » Il se ramasse un arbre. C'est là, il se fait pas tuer, mais il se fait sacrer une volée. Ouais, il devient okay. rouge, il se fait sacrer une volée. L'extraterrestre sac une tape, mais il va pas pour l'achever. Il aurait pu aller pour l'achever. Il va pas l'achever. Parce qu'il se trouve être quand même une menace, même après une tape. Ouais, mais là, comme il se fait désarmer, il le regarde, il fait comme redevenir vert, où il est plus une menace, puis l'extraterrestre s'en va, puis là, il se fait réattaquer plus loin. Puis t'as aussi une autre affaire, c'est que les extraterrestres sont bien, bien humanoïdes. S'il y a une affaire que j'ai aimée dans le film, c'est les extraterrestres, la manière qu'ils ont faite. Parce que tu regardes, ils disent la planète, c'est une planète similaire à la Terre. Donc, les personnages qui habitent la planète sont semblables aux êtres humains. Ils ont quatre doigts au lieu de cinq. Ouais, puis la main est faite comme plus centrée. T'as comme la main comme si c'était rond, tes doigts sont plus. T'as comme pas de pouce, mais si tu tasses ton doigt à la place du pouce, ton index à la place du pouce, puis le petit doigt plus bas, ça fait à peu près leur main. Fait que quand ils viennent pour ramasser quelque chose, c'est comme... C'est crédible, pareil. Ils sont capables de ramasser des choses. Les yeux. C'est tout ça, le but du... Tu vois leurs yeux à travers leur masque à un moment donné, puis t'as l'impression que c'est des êtres humains, c'est vraiment proche. Puis quand à un moment donné, ils enlèvent le masque, c'est plausible. Je veux dire, ils ont des barbiches, ils ont des yeux, ils ont l'air d'avoir peur, mm-hmm. parce qu'à un moment donné, il se réveille, il y a plein d'êtres humains alentour de lui, puis là, il panique, puis il a peur, puis à un moment donné, il y a même un escouade d'extraterrestres qui viennent sur le bateau. Pour le sauver. Mais mm-hmm. il arrive, il tasse les humains, il tue pas toutes, il ramasse leur ami, bras dessus, s'en va, le traîne, la sort du vaisseau, l'amène sur un vaisseau de sauvetage, puis ils partent. Ils ont pas pris le temps de détruire le bateau au complet, puis ils auraient pu. Fait que, tu sais, c'est ça qui mélange un peu, puis ce qui est plate, c'est que tu le sais pas, c'était quoi leur motivation. Donc c'est dur à suivre. Puis j'espère que leur but, c'est pas on va laisser ça de même, puis on va en faire un deuxième. Parce que ça serait comme... Pour expliquer, peut-être? C'est perdre notre temps, là. Fait que... vidéo. Puis encore. Fait que c'était un flop, là. Non, c'est pas un... Je veux dire... Le film s'écoute bien. T'as 2 heures et quelques, tu vas le regarder, il y a de l'action, il y a du suspense. Pendant que t'es dans le film, c'est bien. C'est après que tu sors du film, tu te dis, ben oui, mais pourquoi ça? Puis pourquoi ça? Puis c'est là que ça a plus de sens, là. C'est ça. Puis quand tu remarques pendant le film aussi, tu sais... comme le bateau qui drift, ou des affaires ouais, ou le fait qu'ils n'ont pas de bouclier pour se protéger. Ils sont capables de détruire un bateau avec une salve de canon, mais ils ne sont pas capables de se protéger. Puis le fait que tout le long aussi, tu te demandes pourquoi ils sont là, puis tu ne le sais pas. Puis, c'est fatigant tout le long. Fait que moi, je me dis, regarde, c'est s'il n'y a pas d'autre chose. Si regardant, mais vide de sens. C'est ça. Ah, c'est ça. Faut vraiment que tu mettes ton cerveau à off. Tu vas t'asseoir. Puis tu regardes les explosions. Parce que ça passe vite. Je veux dire, il y a de l'action tout le long, ça n'arrête pas. Comme des Expendables, c'est ça, avec Sylvester Stallone. Ouais, mais Expendables, c'est meilleur que ça. Là. Ah ouais? Bon, ouais. Oh mon Dieu. C'est meilleur que ça. OK. Ça, c'est vraiment parce que le film, il est vide de sens. Je veux dire, faut pas t'essayer de suivre l'histoire parce que. Tu vas trouver tellement de trous dans l'histoire ou d'informations qui n'ont pas pris le temps de te donner que tu vas te dire, ça vaut même pas la peine de te casser la tête. Parce que si tu viens à la conclusion que les extraterrestres sont venus juste pour jaser avec les humains, ben la conclusion, c'est que les humains, ils ont tué les 4 demi-vaisseaux qui restaient, puis c'est daté de ça. Ils ont tout tué, puis c'est tout. Donc, ça arrive que des bons extraterrestres arriveraient sur la Terre, puis à la fin du compte, ce qui arriverait, c'est que les 5 vaisseaux qui sont arrivés sur la planète ont tous été détruits, puis que les êtres humains, bravo. T'sais, ce qui pourrait être plausible, ce qui pourrait être plausible, parce que demain matin, on voit les extraterrestres arriver, comment est-ce qu'on réagirait en tant que peuple? Mm-hmm. On aurait su la chienne suite, puis on les attaquerait. Ah, aussi. La masse, hein? Ben, c'est ça, tu sais, fait ça peut être plausible, mais... C'est juste, je sais pas. C'est. Fait Avengers, moi j'y donne un 9 sur 10 solide. Mm-hmm. Battleship, j'y donne un 5. Ok. 5. T'sais, s'il y a rien d'autre, allez le voir. Ça passe pas, 5, s'il y a rien d'autre, là. T'sais, il y a Hunger Games, il y a plein d'autres bons films qui s'en viennent. Si vous avez pas vu Hunger Games, je l'ai pas vu. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même mieux que ça, là. Fait allez voir d'autres choses, là. Il y a d'autres films qui s'en viennent. Ou retourner voir Avengers une deuxième fois. Aller manger une queue de castor. Ça aussi. Mais, une crème glacée, quelque chose de même. Là. Mais c'est payer 20-quelques piastres pour aller au cinéma pour voir ça, ça fait cher. Nous autres, on était chanceux. J'avais assez de 0.5 pour payer nos deux billets. Fait qu'il est revenu à rien pantoute. Et la question qui tue. Oui. Est-ce que c'était en 3D? Non. Non, pas celui-là. Wow. Non. Hey, juste pour ça, je pense que je vais y aller. Je suis pas sûr qu'il était disponible en 3D. Là, au cinéma où on était, je pense pas. Je sais qu'il était disponible en Ultra VX, là, avec les sièges D-Box et tout le kit. Là. Mais en 3D, je pense pas qu'il était disponible. Mais si au moins le 3, le D-Box fait en sorte qu'il soit mieux que le livre d'Eli avec Denzel Washington. Je l'ai pas. Je l'ai ah, pas. Écoute. Ok. Mais il y a des navets, il y en a, ça en prend. Puis c'est l'été, le monde demande des films, des blockbusters. Pas du maïs? Mais ça aussi, là. OK. fait que c'est un film à moyennement gros budget. Quand tu dis que ça a coûté 11 millions de moins que Avengers à faire. Mais juste ça? Ouais. Avengers a coûté 220 millions. Tu me dis qu'il y avait quand même du budget. Ouais. Non, oui. Avengers... Les effets spéciaux sont écœurants. Les effets spéciaux sont bien faits. C'est super bien, là. C'est tout du CGI, là. Je veux dire, ils n'ont pas vraiment mis des bateaux en mer. Il n'y a pas vraiment des vaisseaux d'extraterrestres. Je veux dire, c'est quasiment tout fait par ordinateur. C'est comme à peu près Transformers. Mm. Tu sais? Mais c'est ça. L'histoire. C'est l'histoire qui est. L'histoire est ordinaire, puis c'est à peu près ça, là. Fait que si vous avez d'autres choses à aller voir, allez-y. Ou sinon, restez à la maison, puis louez-vous quelque chose qui est sorti en DVD ou en Blu-ray, là. Ça va vous faire une meilleure soirée et ça va vous coûter moins cher. Et voilà. Eh bien, merci. Donc, on va finir ça là-dessus. Juste vous rappeler qu'il reste une semaine avant notre défi tête rasée. Ah non! 9 dodo. 9 dodo en date d'aujourd'hui. Je l'ai compté. Le 25, okay, oui. 25 mai. Oui. Donc, il vous reste encore du temps si vous voulez nous encourager. Aller sur le... Ben, en fait, encourager aussi le camp. Le camp, c'est surtout le camp. Nous autres, c'est nous autres que ça passe à travers nous autres, mais ça, l'argent va à le camp. Pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a comme de raison Simon, Steve et moi qui se faisons raser. Ajouté, il y a Annick qui a décidé de se faire raser le coco aussi. Puis il y a mon beau-père aussi, Jean. Mon papa, il est solidaire. Qui est le père d'Annick, qui est solidaire avec la cause. Puis que malgré ce que ma belle-mère dit, a décidé de se faire raser le coco quand même. Fait que on est rendu 5 à se faire raser le coco cette journée-là. On va espérer qu'il va faire beau. 3 juin à 2h30. 3 juin. C'est la fête familiale à Saint-Zotique. C'est de 1h à 16h. Si vous voulez, venez faire un tour. C'est pas si loin que ça. C'est 45 minutes de Montréal, sortie 9 de l'autoroute 20. Il va y avoir des jeux gonflables. Il va y avoir la barbe à papa. Il va y avoir plein de choses sur place. Venez faire un tour. Venez vous amuser en même temps. Puis venez nous rencontrer. Venez rire de nous autres quand on aura plus un cheveu sur le coco. Certain. Puis ça va nous permettre de jaser. Venez pas là juste pour nous autres. Venez là parce qu'il y a des activités aussi. Puis venez en famille. C'est ça. Ben ça, oui. ça va être le fun. Mon fils a tellement hâte. Ouais. Ça va être le fun. Puis j'ai hâte de voir sa réaction lorsqu'il va nous regarder. Ouais. Puis, fait qu'on fait ça pour une bonne cause. C'est ramasser ça pour les enfants atteints de cancer. Puis le camp qui est une très bonne œuvre de charité. On va avoir Madame Joanne Veilleux de Leucan sur place qui est là pour venir nous checker, pour être sûr qu'on fait ça en bonne et due forme. Comme il faut. Mais non, elle est là pour nous aider. Mais elle je suis là sûr que soutenir. Notre coiffeuse va faire aussi un bon travail. Oui, Mélanie de, du Studio 338 qui va avoir le plaisir de nous rendre chauve. Peut-être Lynn Bou aussi. Peut-être Lynn aussi, blonde de M. Steve Degary. J'ai hâte de voir Mélanie aussi, mais ouais. Lorsqu'elle va me voir, elle va dire « Ah, oh, Simon! » Ouais, c'est ça, vu qu'elle te connaît. Puis, fait que c'est ça. Ça va être amusant, c'est pour la cause. Puis, on va faire un, on devrait enregistrer un podcast là-bas. Ça sera pas un podcast régulier. Ça va être plus jaser, puis s'amuser. Puis pleurer. Puis pleurer de notre perte de cheveux. Fait qu'on va enregistrer ça sur place là-bas. On va probablement parler avec Mme Veilleux de Leucan, qu'elle nous explique un peu ce que Leucan fait, des choses comme ça. Donc, manquez pas ça. Ça va être une émission spéciale. Ça sera pas CJOP 11. Ça va être une émission spéciale pour Leucan. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. Puis, on se revoit ben, le 3 juin sur l'émission spéciale. Puis, on va avoir notre émission régulière à la fin du mois de juin. Puis, il va aussi avoir début juin le prochain Histoire de Gamer. Si tout va bien, mon invité va être Mélanie B. Chartier de l'Épée Légendaire. Et de mon côté, ben, je fais des Follow Friday en direct à Mathieu 2T, à Animate Trunks, et ainsi qu'à toi qui nous renvoie un paquet et à tout le monde! C'est ça. Des Follow Friday à toi. Écoute Twitter et moi. T'as le droit de le faire, c'est vendredi en fait. Ouais, c'est cela! Ah ouais, c'est vendredi! Fait que Mathieu April, puis Olivier. Olivier, ouais, le Animate, tu peux te considérer comme Follow Friday. Et voilà! Donc, merci beaucoup à tous. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.